Actuellement, il fait presque nuit. L'air est froid et le paysage autour de vous gelé. Il commence à neiger. Vous vous trouvez actuellement sur un sentier en direction du village d'un village nommé Moonlufer. Le chemin est aussi dévasté et abandonné que tout le reste. Même pas besoin d'une alerte ou d'être alerte ou de faire des tours de garde. Vos pantalons et vos bottes sont couverts de cette espèce de boue, mi-liquide, mi-moisi, dans laquelle vous vous déplacez depuis maintenant 3 jours. La raison qui vous mène aussi loin dans le nord-ouest de la Borka est la suivante. Une ancienne connaissance à toi, Abby, est portée disparue. Non pas que tu étais un jour le moins du monde attaché à cette chouette, mais la retrouver pourrait te rapporter gros. Pour rappel, et également pour information les autres, une chouette, c'est un rang des apocalyptiques, au même titre qu'une pie, par exemple. C'est un assassin ou généralement un assassin ou un pillard. Bien que de ton côté, Abby, la tienne, se serait soi-disant ramollie avec l'âge. Alors que vous vous dirigez en direction du village, dans le froid et la poussière, tu songes et petit à petit tu repenses à votre rencontre. C'était il y a 8 ans. Tu te trouvais à vagabonder dans Justicienne en compagnie d'une amie à toi. Une amie du culte, elle se nommait Layel. Vous aviez le même âge. Et alors que toi, tu étais déjà une pie, elle, c'était vraiment différent. Les apocalyptiques la détestaient. Pour eux, c'était juste une vulgaire pinson qui n'avait pas encore gagné sa place parmi eux. Et qui avait plus en commun avec une spitalière qu'une apocalyptique. Elle était trop timide et trop réservée pour vivre avec des gens si dépravés. Il y avait également Josh. Une chouette, bien plus âgée. Vous étiez proche, mais il n'avait rien de particulier à tes yeux. Jusqu'au jour où il a commencé à se mettre en tête de quitter la ville. En effet, il préférait s'imaginer en train de traquer des animaux dans les bois plutôt que des innocents en pleine ville. Son projet de partir, il n'en parlait pas beaucoup. C'est mal vu par le culte. Alors que t'es perdu dans tes pensées, toi et tes compagnons, vous marchez, toujours sur le même sentier. La neige commence à se raccrocher à vos vêtements, et toi t'es là, tu repenses au passé. Tu te sens envahi d'un sentiment presque nostalgique, rapidement chassé par ta nature profonde. Et en regardant au loin, tu retombes à nouveau dans tes pensées. Pour une raison que tu ignores, la Vierge demanda à partir avec la chouette. Josh accepta, et ensemble, ils retrouvèrent un contact dehors. Leur objectif, c'était simple. Il devait juste investir un village abandonné, dans le nord. Très peu de personnes n'étaient au courant qu'il existait. Et ils ont ainsi retrouvé d'autres personnes qui voulaient quitter la ville et tous partir la même nuit. Le lendemain matin, à ton réveil, ni Josh ni Lyle n'étaient là. Tu repris ta vie comme si rien n'avait changé et jamais plus tu repenses à eux. Jusqu'à il y a 3 jours, un nouveau client, Laerne, la cigogne, te révéla qu'il venait du village abandonné où s'étaient rendus Josh et Lyle il y a 8 ans. Un village rebaptisé Moonlufer. Josh était toujours là-bas, dans son foutu village, avec Lyle en sa compagnie. Le soir même, le même client t'apprenait la disparition soudaine et inexpliquée de Josh, la chouette. De même que Lufer, la nouvelle corneille de Moonlufer, serait prêt à payer pour que quelqu'un le retrouve. Dans tous les cas, ce sera l'occasion pour toi de revoir cette bonne vieille Laïelle. Et comble du bonheur, la cigogne souhaiterait que tu lui ramènes un objet bien particulier à récupérer auprès de Luffer. Dis-lui simplement que tu viens récupérer ce qu'il lui doit. La course sera évidemment payée. Tu dois ramener ton butin à l'épave dans une semaine. La silhouette du village qui se dessine à l'horizon te sort de tes pensées. Mönlufer est un village en piteux état. Il ne possède pas beaucoup de maisons, seulement un grenier et une auberge, d'où émane de la fumée, en plus de quelques habitations ici et là. Et c'est en toute logique que vous vous dirigez vers cette dernière. Je parle évidemment de l'auberge. Contrairement à la plupart des bâtiments apocalyptiques auxquels tu as l'habitude, vous avez l'habitude, l'ambiance qui se dégage de ce bâtiment couvert de neige est plus de la tristesse et de la noirceur qu'autre chose. Tu tournes délicatement la poignée avant de pénétrer au sein du bâtiment. Devant vous, un triste spectacle, celui de la vie quotidienne d'un village perdu et oublié de tous. Vous voyez des fermiers assis à des tables qui mangent leur triste repas. Un pivert corpulent accoudé à un bar qui sert les clients avant de rajouter des bûches dans une grande cheminée où dansent quelques flammes. Vous voyez également une corneille qui a l'air d'assister et d'enseigner à une gamine à faire les corvées au sein de l'auberge. Que faites-vous? Très bonne question. Moi personnellement, disons que je connais pas les contacts ni rien, donc Bah, je suis en suiveuse quoi pour l'instant. je suis un peu pareil, moi je suis pas trop dans mon secteur, enfin si je puis dire ça comme ça, mais Très bien. on est plus chez toi quoi, Abby. Ouais, je sais. Ouais, a priori, c'est le leader, la leaderuse pour cette mission-là, quoi. Elle a en effet quelques prédispositions à accomplir cette mission. A priori. Abby, tu remarques donc que tes camarades te laissent passer devant. Réflexe logique, hein, je vais aller à la pique et accoudé au bar. Il y a un pivert accoudé au bar. C'est la petite précision, les pivers, c'est les espèchements de barman. Ok, tu commences à t'approcher. Tu passes à côté de la corneille, tu la vois qui est en train de jurer, enfin vous la voyez en train de jurer sur la pauvre gamine. Et vous vous dirigez donc au niveau du bar. En allant voir le pivert, vous surprenez ce dernier en train de se curer le nez. Et puis qui s'essuie ses gros doigts boudinés sur une nappe repliée qui était posée un peu par terre. Moi, je tousse. Qu'est-ce que vous voulez? Liel, ben, donc elle, c'est celle qui est toujours là, il me semble. Exactement. Ouais, t'as Josh qui est celui qui a disparu. Luffer la corneille. Pour récapituler, une corneille, c'est le chef des apocalyptiques. C'est-à-dire que tous les rangs apocalyptiques sont à peu près au même niveau, sauf les pinsons. Et les corneilles, eux, sont au-dessus. Ça veut dire qu'entre une chouette et une pie, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et pareil pour le pivert. Le pivert est au même niveau hiérarchique que la pie et la chouette. Du coup, c'est pas une corneille là qui était dans le truc avant de. Si, c'est ça qui était juste devant. Ah, bon, du coup, je parle directement à la corneille. Non, celui-là qu'on commence à discuter, c'est Oui, non, non, le Pierre. non. Mais si je vois directement à corneille, autant aller à corneille. D'accord. Très bien, dans ce cas-là, vous commencez à vous approcher de la corneille. Globalement, la corneille, c'est un homme d'une trentaine d'années. Il est habillé comme un pirate à qui on aurait retiré un chapeau. Il possède d'épais cheveux bruns, coiffés en queue de cheval et un bouc. Il a des yeux marrons et le teint plutôt bronzé malgré le climat ambiant. En vous approchant de la corneille, donc, vous la remarquez qu'il est en train de jurer sur la gamine, qui doit avoir à peine 7 ans. Il est là. Allez Laura, c'est pourtant pas compliqué d'écraser tous les putains de cafards qui envahissent mon putain de bordel! Et puis, il remarque votre présence et il marque un temps de pause. Remarque, regarde, il y en a même un, il s'amuse à te grimper dans le dos. Il pose sa main tremblotante, délicatement toutefois, au niveau de la fillette et en ressort un cafard qui commence à broyer dans sa main. Vous voyez un liquide jaunâtre qui se met à couler entre ses doigts. Ensuite, il commence à vous regarder parce que il a compris que vous étiez venu pour lui parler. Ouais. Vous êtes qui? Sympathique. juste comme ça, ils ont pas l'hospitalier, les lingettes que je peux lui tendre pour se nettoyer. Tu vois, il essuie ses doigts sur son pantalon. Oh là là, quelle horreur. Je tourne la tête, moi, je veux pas regarder un truc pareil. J'espère pour vous que vous ne s'introduisez pas dans mon bâtiment dans l'espoir de trouver une quelconque forme d'hospitalité. Non, à non, moins non. Que vous ne soyez là pour de bonnes raisons. Ouais. Et quelles sont-elles? J'ai été mis au courant de la disparition de la chouette. Josh. Ouais. Ok. J'imagine que vous voulez une description de des événements. Ouais. Et ok. On sera bien payé à la fin. Y a pas de souci. Ok. Josh, ça fait presque 8 ans qu'on vit ici, lui et moi. Et v'là que le type nous lâche. La même semaine qu'Edstoff, ce connard. Il a disparu il y a presque une semaine. Il était parti chasser, comme à son habitude. Absolument tout le monde connaissait l'heure à laquelle il allait chasser. C'était tout le temps la même, depuis maintenant 8 ans. Le problème, c'est que personne ne lui souhaitait du mal et certainement pas sa mort. C'était notre dernier chasseur. Et le souci, c'est que depuis, plus personne veut prendre sa place. Ils ont peur de finir comme lui. Mais le pire là-dedans, on n'est même pas sûr qu'il soit mort. On a fouillé les bois rapidement et puis on n'a rien trouvé. Alors voilà, si jamais vous y connaissez un peu plus que nous en pistage, que vous avez... Enfin bref, faut que vous le retrouviez quoi. C'est faisable, ouais. Mais yep. Qu'est-ce qu'on a exactement en retour? 600 lettres de change. Non négociables. Correct, correct. Bon, ouais. J'imagine. Bon, monsieur. Ok. D'accord, et du coup, il a terminé. Josh a disparu avec votre gars là. C'est ça? Pardon? C'est Josh et votre gars dont... qui a un nom bizarre qui a disparu, c'est ça? Edstoff? Non, lui, c'est différent. Il était chasseur aussi. Mais ce con, il s'est mis à traquer un cerf pendant des jours. Et il s'est pas rendu compte qu'il avait posé son gros cul sur la plus grosse tique que j'ai jamais vue. On s'en est rendu compte après son premier malaise. Elle était encore là, accrochée à sa raie comme une sangsue. Il nous a lâché quelques semaines plus tard. Je sais pas ce qu'il lui a refilé, mais c'était violent. Alors clairement, si vous avez un conseil, si vous voulez un conseil, si jamais vous vous rendez dans les bois, faites gaffe à ces bêtes-là. Elles nous viennent tout droit de la Franca. Et on en trouve de plus en plus par ici. Question, est-ce que moi, de par mon métier, enfin de mon métier, mes aptitudes, est-ce que je connais, parce que c'est pas comme une maladie, mais c'est pas être soigné, donc est-ce que c'est quelque chose que je peux moi connaître ou pas du tout, ou j'ai jamais... Dans l'idée, fais-moi un jet d'intellect, je pense médecine. Ah, intellect, médecine, donc ça me fait 6. J'ai 4 réussites et 2 déclencheurs. Don de déclencheurs. 2 déclencheurs. Don ou avec en plus? Non, c'est tout compris. Hein. J'ai compté dans les réussites quoi. C'est 4 réussites avec les déclencheurs dedans. D'accord, ok. Dans ce cas-là, oui, c'est 4 réussites, don de déclencheurs. Voilà. Ok, dans ce cas-là, ça passe. Donc en effet, t'es au courant que les tiques peuvent propager des maladies qui peuvent. Parfois, en effet, provoquer la mort. D'accord. Et c'est quelque chose qui peut être soigné si on y prend tôt ou... Si tu y prends tôt, oui, ça peut être soigné, en effet. D'accord. Okay. Enfin, après, ça dépend. Les tiques en Borkaï, il n'y en a pas tant que ça normalement. Là, vous êtes dans le nord-ouest, donc c'est un petit peu plus différent. Mais c'est rare que vous en ayez. Parce qu'après, si, du coup, moi, juste pas, parce que par des formations en fait professionnelles, si jamais ils savent pas comment soigner ça, je peux leur donner un conseil pour peut-être si jamais il y en a d'autres qui se font piquer un jour, quoi. Voilà, c'est tout. Par gentillesse, on va dire. Ok. Ouais, après, malheureusement, tu sais pas exactement. Enfin, ça dépend clairement de la maladie, en fait. D'accord. Ok, c'est tout. Ok. Moi, une question. Parce que je suis un peu claqué aujourd'hui, mais l'objet, là, enfin, l'objet, le truc qu'on doit ramener, c'est Josh qui est là, si j'ai bien Non, suivi. c'est la corneille. Ah, ok. Ok. Je vais le noter avant de réoublier. Ouais, mais je lui demanderai quand on l'a ramené, Josh, ça serait, je pense, mieux. Parfait. Si tu veux, je peux d'ailleurs te donner, réécrire le nom du contact. Ouais, je suis désolé, mais en plus, là, je suis fatigué et moi, les prénoms en plus. Ok, c'est vrai. Ok, merci beaucoup. D'accord. Bon, bah on va s'occuper de votre affaire alors. Ouais. Ok, super. Mais je vous conseille pas d'y aller ce soir. Il fait nuit, vous allez rien voir. Bah, de toute façon, vous comptez bien nous loger ce soir, non? Y a pas de souci, si vous enquêtez dessus, vous serez logé et nourri. Considérez ça comme une prime. Ça va. Mais pas plus de deux fois Enfin, par jour. la moindre des choses. J'imagine. Bon. Et mis à part la forêt et tout ça, on sait jamais d'autres trucs à nous raconter sur notre disparu. Non, c'est... Enfin, je sais pas. Vous savez, ici, ça va faire 8 ans qu'on a quasiment le même mode de vie. Il y en a qui vont chercher à manger, d'autres qui construisent des trucs, et d'autres qui font à manger. Ça peut être très joyeux. Je vois. Une vie passionnante. Bon, bah, je vais m'écarter. De bâtard qui crache à la gueule. Ouais, du coup, on va s'écarter, on va passer la soirée, et demain matin, on y va dès l'aube. Hein. Enfin. Ok. Vous commencez à vous asseoir au niveau des tables. Vous commencez du coup à manger. Vous voyez le pied vert qui vous apporte à manger. Et puis vous discutez avec les villageois, j'imagine. Ou alors vous préférez rester. Je ne sais pas. Ça dépend en fait l'intention de mes amis. Si je vois qu'ils restent genre à notre table et on bouge pas, je reste avec eux. Mais sinon, ouais. Bah après, si on peut essayer de récupérer des informations qui pourraient nous aider dans Sachant que quelques c'est une grande table. Enfin, non, il y a deux grandes tables, on va dire. Ouais, ça fait un peu table d'hôte quoi. Enfin, avec C'est ça, les gens qui exactement. C'est pas partagent un le restaurant repas. avec. Puis vous partez vraiment du principe qu'il n'y a pas beaucoup de passages dans ce petit village. Donc globalement, en fait, ils sont quasiment tout le temps entre eux. Bah du coup, ouais, ce serait peut-être intéressant de pouvoir poser les questions, essayer de se renseigner un petit peu sur lui, entre guillemets, hein, déjà, quelles étaient ses habitudes, pour que nous, on puisse avoir des pistes, quelque chose, enfin. Ok, très bien. Mais dans ce cas-là, je vous laisse. On imagine que vous commencez à vous asseoir au niveau des villageois. Moi, j'ai Et ça avec vous voyez, donc c'est des villageois un peu crasseux, tout ce qu'il y a de plus normal. Oh, Ils sont en c'est des train de manger bouseux. leur... Quoi? C'est des bouseux, quoi. Bah, Ouais, un petit peu dans l'idée. avant de m'asseoir, je nettoie un peu mon siège pour il est trop dégueu. Ok. Voilà. Alors, précautionneux un petit peu, tu vois, un peu maniaque. Alors là, tu vois un des mecs qui relève sa tête de sa soupe. Il te regarde dans les yeux et il fait. Alors comme ça, vous êtes là pour Josh? Il semblerait bien, oui. Comment vous avez su qu'il était plus là? Je me tourne vers Abim. Les contacts. Ouais, des contacts. Ouais, des contacts. Bon. Vous voulez des infos, j'imagine. Ça peut servir, oui. Ça pourrait nous aider, effectivement. Moi, j'ai une théorie, mais... Là, vous voyez les autres qui commencent à arrêter de manger. Comme s'ils allaient assister à un moment... Tu vois... Un peu malaisant. Un peu rigolo. Presque. C'est plus ça, en effet. Mm-hmm. Et tu vois, il les regarde, il fait « Oh putain, vous allez pas commencer à vous refoutre de ma gueule, hein !» Mais... Pour moi, c'est une histoire de malédiction, tout ça. De malédiction. Ça fait 8 ans qu'on n'a pas eu de mort. Et là, 2 morts en une semaine. Moi, je vous dis, c'est pas... C'est pas un bon présage. Ouais. Dis-moi tout. Je sais pas. Ils ont dû faire des trucs... interdits. Du genre ? J'en sais rien, moi. Des rites... Ça tient bien la route, ta théorie. C'est des spéculations, quoi. Vous avez aucune preuve de ce que vous avancez. Bah, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Oh, une malédiction, c'est sûr. Je sais pas, est-ce que, moi, est-ce qu'il avait des ennemis, des tensions avec certaines personnes parmi vous ? Bah non, ici, tout le monde est pote avec tout le monde. Et puis... Justement, pourquoi on s'en prendrait aux chasseurs ? C'est les seuls mecs qui nous ramènent à bouffer. Depuis qu'ils sont plus là, ça commence vraiment à être sérieusement la merde. Et est-ce qu'il y a eu des étrangers récemment, mis à part nous ? Il y a quelques temps, il y a la cigogne qui est passée. Il avait affaire avec la corneille. Croyez pas, hein. C'est pas parce qu'ils sont planqués dans leur petit village qu'ils continuent pas de magouiller. Mais ouais, il passe régulièrement. Bon, après, moi je suis pas trop familier avec les trucs de cigogne machin, donc ça c'est plus pour toi, Abby. T'inquiète, alors, ouais, l'histoire d'oiseaux, ça. Non, mais en fait, c'est super simple, vous inquiétez pas. Hein. À force, on s'y habitue. On m'a toujours dit que les oiseaux transportaient les maladies. Oui, bon, hein, tu vas pas commencer. C'est pas le bon lieu. Je sais pas moi. Le poulet. Hein ? Bon. Est-ce que t'as entendu le poulet ici ? Non ? Bah voilà. Oh. À ce moment-là, vous entendez une porte à l'étage qui s'ouvre. Et vous voyez un bonhomme qui sort d'une pièce. Parce qu'il y a une espèce de petite mezzanine avec un escalier qui donne sur l'arrière-salle de l'auberge. Vous voyez un chauve de taille moyenne, plutôt bien bâti. Ça doit être un bûcheron, un truc du genre. Il commence à descendre les escaliers presque précipitamment. Eh, salut les gars! Vous voyez son visage qui trahit une espèce de soulagement ou de sentiment quasi euphorique. Eh, vous voyez, il essaie d'amener, comme un mec qui essaierait d'amener une mauvaise blague. Eh, je sais pas ce qu'elle a en ce moment, la demoiselle, mais j'ai rarement vu, autant bien pris mon pied. Et vous voyez les autres qui le regardent un peu. Un peu malaisé, parce que là il y avait toute cette ambiance un petit peu lourde et le mec il commence à venir comme ça. Et puis il commence à servir un shot au niveau du bar avec le pivot. Et puis il repart. Il ouvre la porte de sortie et puis il sort de l'auberge. Allez, à demain tout le monde. Vous voyez, il a même pas calculé qu'il y avait 3 mecs qui étaient pas là d'habitude. Et puis il s'en va. Je tape le mec au doigt. C'est qui lui ? Ah, lui c'est Harry. C'est un con. Faites pas attention, non, ça, on est pas tous comme lui, vous savez. Ah bah, ça se voit, hein, au premier coup d'œil. Mais également, vous voyez une silhouette qui apparaît au niveau de la mezzanine. Et de ton côté, Abby, tu reconnais cette silhouette, puisqu'il s'agit de celle qui était autrefois ton amie, si on peut dire ça comme ça. Donc on parle donc de Layel. Bon, bah, je me lève, je vais. Oh! Enfin, je sais pas, je l'ai vu concrètement ou pas? Oui, tu l'as vu. Bah du coup, ouais, genre en mode « Ah, ma vieille amie, comme tu m'as manqué !» Tu vas voir qu'il te dévisage un instant, comme si elle savait pas qui t'étais, et puis « Abby ?»« Ouais !»« C'est toi ?»« Oui !» Oh, ça va faire des années. Ah bah oui, quasiment 8 ans. Tu la vois, elle descend. Bon, attends, j'ai 100 minutes de pause, j'arrive. Alors clairement, tu vois que la Yael, bah, elle a bien changé hein, depuis votre dernière rencontre. Hein. Désormais, c'est une jeune femme, elle doit avoir 22 ans et quelques. Elle est plutôt élégante, elle a de longs cheveux blonds qui lui tombent jusqu'aux hanches à peu près. Et tu remarques quand même que son côté timide et réservé a l'air d'avoir relativement disparu. En tout cas, en apparence. Et également à cette tenue qui n'est pas non plus extravagante, mais tu comprends qu'il s'agit désormais d'une pie. Et puis lorsqu'elle arrive, elle commence à s'asseoir à votre table. Et qu'est-ce que tu fais là du coup ? Ah bah je suis venu, j'ai été vu écho de la disparition de Josh et du coup bah... Tu vois, elle commence à regarder Torik. C'est qui lui ? Ah, un ami m'a beaucoup aidé. Bon, il est un peu chiant, mais... D'accord, tu traînes avec des hospitaliers, toi, maintenant. Ah, les... Le hasard. Bon, j'avoue, des fois, c'est chiant qu'ils soient hospitaliers, mais bon. On nous apporte les trucs. Enchantée, mademoiselle. Ok. Eh ben, écoutez, on va dire que les amis d'Abby sont mes amis. Qu'est-ce que tu fais là, dans le coin ? T'es là pour Josh ? Ouais. Ouais, je m'en doutais. Tu sais, il a bien changé hein, de style, lui, depuis la dernière fois. Toujours aussi froid. Mais bon. Il avait réussi à trouver un endroit qui lui plaisait. Et t'as des idées de... Ce qui aurait pu lui arriver ? Ouais. À vrai dire, j'en sais rien du tout. C'est assez bizarre ce qui se passe en ce moment. Ouais. Bah, je sais pas, déjà il y a eu. Je sais pas si on vous en a parlé, mais Ed Stoff qui est mort. Ouais, avec la tique. C'est ça. Et puis une semaine après, Josh qui disparaît. Le problème, c'est que du coup, on se retrouve dans un village complètement assiégé. On n'a plus assez de vivres pour nourrir tout le monde. Alors, dès que les stocks seront épuisés, bon. C'est pour ça que la Corneille aimerait bien que cette histoire soit, comment dire, mise au clair avant qu'on ait vidé les stocks pour pouvoir engager d'autres personnes à leur place. Je comprends, je comprends. Bon, sinon, je te présente ma fille. Laura, et là tu vois la petite fille que vous aviez vue tout à l'heure, là, une petite blonde toute mignonne qui commence à s'approcher de vous. Non, elle est trop mignonne. Vous voyez qu'en effet, c'est, bon, c'est un enfant, donc tout ce que ça transpire l'innocence. Et bon, par contre, on sait pas pourquoi, mais elle parle pas. Ah. Ouais, mais bon bah, la manière dont elle te regarde considère que ça veut dire bonjour. Hein, que ça veut dire bonjour. Là tu vois la petite qui secoue la tête de haut en bas. De droite à gauche. Tu vois, ça veut dire oui. Ça veut dire qu'elle t'apprécie beaucoup. Bon là du coup, je lui rends un petit salut avec la main. Ok, tu lui fais salut. Mm-hmm. Bon, eh bien... Bah voilà, écoute, c'était cool. Moi, sur ce, il faut que j'y retourne, j'ai du boulot. Non, vas-y, je te retiens pas plus. Ok, salut. Oui, qu'elle vous dit au revoir et puis qu'elle remonte les escaliers accompagnée d'un des fermiers avec qui vous discutiez avant. Ok. Je vois. Du coup, c'est lequel, son père, je me demande. Tu vois la petite qui se retourne vers toi, qui hausse les épaules. Honnêtement, ah d'accord, je vois. Ah c'est pas non plus, je crois. Oh bah écoute, c'est les risques du métier. Tu la vois qui secoue la tête de haut en bas et puis qui s'en va en courant. Pour aller jouer avec les cafards. Alors maintenant, on sait qu'elle ne parle pas, mais qu'elle entend très bien. Exactement. Elle a une super audition. Elle a peut-être des enfants. Ouais. Ouais, non, mais oui, pour quelqu'un qui entend aussi bien, je pense que ce serait intéressant d'avoir une discussion avec elle après. Ouais, de ouf. Bon, après, la discussion, ça va être compliqué de comprendre ce qu'elle va nous dire. Est-ce que quelqu'un elle est muette aussi, elle est sourde. Elle est sourde. Mais non, tu... Non, non, je rigole. Elle vient de nous répondre, mais elle est sourde. Elle lit dans les pensées. C'est comme Sato qui envoie des « oui, je vous entends » pendant les conves, alors qu'il a pas son casque. Puis le moment où on dit « Sato, est-ce que tu nous entends ?» Et c'est très flippant. Bon, non, bon, à part ça, enfin, genre, à part du pistache pur et dur, pour l'instant, j'ai rien de concret. Ouais. Du coup, a pas l'air très stimulant, ton village. Hein. La salle de... Là, c'est pas bien. Oh, c'est comme si... Il n'y a qu'un seul mec qui nous a répondu, mais il y en a d'autres. Et... Oui, oui. Mais on a déjà eu à peu près des gens en plus. La gueule. Bah, globalement, là, vous vous adressez avec un autre mec, et puis... Ouais, non, écoutez pas l'autre tout à l'heure, c'est complètement taré. À mon avis, c'est juste perdu, et oui, il s'est cassé une jambe. Alors après, on peut toujours espérer le retrouver en vie, mais... Ouais, en gros, il faudrait ratisser un peu la zone. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous indiquer les coins de chasse les plus fréquentés, enfin, si vous bien sûr. En fait, tout simplement, vous êtes venu par le sud, j'imagine. C'est quasiment la seule route. Mm-hmm. Et en passant par le nord, à ce moment-là, vous arriverez au niveau de la forêt. Vous remarquerez qu'il y aura un sentier principal et il ne le quitte jamais. D'accord. Sauf si jamais vraiment ils voient une bête, dans ce cas-là ils vont s'éloigner de quelques mètres, mais jamais plus d'une centaine, j'imagine. J'imagine que vous, de votre côté, vous avez déjà recherché un petit peu. Oui, bien sûr, on a déjà organisé une espèce de battue avec les membres du village, mais on n'a rien trouvé. Si nous on reste sur le sentier, on verra la même chose que vous. Bah, a priori. Donc il va peut-être falloir se risquer à... aller en dehors. C'est possible. Mais est-ce que toi, Abby, tu connais un petit peu ou... Tu connais pas du tout le coin, toi? Enfin, je sais pas. Non, Abby, de ton côté, t'es jamais venu. Oui, voilà. La première fois que je renoue contact avec eux, je les avais totalement... Ah, d'accord. Je vois. Et est-ce que de votre côté, vous auriez peut-être quelqu'un qui puisse nous accompagner pour nous guider ou nous aider dans... Enfin, pas nous perdre, quoi, parce que on peut dans la zone. J'imagine que la corneille pourrait vous aider. C'est lui le chef ici, donc c'est lui qui décide. Moi, j'ai ma femme. Si elle apprend que j'ai quitté la ville, vous imaginez même pas ce qu'elle va me faire. C'est une vraie furie, celle-là. Elle a qu'une peur, c'est que je disparaisse comme Josh. Elle dit qu'il se fait bouffer par la Gendos, alors qu'il n'y a même pas de Gendos dans le coin. Bon, pourtant, c'est pas si dangereux que ça. Ouais. Vous savez, quand on sait s'y prendre, après... On leur a fait face, ils nous ont rien fait. Bon, allez, moi, sur ce, il faut que j'y aille, si je rentre en retard. Enfin, bref. Ah, merci de... Ouais. Merci de vous. Écoutez, pas de soucis. Ouais. Vous voyez qu'il s'en va, et puis petit à petit, c'est vrai que les gens commencent à sortir. Il se fait quand même un peu tard. Les nuits sont de plus en plus longues ces derniers temps. Donc vous finissez de manger, puis finalement vous allez vous rendre à l'étage pour vous coucher. Est-ce que vous voulez éventuellement faire d'autres choses avant, spécifiques? Peut-être juste pour la forme, un petit tour de la ville, histoire que j'arrive à me faire ça un petit plan dans la tête. Très bien. Comme ça, je vous faites un petit tour de la ville, alors vous le faites de nuit, donc vous voyez pas grand-chose. Vous voyez que l'auberge, c'est à peu près le centre. Et que c'est là où se termine la route, le sentier que vous aviez emprunté. Tout autour, vous avez plusieurs petites maisons. Également un grenier où a l'air d'être stocké de la nourriture. Et vous voyez également une ou deux maisons un peu plus loin qui sont accessibles en même pas 2 minutes de marche, tu vois. C'est... Enfin... Okay. mais qui elles ont l'air d'être un peu plus abandonnées en fait, un peu plus écartées des autres. Et en fait c'est tout, hein. C'est là d'être un très petit village, hein. Il y a peut-être même pas 30 personnes qui y vivent. Ouais. Ok. On aurait dû demander d'avoir accès à sa cabane alors. On peut Ou y peu aller importe où il demain. dormait quoi pour. On peut peut-être y aller demain, au jour. On va demander à la corneille, oui, à la corneille, et puis on y va. Je leur demande où est-ce qu'il habitait, et on y va. Ou à un habitant quelconque. Ouais, mais ils ont l'air d'être tous partis se coucher, non, a priori. Ah oui. A priori, oui. Tous, c'est pas un mec qui se couche un peu plus tard. Bah, des habitants, pour l'instant, vous n'en voyez pas. Okay. Après, la corneille est peut-être encore à l'intérieur. Ouais. Bah, à la limite, on peut voir si la corneille, au pire. Ouais, sinon, on fera ça plus tard. Vous re-rentrez dans l'auberge, et tout de suite, vous vous rendez compte qu'il fait quand même bien meilleur que dehors. Ouais. Et en effet, par contre, vous apercevez le petit verre au bar en train de débarrasser ce qui a été laissé au niveau des tables. Donc, si vous voulez lui parler, vous pouvez. Ouais, bah vas-y, je l'ai. Ouais. Dis-moi, tu peux me dire à peu près où est-ce que habitait Josh? Ouais, la maison juste à droite de l'auberge. En fait, elle est juste à côté du sentier qui menait à la forêt. Tu okay. remarques un truc étrange, c'est que ce mec, quand il parle, il te regarde jamais dans les yeux. Et, enfin, je veux dire, il regarde toujours soit ses pieds, soit ce qu'il est en train de faire. Ce qui est un peu déplaisant, mais bon. On peut y entrer comme on veut ou il faut fracturer la porte? Non, non, c'est ouvert. Et si on ferme jamais rien, il n'y a pas de voleur. Ouais. Non, il y a que des gens qui meurent. Bon. Tu vois, d'un coup, alors qu'il vous adressait pas du tout le regard, là, il relève la tête. Mokosh, voyons. En fait, pas de gaffe, elle est un peu... Bref. Mokosh qui est toute fière d'elle. Avec un énorme sourire technique. J'essayais juste d'être prévenante. Non, bon, allez, on va voir sa maison. Elle est ouverte, de toute façon, on peut y aller. Yup. Okay. Et fermez la porte de l'auberge en sortant. Ok. Il fait froid dehors. Bon, sortez. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Vous dirigez vers la maison à droite de l'auberge. Ouais. Et vous essayez d'ouvrir la porte. C'est une petite baraque qui. Elle a l'air d'avoir été bâtie sur les ruines d'une ancienne maison et rénovée au fur et à mesure. Chaque bout du mur a l'air d'être plus récent que celui à côté. Et en ouvrant, vous tombez sur une maison en bordel, avec un matelas qui fait office de lit, un bureau avec des affaires de chasse, du fil, une espèce de piège à loup. Oui, ils ont une chasseur, quoi. Exactement, tout ce qui est plus normal. On va emprunter quelques petits trucs comme ça si on va... On va genre, je sais pas, si on tombe sur des trucs pendant qu'on fait du pistage, au moins on aura la base pour, je sais pas, faire des petites défenses, ce genre de choses. Mmh. Ouais. Vous pouvez également une canne pour marcher. Et puis, au mur, ce qui semble être des espèces de bouts de bois qui ont été cloués pour installer un arc, vous imaginez. Ce qui veut dire qu'il doit être armé. Oui, mais de toute façon, il était parti chasser quand elle a disparu. Donc c'est normal qu'il n'y ait rien du tout ici. Il n'y a pas rien du tout, il y a du matériel. Oui, non, mais on se comprend. Oui, oui, t'inquiète. Bon, bah du coup, on va... Enfin, personnellement, je suis pour fouiller un tout petit peu, tu vois, genre s'il n'y a pas quelconque trace intéressante. Et après, on se sert en matériel. Ok. Vous commencez à fouiller. Alors globalement, je sais pas ce qui vous intéresse, mais en effet, vous trouvez du fil de fer, un piège à loup qui a l'air d'être cassé, qu'il était en train de réparer lorsqu'il est parti. Une paire de chaussures, enfin des affaires, tout ce qui est de plus classique en fait. Je peux tenter voir si je peux pas genre finaliser la, enfin. Le piège à loup, le réparer un tout petit peu pour... Bah écoute, si tu veux. Dans ce cas-là, il faudra que tu me fasses un test d'intellect. Alors attends, si je dis pas de bêtises, ça va être ingénierie. C'est pas craft? Alors je suis en train d'hésiter. Non, ça va être plutôt ouais, agilité, artisanat en effet. Ok. Plutôt que technologie. Non, artisanat en effet plus propice à cette action. Avec une difficulté de 2. Ok, j'ai 3D. Non, j'ai pas fait d'échec critique, mais j'ai qu'une réussite, quoi. Ok. Ça passe pas. En effet, tu remarques une espèce de problème au niveau du mécanisme qui refuse de s'actionner. Ok. Et étant donné la dangerosité d'un tel dispositif, tu préfères éviter de trop le trifouiller. Pour de peur qu'il se referme sur ta main. Ouais, compréhensible. Bah. Ok. Je me dis, je prends le fil de fer, moi. C'est comme jamais. Ok, tu prends le fil de fer. Vous remarquez clairement que la baraque, elle est pas ouf. Hein. Il y a des trous un peu partout dans les murs. Vous sentez le courant d'air frais de dehors qui commence à rentrer. Home sweet home. Des petites bestioles qui passent à travers pour aller se nicher au niveau du matelas. Enfin, ouais. Le truc tout poussiéreux, quoi. Je sais pas, il y a pas, je sais même pas si ça existe dans cet univers ou pas, mais il y a pas genre des je sais pas, des notes ou genre un truc sur lequel il écrirait. Si, si, il est possible d'écrire, mais là tu vois rien. Ouais, c'était pas un... Non, ah, ok. C'est un gars qui ça serait envisageable en effet. Ah, ok. Ouais, c'est ça, globalement, tout ce qui se passe autour de vous, ça décrit vraiment une routine, c'est ça, c'est dormir et chasser, quoi. Y a rien qui. Et visiblement, la seule occupation qu'il a, c'est réparer ses pièges. D'accord. C'est officiellement le village le plus chiant de tout le pays. Bah, clairement, c'est le truc qui est retranscrit, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, moi, Kush, toi, ça te met un peu de. On va dire. Ça te laisse un peu de marbre de dire que des apocalyptiques qui sont censés représenter ce côté un petit peu fun, perdu et oublié. On se réduit à ça, tu vois, parce que bon... Ouais, alors, tu généralises pas, hein. Ouais, non, moi, justement, par rapport à ce que je vois, hein, donc bon... Oui, bah, écoute, moi, je connais d'autres apocalyptiques. Hein, eux, c'est une exception ratée, c'est tout. C'est des apocalyptiques mormons. On va dire ça. Non, mais du coup, il n'y a rien d'intéressant, et je pense que, bah, de toute façon, à part les pistes et demain, on n'a plus grand-chose à faire, hein, parce que... Ouais, j'ai pas l'impression que soit dans le village qu'on va trouver quelque chose de ouf. Ouais, ça, ils ont l'air vachement ennuyeux comme genre. Tu te dis d'ailleurs que si jamais l'emplacement du village venait à être, comment dire, vendu ou donné à d'autres apocalyptiques de justiciennes, genre tu sais, des gangs un peu qui sentent pas trop pissés, ça serait même envisageable qu'ils viennent ici juste pour foutre le bordel, tu vois. Parce que. Ça serait presque considéré comme de la trahison, en fait, de la part des autres. Ah, ouais. Ouais, mais bon, il y a une fille que j'avais totalement oubliée, mais quand même un peu mon amie. Je verrai. Bah, en effet, c'était... clairement, à l'époque, c'était limite ta meilleure amie, tu vois. Mais c'est vrai que le jour même où elle est partie, ça t'a fait ni chaud ni froid, quoi. Tu t'en foutais complètement. Ouais. Je verrai. Genre, si j'arrive à trouver un truc qui m'intéresse, pourquoi pas. Mais... Enfin, je vais pas le vendre juste par principe de vente, tu vois. Je me doute, t'inquiète pas. Et donc, vous redirigez ainsi en direction de l'auberge. Ouais. Vous rentrez, cette fois-ci, il n'y a plus personne. C'est silencieux. Vous montez les escaliers sans vraiment savoir laquelle de vos chambres sera à vous. Et puis, vous voyez une des portes grand ouverte. L'intérieur a l'air vide. Ah, une des portes, d'accord. Quoi ? Une des portes, donc ça veut dire qu'il va falloir partager avec Princesse Tauric. Princesse Tauric. Ouais, tu sais, c'est qu'elle veut tout le temps dormir toute seule. Bon, j'aurais préféré Prince Tauric, mais bon, Princesse. Oui, bon, Prince, bon. Mais bon, on va dormir. Ouais, ben on rentre pour voir de quoi ça a l'air, quoi. Ouais. Attends. A priori, ça ressemble à rien. Si on rentre, c'est juste du noir. Ils n'ont pas modélisé la zone. Il n'y a pas de lit, il y a juste le sol. Écran de chargement, conseil. Chargement 1%. Pensez à faire une pause toutes les heures. Non. En effet, lorsque vous rentrez, vous découvrez une petite chambre aussi ennuyante que tout le reste du village. Il n'y a pas de meubles, il y a juste deux lits. Enfin, trois lits. Donc c'est une espèce de grande chambre, les lits sont chiants. Tout est chiant, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... Les murs sont vides, il n'y a rien accroché. Est-ce que c'est sale? C'est un peu poussiéreux en effet, c'est pas extrêmement bien entretenu. Tu te doutes qu'il n'y a pas souvent du passage en fait. C'est pour ça qu'on t'appelle princesse. D'accord, bah écoute, moi à la limite que ce soit pas décoré tout ça, je m'en fous, parce que même austère, ça me va. Après c'est juste oui, le côté un peu poussiéreux tout ça qui me gêne. Donc choisis un lit, en disant je choisis le lit le moins sale on va dire de tous. J'ai fait un peu après, l'étirage là. Au pire, il reste toujours la tente. Au pire. Non, mais je vais quand même me mettre dans le lit quitte à fait. Ok. Je sais pas où je suis, okay. Il vaut mieux quand même que j'ai des murs. D'accord. Tu épargnes ainsi la vision à la corneille qui ira vous réveiller le lendemain matin d'ouvrir et de découvrir la tente montée en plein milieu de la chambre. Oui, non. Non, ça ira. Juste époussiérer un peu, ouais, ouais. Si je peux dire comme ça. Tu vois, mais... En effet. Est-ce que tu dors en combinaison? Oui. Oui, parce d'accord. Que j'ai pas envie d'exposer ma peau à ça. D'accord. Voilà. De votre côté, Abby et Mokosh, j'imagine que vous prenez les lits qui restent. Ouais. Très bien. Vous vous asseyez ainsi et puis tous ensemble, vous essayez de fermer les yeux et de vous endormir. Petit à petit, vous commencez justement à tomber de sommeil. Mine de rien, ça fait du bien d'être allongé dans un vrai lit. Ils sont pas extrêmement confortables, mais c'est toujours mieux que la tente à même le sol. Et vous vous êtes réveillé par les premières lueurs du jour. Alors vraiment les toutes premières. Il fait nuit extrêmement tard. Et si vous vous levez, vous descendez, j'imagine, les escaliers pour aller prendre votre petit déjeuner. Avec les habitants. Effectivement. Ouais. Même si okay. Je suis pour manger plutôt rapidement et qu'on y aille. De ton côté, en bas, tu vois Layel et sa fille qui sont en train de manger. Okay. C'est vrai qu'on a totalement oublié d'interroger la fille. On a dit qu'on le ferait. Oui. De toute façon, elle est muette. C'est chiant de t'interroger muette. Bon, puis même, elle est jeune. Ça se trouve, elle est partie au lit super tôt. Hein. Ça se trouve, elle sait plein de trucs. Je suis pour, de toute façon, manger plutôt rapidement et y aller. Comme c'est morne, ça me fait chier. Moi, je serais plus aussi d'avis qu'on aille voir justement la corneille et qu'on lui demande est-ce qu'il peut nous fournir quelqu'un, un guide pour pas nous perdre dans le secteur, parce que vu qu'Abby connaît pas du tout le coin et que nous non plus, je préfère quand même qu'on se perde pas en fait ou qu'on tombe pas sur un lieu dangereux sans qu'on sache. Alors en effet, vous voyez la corneille qui sort, en fait elle est allée chercher tout simplement des vêtements pour la petite. Donc vous voyez cette espèce de vêtement à manches longues, parce qu'il fait quand même assez froid, hein. Là le feu, vous imaginez, vient à peine d'être allumé. Et lorsqu'il vous aperçoit, il fait « Ah, vous avez bien dormi ?» Ouais, oui. Parfait, le pivert bonnet vous amènera vos petits déjeuners. Bon, c'est de la soupe, hein. On n'a pas mieux pour l'instant. Faut qu'on économise nos réserves. Ouais, y'a pas de soucis, ça y est. Ouais, il veut qu'il y a personne qui est assez doué pour devenir chasseur. Gauche. Quoi? Arrête. Écoutez, ils ont peur, c'est tout. Ils veulent pas d'histoire. Bah oui, non, mais on comprend. Du coup, moi, je lui pose la question, savoir si il y aurait quelqu'un qui puisse nous guider à travers la forêt. Écoutez, laissez-moi juste un quart d'heure, faut que je rappelle à la petite les corvées qu'elle est censée faire, et puis je suis tout à vous. Ok. En attendant, allez-y, mangez. Vous asseyez, puis vous commencez à grignoter. Et puis là, un moment, d'un coup, vous voyez la porte d'entrée de l'auberge qui claque, qui s'ouvre, mais d'un seul coup violent. Et vous voyez un mec qui rentre en sueur complètement paniqué. Il est là. Putain de merde, les gars! Sari, il est par terre! Il bouge plus! Vous voyez les mecs qui s'arrêtent de parler, qui commencent à le regarder, puis à se lever et se précipiter en direction de la sortie. Qu'est-ce que vous faites? Bah j'y vais, moi Bon. j'y vais. Ouais, on suit le mouvement. Ok. Vous commencez à vous lever aussi, vous commencez à sortir. Vous voyez le mec qui fait. Et il est sur la grande route en direction de chez lui. Et là, vous commencez à. Merci, Satan. Vous commencez à marcher en direction d'une des maisons qui était légèrement à l'écart de la ville. Et vous voyez ce triste spectacle, Harry allongé, la tête dans la boue. Vous vous dites que vous êtes certainement passé pas si loin que ça de lui hier soir, s'il est là depuis hier soir, car a priori, vu sa position, il a dû s'écrouler au moment où il rentrait chez lui. Ah oui, genre il est mort, il est froid. Il y Je a de reviens. fortes chances. En tout Est-ce que cas, ce dans... sont vos premières conclusions. Est-ce Il est que... habillé exactement comme hier, c'est... Oui? Est-ce que moi je peux m'approcher de lui vu que bon je suis Ok. médecin de base, j'essaie d'examiner un peu le corps. Tu commences à t'approcher de lui. Déjà, première chose qui te frappe aux yeux, il n'y a pas une seule goutte de sang. Et pour l'instant, tu vois juste son corps, la tête face dans la boue. Donc tu vois juste un corps allongé. Oui, mais en gros, là, je vois qu'une seule face, en fait. Je vois que son dos. C'est ça. Il n'y a pas de trace a priori de coups, tu sais, les vêtements n'ont pas l'air déchirés. C'est juste pour l'instant comme s'il était tombé. Est-ce que, du coup, bah, je vais essayer de le retourner. Hein, on va quand même essayer de le Ok. retourner. Tu le retournes et tu vois, il n'a pas l'air de réagir. Il est relativement pâle et pour l'instant son visage est complètement plein de boue. Est-ce que je peux prendre. Je vais prendre son pouls. Faire Ok, s'il a tu un commences pouls. à prendre son pouls. Tu sens rien. Ouais, donc il est décédé. A priori, c'est ça. Ok. Est-ce Et là, que. t'as la corneille qui te fait... Alors? Bah, a priori, j'ai pas de pouls. Il serait décédé. Je vais continuer quand même à examiner. On sait jamais, mais a Putain priori de il est décédé. merde! Et là, vous voyez les gens derrière et vous entendez... Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est une malédiction! Bah du coup je vais continuer à examiner le corps et voir s'il n'y aurait pas une des déchir enfin, un endroit qui serait déchiré ou une morsure ou quelque chose. Écoutez, hospitalier, vous voulez pas qu'on vous l'amène plutôt à l'arrière, dans l'auberge? Et on a une arrière-salle, ce sera plus pratique. Oui, on va faire ça, on va faire ça, et ce sera Ok, vous deux, plus pratique. aidez-nous à transporter le corps. Vous voyez, deux paysans qui viennent, qui commencent à soulever le corps. Ah, je croyais qu'il parlait à nous. Ah non, non, non. Et puis, ils commencent à le transporter en direction de l'auberge. Bon, bah, j'imagine que je vais suivre plus pour suivre que par intérêt incroyable. Parce qu'a priori, pour moi, ça fait pas vraiment partie du truc, hein, mais. Ok. Bon, on y revoit. Enfin, ouais, lui, on suit. De toute façon, il y a notre hospitalier qui va, donc Ok, très on va bien. le laisser tout seul. Vous suivez. À l'arrière de l'auberge, déjà en rentrant, vous les voyez qui éloignent la petite. Regarde pas, c'est pas pour toi. Et puis ils ouvrent la porte. À l'arrière-salle, vous voyez une espèce de grande table sur laquelle sont entreposées des casseroles, des assiettes. D'un seul coup violent, il y a la corneille qui dégage tout ça, qui jette tout par terre. Et les mecs qui commencent à déposer le corps dessus. Ok, bah, du coup je leur demande est-ce que vous aurez quelque chose pour enfin ne serait-ce que dégager les pour avoir accès directement au corps quoi pour enlever les tissus pour voir s'il a pas des Ouais, ok. plaies et quelque chose. Tu vois, il te tend une espèce de couteau à viande normalement, mais tu peux largement l'utiliser pour trancher les vêtements. Ouais, du coup je tranche les vêtements au milieu pour pouvoir Ok. enlever et regarder le corps s'il n'y a pas de lésions. Vous deux là, vous sortez. Vous voyez la corneille donc qui s'adresse à ces deux gars d'avant et puis qui s'en vont. Dans ce cas-là, désormais vous n'êtes plus que donc Torik, Mokosh, Abby et la corneille, donc Et la le fer. corneille. Du coup, j'examine le corps, voir s'il n'y Très aurait bien. pas des blessures, quelque chose qui pourrait me. Donc en effet là tu viens donc de déchirer ces vêtements et les entreposer donc bon. Alors ce qu'on va faire, ce que j'ai préalablement fait sur mon scénario, c'est que j'ai décrit quasiment toutes les parties de son corps et je vais te demander au fur et à mesure de me citer les parties que tu vas examiner et je vais te donner toutes les infos qui concernent cette partie en question. D'accord. Comme un réel en fait en soi. Bah en fait, bah du coup, je vais Une essayer réelle d'être autopsie. de commencer par le haut et finir par le bas, hein. Comme ça sera plus, on est sûr de D'accord. couvrir un peu tout. Du coup, je vais commencer par Parfait. la tête, le cou, enfin la tête et le cou, hein, déjà pour commencer. Eh bien, déjà, tu remarques que son teint au niveau du visage est relativement pâle. Il a les yeux blancs, donc tu ne vois pas la pupille de ses yeux. Et au niveau de sa bouche, tu remarques des espèces de résidus de bave. Bave, T'en ok. conclus donc qu'il a été pris de convulsions et sans doute, ou peut-être, en tout cas, ça pourrait être une espèce de crise d'épilepsie. D'accord. Vous autres, là, vous le voyez, qui commence à triturer le cadavre au niveau du visage. Je Ok. regarde dans la bouche en fait s'il n'y aurait pas un corps étranger ou quelque T'en chose. trouves la bouche. Non, à part une espèce de vieille. De vieux résidus de mousse, tu vois rien. Mais donc. C'est une mousse, ce serait bizarre, enfin c'est quelque chose Non, non. qui a rien à faire ici, ou Si est-ce à que c'est... partir du moment où il a convulsé, ça t'a pas l'air Oui, c'est de la bave, extrêmement. enfin oui, c'est... Oui, d'accord. D'ailleurs, je vais te demander un jet de médecine, s'il te plaît. Sans résultat particulier à obtenir, juste dis-moi ce que tu fais. Ce que tu Donc obtiens. médecine, c'est quoi? Intellect médecine, c'est ça? C'est ça. Alors, j'ai 3 réussites avec dedans un déclencheur. Ok. Très bien. Dans ce cas-là, tu continues l'autopsie. Ok. Qu'est-ce que tu observes? Bah du coup, le coup, tu m'as dit qu'il n'y avait rien de spécial? Au niveau du cou, non, à part ce teint toujours très pâle. Ok. Quelques croûtes par-ci par-là, mais rien de en soi d'anormal. Ok. Bah du coup, bah, je vais faire le torse. Enfin, Ok. si je sais pas, je compte pas le. Je vais faire que le torse. Tu comptes les bras avec ou c'est que le torse? Non, pour l'instant, juste le torse. Ok, bah le torse Ok. alors. On va faire le torse. Au niveau du torse, tu observes de légères marques qui apparaissent au niveau des poumons presque et qui remontent au niveau de la gorge. Alors, c'est très léger, mais dans l'idée, ça pourrait. C'est le genre de marques qui peuvent apparaître lorsque une personne a été asphyxiée, ou en tout cas est morte d'asphyxie. D'accord. Donc en fait, Après, il... c'est rarement visible malheureusement à l'extérieur et pour t'en assurer, il faudrait effectuer un examen interne. Déjà, on va commencer, commencer déjà à l'extérieur avant de penser à faire quelque chose à l'intérieur. Ok. Donc tu me dis que je note des marques au niveau de la cage thoracique qui remonteraient vers la Exactement. gorge. Ok. C'est ça. Bah du coup les bras, on va faire comme ça, hein. Ok, au niveau des bras, tu vois rien de particulier, à part des espèces de piqûres de moustiques ici et là, mais pas plus que sur le blouse de lambda, quoi. Par Oui, voilà, contre, à c'est... partir du Oui. moment où tu t'approches des poignets, tu remarques que l'un des bras est relativement tendu. et que les veines sont assez visibles, comme si le bras s'était crispé. Et c'est quel bras, ça ? Le bras gauche. Non, le bras droit, autant pour moi. Bras droit crispé, enfin... C'est ça. Ce qui peut éventuellement arriver lors d'une crise cardiaque, par exemple. Et tu remarques aussi des ampoules au niveau des doigts. D'accord. C'est le bras droit pour la crise cardiaque ? C'est pour pas le gauche ? non, justement, c'est le droit. Ah, bah je sais pas, ouais. Bon, ok. J'ai dû faire des recherches assez. D'accord, assez morbides. Bah, écoute, j'aurais cru que c'était le gauche, mais non, c'est le droit alors. Ok. Donc, bras droit crispé, donc signe de. Enfin, possible. Arrêt cardiaque, quelque chose comme ça. C'est ça. Du coup, ben, on va continuer. Au niveau du bassin, il n'y a rien de spécial ? Non, au niveau du bassin, tout a l'air normal. D'accord. Et ben, les jambes ? Alors, les jambes également ont l'air normales. Il y a juste une espèce de piqûre qu'il a l'air d'avoir au niveau du mollet. Alors, c'est sans doute animal. Mais tu dis que ça pourrait être éventuellement d'origine humaine, le genre de truc que tu fais par surprise ou pendant le sommeil, avec une seringue. Est-ce que la piqûre, c'est quand je la vois de près, disons que si je m'attarde un peu plus dessus, est-ce que ce serait, est-ce que je peux voir quelque chose si c'est artificiel, enfin dans le sens ça peut être fait par une pique, enfin oui. Une seringue ou un objet humain, ou si c'est vraiment un insecte ou quelque chose. T'arrives pas à déterminer, c'est trop petit. D'accord. Mais bon, tu penses quand même que c'est sans doute animal. Mais en effet, n'exclut pas le fait que ça puisse être d'origine humaine. Du coup, je mets cette observation de côté, hein, pour l'instant, disons que j'en reviendrai peut-être plus tard là-dessus. Ouais. Tu remarques aussi quelques marques au niveau des rotules, donc tu penses qu'il a dû tomber avant de mourir. Des marques au niveau... Oui, donc en gros, il serait tombé sur à genoux. C'est ça. D'accord. Marque sur les rotules. Et du coup, bah, on finit par les pieds. Très bien. Au niveau des pieds, un ongle cassé, des ampoules, mais rien d'autre. D'accord. Du coup, est-ce que tu considères que tout ça, je l'ai fait devant et derrière, ou il faut que je le retourne pour faire le dos ? Non, dans ce cas-là, derrière, il manquerait juste le dos. Bah du coup, on va dire que je vais le retourner et faire le dos. Bah, bien sûr. Tu retournes le corps et au niveau du dos, tu aperçois des espèces de marques de griffures. Très peu profondes, mais plutôt récentes. Qui pourraient arriver en cas, par exemple, de lutte. C'est style griffure humaine, hein, j'entends. Ouais, des marques de griffures récentes. Comme une femme qui te grifferait le dos, c'est... Ouais. Voilà. Mais après, c'est pas très très profond, hein, c'est pas jusqu'au sang. Oui, c'est pour ça que je me dis, ça peut être aussi... Enfin, je sais pas, il a pas de femme, mais bon, il y a pas la gonce, là. Enfin, là... C'est qui fait plaisir à tout le monde, là. J'en sais jamais. Il peut y avoir des Est-ce que des tu gens, fais ça. Part de tes conclusions aux autres joueurs ? Bah, du coup, oui, là, en fait, j'ai fait un truc général où je l'ai gardé pour moi. Après, là, je vais, maintenant que j'ai fait le tour de l'extérieur, je vais commencer un peu à leur expliquer. Comme quoi, voilà, j'ai déjà. Il y a quelques points qui me paraissent un peu. Bizarre, déjà qu'il est de la bave au niveau de la bouche qui pourrait témoigner comme une crise d'épilepsie. Ensuite, il y a aussi au niveau du torse, il y a des marques qui remontent jusqu'à la gorge en fait qui témoigne de lésions. Alors peut-être que j'aurais besoin par la suite d'ouvrir le corps si vraiment on a besoin, enfin pour être sûr de ça. Après, Ça, je verrai plus tard avec la corneille, parce que j'imagine que je vais devoir quand même lui demander l'autorisation de le faire. Et après, oui, j'ai quelques piqûres qui me paraissent un peu suspectes, surtout une au mollet, et notamment son bras droit aussi, qui a l'air tendu, donc un peu comme une attaque cardiaque, mais c'est quand même surprenant. Il a plusieurs symptômes qui sont un peu bizarres, je trouve, honnêtement. Ça pourrait être une tique. Ça Je sais pas, ça pourrait. reste accroché. Ça reste accroché une tique, il me semble. Si c'est la même chose dans Degenesis, mais. Ben Oui, après. dans l'idée, ça reste accroché. Ah, pour l'instant, en tout cas, t'as pas trouvé de tique. Tu penses que tu l'aurais vu si on avait une. Mais on peut imaginer que quelqu'un l'ait décroché. Après, j'avoue que là, j'ai pas penser au tic. Est-ce que le tic Après. serait susceptible de ce que je sais des tics? Est-ce que ça pourrait amener ça? Non, a priori, les tiques, c'est plus lent en fait. Une infection, quoi. C'est une Ouais, c'est ça. infection, La personne commence à ressentir des malaises, puis elle se sent de plus en plus fragile, elle dort de plus en plus, et puis bon, bah, au bout d'un moment. Je vais demander à la corneille, est-ce que vous avez noté qu'il avait des vertiges, des choses, un comportement un peu. Enfin, s'il se Non. sentait mal ces derniers temps ou pas du tout? Non, c'est vrai que autant. Notre ami Headstuff, nous, on l'a. Enfin, venir quoi, il a commencé à avoir un malaise, et puis c'est à ce moment-là qu'on a découvert la tique. Et puis, malheureusement, c'était trop tard, on pouvait rien faire. Mais, non, Harry, il s'est toujours bien porté. Ok, donc c'est vraiment subitement, ce Vous serait vraiment. pensez que c'est une tique aussi? Là comme ça, je veux pas me prononcer. Déjà, on n'a pas trouvé de tic. Ok. Mais après, si je veux en avoir le cœur net, honnêtement, il va falloir que je fasse une autopsie plus approfondie. Donc ça va m'obliger peut-être à ouvrir. Si vous. Bah, allez-y, allez-y. Ok. Du coup, vous voulez rester avec moi? Je sais pas si ça va pas Ouais, être c'est bon, joli j'en ai vu joli. d'autres. Ok, d'accord. Vous auriez quelque chose pour que je puisse ouvrir la cage thoracique de manière à peu près propre, pas tout Bah, vous avez éclaté de votre côté. couteau de cuisine. On parle d'un bon couteau, mais sinon je peux aller vous chercher, je sais pas, Vous auriez quelque chose qui puisse me permettre un d'écarter? crochet. Un écarteur, parce que j'en ai besoin normalement pour écarter la cage thoracique, c'est plutôt délicat. Je Ou devrais trouver alors. une espèce de cale, si ça peut vous Ouais, suffire. vous aussi d'y aller à Faut pas cale. juste les arracher. Non, on va respecter un petit peu son corps, hein, ce monsieur. Quand même. C'est, je pense, malgré tout, quelqu'un qui la corneille apprécie, donc on va peut-être pas lui laisser un cadavre en morceaux. Je crois que je suis plus à ça près. Là, Là, on les va essayer de faire villageois, ils ça vont me faire la propre. gueule. On va essayer de faire ça Allez-y. propre. J'ai essayé de faire ça propre, comme ça je vous refermerai le tout de belle manière. On va essayer au mieux. Bon, tu vois Mais qu'il du s'en coup, va chercher ton truc. ouais, Voilà, pour je aller suis un manger petit. T'es qu'un enculé, Harry. Et après. puis il revient après. Ah, il avait l'air de l'apprécier, dis donc. Ouais, c'est surtout ce qui a l'air de le plus le déranger dans cette histoire, c'est que c'est le troisième mort en quelques semaines, quoi. Ouais. Il y en a un ceux qui voyaient la malédiction là, il commençait à y croire vraiment Ouais, là. bah, au moment où il ouvre la porte, vous l'entendez en train de déblatérer ses théories de l'autre côté, en mode C'est la c'était des malédiction! homosexuels, Oh. c'est. Enfin, bref. Donc. Ouais. De ton Donc, côté, est-ce que. surtout toi, Abby, qui est plutôt du genre ouvert d'esprit, c'est. Bon. Non, c'est pas des vrais apocalyptiques. Alors, lui, c'en est pas un, on parle d'un villageois. Hein. Les apocalyptiques en soi, c'était. Il s'agit seulement de la pie de la corneille, enfin tout ce côté nom d'oiseau quoi. Bon bah du coup bah je vais une fois qu'il m'a ramené tout ça je vais effectuer l'ouverture hein. Alors, je vais ouvrir la cage thoracique Ok. pour essayer de regarder un petit peu justement ces traces que tu m'as données au niveau de Eh la. bien, en effet, tu remarques que le corps, le cœur a presque en fait implosé, enfin. Globalement, ce que t'en déduis, c'est qu'il s'agit d'une attaque cardiaque. Alors, de là à ce qu'il implose carrément, c'est plus Non, matière cardiaque là. je sors pas d'une. Il a pas complètement implosé, mais c'est. En fait, c'est comme ça Oui, que ça. comme Ça, s'il était. c'est les traces que ça laisse. Ouais, comme s'il avait une. Comment dire ça? Une atrophie, enfin, il était atrophié ou quelque chose. C'est ça en fait, oui. J'ai utilisé le terme implosé, mais en effet, non, le cœur n'a pas explosé. Hein. D'accord. Sois bien d'accord. Il y a un Oui, trou à parce la que là, place. on parle juste d'une attaque cardiaque, donc ça laisse des marques, mais pas à ce point-là non plus. Du coup, est-ce que je peux voir dans le sang quelque chose, le sang qui aurait changé de enfin, qui aurait une teinture, enfin une couleur un peu spéciale ou pas, pour voir s'il n'y aurait Tu pas un récoltes des empoisonnement? échantillons de sang. Et si tu veux, tu peux également, dans ce cas-là, récolter des échantillons d'urine. Oui, bah, de toute façon, on va tout faire, hein. Ouais, On va essayer de bon, les retrouver, bah. hein. Voir Tu s'il n'y a pas récupères des eu verres qui étaient posés empoisonnement. sur la table et puis tu commences à essayer de les remplir avec quelques gouttes. Par contre, tu sais que pour faire tes tests, il te faudra également des plantes spécifiques. D'accord, et est-ce qu'il y en... elles sont ici ou pas du tout? Tu pourrais en trouver un éventuellement, oui. Bah écoute, je vais demander à. Pendant que je fais tout ça, je vais demander à Abby et à Mokosh Mokosh. s'ils peuvent trouver, aller me chercher les plantes dont, enfin, ou les choses que Ok. j'aurais besoin pour faire ça. Donc qu'on Abby me et rapporte. Mokosh, de votre côté, en effet, vous voyez depuis tout à l'heure Tori qui est en train de vaquer à son autopsie, prendre des notes. Vous voyez, clairement, il est dans son domaine, hein. C'est exactement ce qu'il sait faire, et personne d'autre mieux que lui aurait pu tirer de telles conclusions. Et ensuite, il se met comme ça à vous décrire une espèce de fleur à pétales rouges, ou alors, si vous voulez, un nénuphar avec... Enfin voilà quoi, il vous décrit plusieurs types de plantes précises, et vous demande d'en trouver au moins un exemplaire d'une de ces plantes. Ça se trouve dans le coin au moins. Il suppose. Après moi au pire je peux demander à la corneille, est-ce que vous avez ce genre de plante par chez vous? Éventuellement, ça pourrait être aussi. Mais tu sais qu'il y en a dans la région, ça assure. Des bourgeons d'épicéa, parce que dans tous les cas, tes tests ont appris à les faire à partir de. Espèce de. En fait, ça fonctionne avec n'importe quel type de plante qui aurait plus ou moins muté depuis les dernières années. Alors, on parle pas D'accord. de mutation. C'est pas des plantes avec des tentacules, hein. C'est Ouais, ils juste. vont pas nous manger, quoi. Non, c'est juste intérieurement, elles ont changé, quoi. Vous partez donc en quête de ces plantes? Oui, bah oui, si dit que on peut en trouver. Très bien. Oui, bah allons-y. Faites-moi chacune un test d'instinct, orientation ou perception. Ça revient même chez moi. Ah Eh non. bien, choisis. 4. Ok. Un Avec une sort difficulté de 2. Alors. Bah, c'est bien, j'ai fait deux réussites. C'est combien déjà les machins supérieurs là? Pardon? Supérieur C'est à quoi? les machins. Non, Ouais, les 6, c'est 6. déclencheurs. 6. Ah oui, c'est 6. Et les réussites, c'est à partir de 4, 5, 6. 4, 5, 6, ok, d'accord. Chaque dé a une chance sur 2 d'être une réussite ou d'un échec. Et une chance sur 6 d'être un déclencheur. Ok, donc 5 réussites, dont un déclencheur. Oh putain. En effet, vous marchez. De ton côté, Abby, tu croises. Enfin, vous. Alors, vous commencez dans ce cas-là à vous enfoncer au niveau de la forêt. Globalement, vous comprenez que cette forêt, c'est une espèce de marécage sous la neige. Alors, c'est assez étonnant parce que les marécages, normalement, à Boracay, il n'y en a pas des masses. Hein. C'est plutôt typé Franca, ça. Ouais, mais on n'est pas loin de ce que j'ai compris. C'est ça, vous commencez à vous rapprocher de la frontière. Ouais. Et puis, vous commencez comme ça à vous enfoncer. Le moindre de vos pas risque de s'enfoncer dans une espèce de trou de boue. Donc, vous commencez à faire attention à ne pas vous éloigner trop du sentier. Bon, je vais peut-être Ton récupérer côté. les bottes de Joss après, plus tard, la prochaine fois. De ton côté, Abby, au bout d'un moment, tu aperçois une espèce de petit lac à moitié gelé, avec en effet des nénuphars dessus, en tout cas des plantes. Je sais pas si c'est ça qu'ils voulaient, mais il y a un truc sur l'eau, quoi. Et tu commences à essayer de t'enfoncer dedans. Tu commences à poser tes pieds, mais qui s'enfoncent, et tu commences à avoir une infiltration d'eau au niveau de tes chaussettes. Et puis t'as Mokosh qui te pointe du doigt un arbre juste à côté, au-dessus duquel sont accrochés des bourgeons. Là. Oui, bah j'avais vu. Hein. Oui, non, mais oui, je m'en doute, t'inquiète pas. Après, là, on parle quand même d'un endroit avec un climat relativement froid. Les bourgeons, il n'y en a pas des tas. Il y en a deux, trois en haut de l'arbre. Donc, il va falloir l'escalader si vous voulez les récupérer. Ah. Ouais, c'est faisable. Ouais, j'imagine. Vas-y, moi j'escalade. Hein. Après, ok, tu commences à l'escalader. L'arbre est pas bien épais quand même. Hein. C'est un moyen arbre. Tu commences à escalader. Tu vas dans ce cas-là me faire un jet de physique athlétisme, je pense. Ah, attends, quoique. Je te demande 2 secondes. Oui, c'est bien ça, physique athlétisme. Je voulais voir si c'était pas plutôt de l'agilité, mais non, c'est du physique. Intéressant. Bon, bah, une réussite, c'est... enfin, 2 réussites et 1 déclencheur. Ok. Tu commences à escalader. T'arrives à pointer tes pieds au niveau de bout d'écorce qui ressortent et ça te permet de faire levier pour pouvoir te hisser. T'accroches tes bras à des branches et t'escalades de manière plutôt aisée. D'ailleurs, Mokosh, tu remarques qu'elle est plutôt agile. Oh, ouais, je le savais déjà. C'est vrai. Et Abby, maintenant tu te retrouves désormais à mi-hauteur de l'arbre. Tu sens quand même que les branches, elles sont pas bien solides. Tu continues, tu persévères? Oui. Là, tu refais-moi un jet avec une difficulté de 3 cette fois-ci. T'inquiète, je te rattrape. Ou la boule fera. C'est un échec automatique. Pardon? T'as fait combien? J'ai que 2 en physique. Et 0 en athlétisme? Ouais. Eh ben, fais-moi ton jet quand même. Pour 2 réussites, 2 déclencheurs. C'est... Sérieux? Tu veux une photo? Ok. D'un coup, tu te hisses. Tu maintiens ton bras au niveau d'une branche en hauteur et t'arrives à te hisser d'un seul bras pour aller choper les bourgeons de ton autre main. T'as ressenti au fond de toi cette espèce d'instinct d'aller attraper des bourgeons. Tu vois, c'est... Bon, on va pas dire que c'est parce que là, c'est comme ça que se propage la brûlure, mais peut-être bien. Et d'un coup, tu tires et tu lâches les bourgeons. Mokosh, instinctivement, tu les récupères. Maintenant, non, Abby, il va falloir que tu redescendes. Alors, est-ce que tu te lâches dans les bras de Mokosh ou est-ce que tu essaies de descendre étape par étape? Alors, ça dépend. Est-ce que niveau distance, Mokosh, genre, je vais pas aller juste l'écraser, tu vois? Genre, est-ce que je suis pas trop... Non, ça pourrait se tenter. T'es pas extrêmement lourde. Et Mokosh est plutôt musclé. Ouais, inquiète. Ah, je te fais confiance, chérie. Okay. Je me lâche. Et je trompe pas. Non, je t'ai Qu'est-ce que ça peut être comme G, ça? Bah, j'imagine que ça va être de l'action, enfin du physique aussi. Ça va être de la force, non, je vois. Je pense que ça va être de la force pure. Enfin, en tout cas, fais-moi un G de physique, soit athlétisme, soit force. Ouais, c'est bien force. alors, 2 réussites, dont 1 déclencheur. Ok. Bam, tu la récupères. Comme un prince qui tiendrait sa princesse entre les bras. Oh. Salut beauté, non. Un bisou sur la joue. Et vous êtes quand même toutes fières parce que... Bon, l'autre, il vous décrit juste des putains de bourgeons et vous avez quand même réussi à les trouver. Ce qui est relativement stylé quand même, hein, qu'on se le dise. Ouais. C'est vrai. Et c'est ainsi que... Vous revenez au bout de quasiment 30 minutes. Vous retournez à l'auberge. Voir votre ami Torik Cole qui procède à ses premiers tests. Ainsi, pendant quasiment 2 heures, tu vas essayer de Rick, de ton côté, de faire des mélanges, faire des trucs, et je vais te demander un jet de intellect science. Alors, intellect, science. Écoute, c'est parfait, c'est 6 encore. Alors, je fais 3 réussites, 2 déclencheurs. C'est un excellent résultat. Tu en déduis. Alors, évidemment, tu peux pas être sûr à 100%, mais a priori, les résultats d'urine montrent moins de taux d'infection que le sang. Tu supposes donc qu'en effet, si vu qu'il y a réaction, il se trouve que cette crise cardiaque ou cette espèce de crise cardiaque, justement, ouais, n'est pas tombée comme ça. La victime a reçu une injection de quelque chose. Oui, Une donc elles espèce de ont poison. été empoisonnées, quoi. Mais plus au niveau du sang, elle n'aurait pas avalé ce qu'il Oui, aurait tué. c'est pas ingéré, quoi. C'est pas ingéré. C'est ça. Où Après, faudrait bon, bah, que je voie c'est pas un de test fiable à où ça se. 100%, hein, c'est. Bah, du coup, moi, je reste sur. De toute façon, si j'ai pas 36 pistes, donc je vais rester quand même sur ma piste de l'empoisonnement. Maintenant, faut que je trouve où il aurait pu être empoisonné. Et donc, du coup, j'aimerais. Me focaliser justement sur le mollet où j'ai trouvé un endroit où une piquûre qui était un petit peu suspecte quand même. Et du coup, j'aimerais m'attarder là-dessus. Alors, après, comment vu que tu m'as dit que c'était trop petit, est-ce que je peux pas. Ouais, c'est relativement petit, tu vois, c'est pas. Donc, du coup, comment. Enfin. Comment savoir d'où est parti enfin, Eh où il se bien, situe? je peux te proposer un test de médecine avec une difficulté de 4. Ouais, de toute façon, après, j'ai pas 36 trucs, hein. Bah, je vais tenter ça, et puis si jamais ça donne rien, on verra Ok. si j'ai pas autre chose. Donc, tu m'as dit médecine, hein. Avec une difficulté de 4. Attends, j'ai un On dé qui commence à avoir casse. des Avec tests un mon peu plus chien, durs. même sur un téléphone, ils arrivent à casser des dés. Non, mais sérieux, Ouais, j'ai un dé qui est sur trois autres dés posés dessus. Alors que c'est un écran, quoi. Merde. Ils la m'ont casse-couille. Oh, bah. Ok. vie. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 réussites, dont un déclencheur. Ok. Tu arrives à déterminer qu'en effet c'est de là qu'a été propagé le poison. Du coup, est-ce que j'ai la possibilité de déterminer quel poison c'est ou j'ai pas assez Non. de choses Non, malheureusement, enfin. il aurait fallu un peu plus de déclencheur. Mais le Oui, corps est en gros. trop vieux, tu n'arrives pas à déterminer. Il aurait fallu faire Ok. le test plus tôt. Mais du coup, je vais quand même leur dire, je dis, vous écoutez, a priori, c'est un empoisonnement. Alors après, je pourrais pas vous dire si c'est un être humain qui a empoisonné ou si c'est un animal parce que j'ai aucune idée du poison, parce que j'ai pas les outils et les éléments nécessaires pour déterminer le poison lui-même. Mais il a été piqué au mollet et c'est de là que est venu l'empoisonnement. Maintenant, c'est voilà. J'ai que c'est déjà une première chose. Voilà, bah, du coup, ouais, après, c'est comme je peux pas déterminer qui l'a tué, enfin quel genre de poison l'a tué, c'est un peu Ça va chiant. être compliqué pour l'instant. Après, imaginons par exemple que ce soit un humain. Si jamais tu retrouvais une fiole de poison, tu pourrais éventuellement être capable de déterminer si c'est ce poison-là qui a été utilisé. Bah, Mais dans le sens inverse, c'est plus compliqué. du coup, je vais. Ensuite, Oui, je peux vas-y. éventuellement. Allô? Allô? Moi, je Oui, suis là personnellement. tu m'entends? Moi aussi, je suis là. Ah, ça y est, je suis là. Non, je suis Ah, pas censé excuse-moi, être là, c'est pas grave. j'ai dû appuyer sur le bouton micro off sans faire exprès. Ouais. Donc ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez éventuellement chacun me faire un test d'intellect légende. Avec Ah une ouais. difficulté de 3 pour savoir s'il y aurait des bestioles dans le coin qui seraient Oh. capables d'entraîner de telles réactions. J'ai fait une réussite et un déclencheur, mais d'un côté j'ai droit qu'à un dé. Donc, bah moi c'est mort. J'ai pas de. C'est légende, c'est ça? Ouais. Oui. Il faut quand J'ai même avoir zéro une réussite. connaissance relativement aboutie de la région pour déterminer ce genre d'infos. Bon, alors du coup, je sais pas si ça correspond, mais j'ai deux réussites, dont un déclencheur. Non, vous êtes incapable de déterminer si il y a à cet endroit ou non des bestioles qui pourraient. Je vais demander à la corneille de faire un jet d'intellect légende. Tu demandes à la corneille. Non, mais ça se tient. Voilà. Ça fait 8 ans qu'on est ici et non, on n'a jamais vu de bestioles. Mais enfin, ça peut pas être l'un d'entre nous, quoi. Je veux dire, il y a. Ah oui, ça peut pas être un d'entre vous, il y a que vous. Du coup, Non, je sinon je vais suis en train de. de me dire, il y aurait peut-être la VIP, Comment ça? mais ce serait. Vous voyez qu'il commence à baisser un peu les yeux, c'est. Lorsqu'on est arrivé ici il y a 8 ans, à l'époque on avait deux pies. Enfin, une plutôt, rose. Et puis il y a eu. Layel qui a commencé à prendre sa place. Alors au début, elles fonctionnaient bien toutes les deux, mais disons que les gens du village ont préféré la jeune et belle à Rose, qui a commencé à me coûter plus que ce qu'elle me rapportait. Alors je l'ai dégagée. Mais Logique. a priori, je la vois mal capable de faire quoi que ce soit. Enfin, elle est inoffensive comme fille, quoi. Mais c'est peut-être en effet la seule personne qui pourrait nous en vouloir plus ou moins de. D'ailleurs, Elle est où en ce moment? elle est là-bas, c'est la deuxième maison reculée, un peu comme celle de Harry. On va aller la voir. Ok, allez-y. Du Mais coup, je vais l'accusez quand pas même. directement. Hein. Mais non, vous. du Vous coup, connaissez, j'ai du tact. Bah je vais oui, quand on a même du tact. demander à ce qu'ils conservent enfin, un peu de sang de Harry pour si jamais j'ai besoin de faire des tests complémentaires ou faire des comparaisons pour le poison et tout Très ça. bien. Donc, qu'ils mettent ça au frais, ça tombe bien, il fait froid par ici. Parfait. Je vais tout mettre au frais. Le grenier sera certainement le meilleur endroit si vous voulez. On a quelques stocks de sel, ça permet de. Enfin, je sais pas si ça marche avec du sang, mais. Bon. Bon, après, c'est On juste un m'a endroit dit que ça froid, un permettait de endroit. conserver Hein. les choses. Un peu un endroit frais, un froid, un peu plus froid que les autres, mais. Ouais, ok. Ouais. Bon, je m'en occupe. Du coup, je finis quand même de. Je referme le corps, que ce soit à peu près propre. Je vais pas laisser quand même le gros Ouais. bordel sur ce jeune homme. Donc, je lui referme la cage thoracique. Je recous la cage thoracique pour que ce soit un peu propre. Et puis, je lui nettoie tout, comme ça, c'est tout propre, comme j'aime, tu vois, tout propre. Il était plus propre aujourd'hui qu'il ne l'était avant, vivant. Du coup. Vous voyez Torik presque euphorique à l'idée de pouvoir laver un cadavre. Le mec qui chantonne pendant qu'il est en train de nettoyer le corps, tu sais. Et je dis, il y aura quand même au moins, il y en aura encore moins, quand même au moins un de propre ici. Oh là là. Je suis Ah content que ce soit pas un client. oui. Donc voilà, il est tout propre. Et puis bah, je dis, bah allez, voilà, si vous voulez faire une cérémonie, l'enterrer, bah, il est là. Ouais, on risque d'attendre un peu. Comme ça, on les enterrera tous d'un coup, et puis voilà. Bah, mettez-les au frais alors, ça sera mieux quand Ouais, ok. On va le mettre dans le cellier ou dans le grenier, je vais voir. même. Bon, allez. Ils veulent mettre dans le cellier. Ouais, je suis sûr qu'ils vont le manger en fait. Ouais, voilà. Le mec est empoisonné, tu sais. Ils vont tous mourir. Est-ce que vous voulez un embaumement? J'enlève toutes les entrailles Non, pour que ça non, c'est pourrisse grave, vous en pas. faites pas. D'accord. Je préférais que vous enquêtiez sur la mort de Josh. A priori, c'est pour Y a ça pas qu'on de vous a souci. enquêté. Et de déterminer si elle est liée à celle de. À celle Après, de Harry. Techniquement, on ne sait pas si Josh est mort. Hein, pas non, en effet. Voilà. Bah, allons-y, allons-y alors. Ok. Je pars avec le sourire quand même. Là, je suis quand même content. J'ai fait un peu ce que j'avais l'habitude de faire. Okay. Ça m'a fait du bien. Il sautille dans la rue. Vous découvrez un tout nouveau aspect à Tori qui était toujours si froid, si méthodique. Là, tout de suite, c'est vraiment. Ouais. Il a l'air de d'aimer ce qu'il fait, vous voyez. Ça me déçoit un peu, tu vois. Il pourrait être content autrement que par ça. Du coup, vous dirigez en direction de la cabane de la vieille Rose. Oui. Ouais, okay. En fait, j'ai envie de me dire, mais je ne pas de Josh et qu'on en a rien à foutre. Enfin, ouais, le mec est mort, mais on est là pour Josh, nous. Hein. Ouais, mais sur le chemin, puis c'est. Oui, non, ouais, mais on perd pas trop de temps non plus, tu vois, genre. Bah, j'ai un peu l'impression que, bizarrement, en enquêtant sur ce qui est arrivé à Harry, ça va peut-être nous amener à ce qui est arrivé à Josh, quelque part. Sûrement. Puisque ouais, c'est un peu lié, j'ai l'impression que c'est un peu lié. Ouais. Ça fait plus de gens à disséquer, quoi. Okay. Bah, peut-être, on verra par la suite. Vous traversez le village. Vous comprenez qu'il va en effet pas trop falloir tarder, car il va commencer à se faire tard. Déjà. Et puis vous arrivez, en effet les jours sont très très courts hein, en ce moment, et vous vous dirigez en direction de cette maison. Vous toquez à la porte, et à ce moment-là, la vieille Rose vous ouvre. Et déjà, premier truc qui vous saute un peu aux yeux, surtout toi, Mokosh et Torik, c'est que la vieille Rose, en fait, elle doit avoir genre 45 ans. Ah oui, d'accord. Mais oui, mais comme il nous a dit, les apocalyptiques, ils ont une notion de l'âge qui est très... très hospitalier dans le coin. Qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, nous sommes ici pour essayer de retrouver la trace de... Déjà d'une part de Josh. Si jamais vous auriez des informations quelconques. Mais aussi, là, nous avons malheureusement déploré la mort de Harry. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Ouais, je m'en rappelle. Mais qui a été empoisonné. Alors, nous ne savons pas si c'est d'origine animale, insectoïde ou je ne sais quoi. Non mais c'est bon, c'est pas parce que je vais choper des plantes dans les bois que c'est forcément moi qui ai concocté un poison pour aller tuer. Je ne suis pas en train de parler de vous, je dis juste. Ouais, non, c'est bon, je sais très bien ce que pensent les gens de moi ici. Bah dites-leur qu'ils ont tort, j'en ai plus rien à foutre d'eux. J'ai eu ma vie, vive la leur, c'est bon. Après, je ne suis pas là pour juger de quoi que ce soit. De mon point de vue hospitalier, je ne suis qu'un aspect scientifique. Je ne juge pas de vos vies. N'empêche que. Est-ce que du coup, comme vous avez l'air d'avoir vous êtes un peu en retrait de ces gens, est-ce que vous avez noté des choses un peu suspectes ou bizarres depuis quelque temps ou pas, vu que vous êtes un peu en retrait? Non, à part que le coin commence vraiment à devenir merdique. Ouais. Comment ça? Faudrait que je me barre d'ici, je sais même pas ce que je fais encore ici. Mais de quel genre merdique? Qu'est-ce qui vous fait penser que ça devient merdique? Je sais pas, c'est la merde ici. Tout ce qu'on a à droit, c'est des moqueries des gens dans la rue. Des piqûres de ces putains de moustiques. J'ai essayé tout pour les dégager, mais... C'est une région de merde, c'était pas comme ça avant. Ah, pour vous, ça, la région a changé. Il y avait pas autant de moustiques avant, c'est ça? Mais j'en sais rien, moi, peut-être. En tout cas, je me faisais pas autant piquer, moi. Mais je vous dis, c'est l'autre, là, elle m'a porté malheur. L'autre? La lapine, là. Ah, d'accord. Écoutez, moi, je sais pas. Hein. Tiens, regardez, c'est Harry qui est mort. Ouais. Oui, c'est Harry, oui. Ouais, ça m'étonne pas. Comment ça? Qu'est-ce que dit tout tout? Qu'est-ce que dit... Pourquoi? Ben regardez bien. Vous savez, j'étais pie moi aussi avant, et clairement, on s'occupe pas de tous les villageois du... Enfin bref, ceux qui sont mariés par exemple, on préfère pas s'attirer les foudres de leurs femmes quoi. On préfère qu'elles restent nos amis. Même si ça les empêche pas d'essayer. Donc concrètement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que des clients, elle en a pas des tas. Ah, et donc vous estimez que elle aurait une relation client avec Harry, c'est ça? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Harry était son client, Josh était son client, et Ed Stoff était son client aussi. Oui. Ah, mais elle n'a que ces clients-là? Que ces trois-là? Non, je crois qu'il y a la grande aille aussi. La table, et puis. On va noter les clients. S'il leur arrive quelque chose, on va commencer à. Moi, je vous dis, ça doit être elle. Elle doit porter malheur. Regardez, depuis qu'elle est arrivée dans ma vie, je ne peux plus rien. Moi, je regarde Abby à ce moment-là parce que moi, les us et coutumes des apôts, je les connais pas très bien. Donc peut-être pour elle, c'est plus logique qu'une vieille se fasse dégager par une jeune. Oui. Après, si tu veux quelque chose. Moi, je vais pas parler de voile. Oui, mais après, bon. Je sais pas. Écoutez, après, c'est peut-être. Vous savez, hein, la jeunesse, l'énergie. Simplement, peut-être que certains hommes sont plus attirés par les jeunes. Et pas par forcément l'expérience. Ouais. Ce qui est un tort, à mon avis, mais bon. Je pense surtout qu'elle leur filait une putain de maladie qui doit tous les... Enfin bref. Vous pensez qu'elle est malade? Vous voulez que j'aille l'ausculter? J'en sais rien, moi. Mais quoique, c'est pas con, hein. Je devrais peut-être aller voir les autres villageois et commencer à parier sur qui sera le prochain à mourir. Peut-être comme ça que je pourrais payer mon voyage pour partir d'ici. Écoutez, enfin, vous croyez même pas si même si j'ai des doutes sur votre version... Ce serait quand même peut-être intéressant de savoir si vous pouvez nous donner ses clients. J'en sais rien, ça fait longtemps que je les côtoie plus, mais globalement, je sais qu'il y avait eux trois. Bah en fait, simplement, c'était les miens avant. Mm-hmm. Ensuite, exactement. Alors, attendez. Ouais, donc il y avait la corneille. J'imagine qu'il y a... Le pivert aussi. Mmh. Ah, il y a Rob aussi, c'était un paysan. Rob, d'accord. Ouais. Et donc, bah, Josh, Harry et le dernier, c'est comment Ed... C'est ça, donc globalement, il doit y avoir Rob, Harry, Josh, Ed Stuff, la corneille. Et puis c'est tout. Ok. Et le pivert. Et le pivert. Ok. Et sinon, bon. Bah, après, je sais pas, il y en a peut-être des nouveaux, il y en a peut-être qui ont quitté leur femme depuis. Moi, genre, je me dis, ça vous excuse pas, si je rentre un peu, je suis un peu fatigué, je la pousse pour rentrer. Bah, allez-y, tu la pousses. je la décale, tu vois. Elle réagit pas, mais Mokosh, toi, tu remarques que. Tu vois, elle a pas l'air d'apprécier quoi. Ouais, qui n'apprécierait pas. Rentre à l'intérieur et tu découvres cette petite cabane avec plein de petites peaux de bêtes ou de plantes accrochées au mur. Tu vois également des petites potions posées sur une table. Ok, mon but c'est genre attendre qu'ils rediscutent et genre juste m'asseoir et essayer de prendre une des potions qui est sur la table. Du coup, okay. est-ce que je vois, enfin, subrepticement, j'arrive pas à le dire le mot, est-ce qu'il est en train de fouiner un peu derrière En soi, non, parce qu'elle est au niveau de l'entrée. Et puis là, tu vois, Mokosh, elle commence à te regarder, et puis elle fait Et toi, tu veux quelque chose? Quoi, je veux quelque chose? C'est quoi cette question? Mais pourquoi t'es avec eux? tu parles pas. Tu laisses ma cliente préférée tranquille. Oh putain. J'en ai connu des tarés, mais vous. Du coup, moi, j'essaie peu de la détourner de Mokosh, parce que j'ai l'impression que Mokosh est pas très enclin à vouloir discuter, et puis ça le fait chier, puisque tu fais que ça l'a fait chier. Ouais, tu commences à reprendre le fil de la discussion. Et de ton côté, Abby, en fait, même sans souci, je te demande même pas un test, t'arrives à récupérer une des petites lotions qui étaient déposées sur le bureau. Tu vois qu'elles ont l'air de toutes contenir le même liquide, et que, visiblement, avec les plantes qui sont entreposées à côté, tu peux supposer que c'est avec ça que c'est fait. Je prends une des plantes, du coup, qui est à côté. Ok, t'en prends une. Tu vois, ça a l'air d'être une espèce de mélange entre différentes plantes. Ouais, je vais pas tout prendre, ça va être un peu grillé, mais... du coup, j'essaie de prendre un petit extrait et... Par contre, sur les 5 lotions, si t'en voles une, a priori, elle le remarquera quand même. Oui, enfin, mais 5... si je pars avant... Ouais, ok, d'accord. Du coup, bah, après, bon, bah, on discute de tout et de rien. Enfin, je essaie de discuter de tout et de rien. Mais c'est beau, n'est-ce pas? À un moment, la conversation, genre, elle commence vraiment à boucler, que je vois vraiment, genre, il est en mode, oui, et puis le beau temps, tu vois, genre, mais non, il fait pas beau. Tu vois, genre, quand je comprends, tu vois, il est allé au bout et qu'il a plus l'idée, genre, je ressors dehors en mode, ah, j'en ai marre, venez, on se casse, et puis, ça. Ouais, c'est bon, je vais pas attendre qu'il soit dans le malaise total, en mode, Ouais. Bon, et puis vous en allez limite sans dire au revoir en fait, en mode c'est bon. Et je dis, hey, restez dans le coin, on sait jamais. Genre en mode flic de New York. Mais où tu veux que j'aille? Bah, vous êtes en train de dire que vous aimeriez quitter le coin, donc attendez un petit peu avant de partir. Ouais, faut que j'attende de faire une petite fortune. Ouais, donc, attendez qu'on vous ait coiffé. Voilà. Non, mais, donc on se barre. Ok, vous vous barrez. Du coup, moi, j'aimerais... Alors, après, c'est juste moi, mais... Il commence à faire nuit. Très légèrement, mais ça commence d'ici quelques... il va pas faire nuit, mais je veux dire, on commence à être en fin d'après-midi. Du coup, est-ce que... je suppose qu'il va y avoir le repas dans sous peu et que tout le monde va venir... Certainement d'ici 2-3 heures, oui. Voilà. Donc, du coup, pendant le repas, j'aimerais... Attends, tu veux qu'on fasse une éclipse jusqu'au repas? Ou tu leur fais part de ce que tu souhaiterais non, faire? Enfin, je leur fais part à d'accord, eux, d'accord. Et puis du coup à toi très en bien. Même temps. Proposer justement, comme elle nous a filé la liste des gens qui sont les clients, on va dire, je ne rappelle jamais son nom, de Liel. Du coup, de juste s'ils sont là, de juste vite fait les ausculter, voir s'ils n'auraient pas un truc bizarre, une piqûre, quelque chose, juste par précaution, vu que la nuit dernière, il y en a un qui est tombé en rentrant chez lui, au moins, si on peut éviter que ça arrive, si jamais ils se sont déjà fait piquer, juste par précaution, quoi, de vérifier s'ils n'auraient pas un truc bizarre. Enfin, vérifier plein de trucs, genre les piqûres, vérifier la bouffe, tout genre de choses. Oui, voilà, mais après, bon, moi, je serais plus parti sur une piqûre, puisque pour moi, ils sont. Enfin, Harry est plus mort d'un empoisonnement à une piqûre et pas de la bouffe. On n'a qu'un cas. Tu vois, genre, s'il y a eu 3 morts, on n'en connaît qu'un, tu peux pas généraliser pour tout le monde. Oui. C'est vrai que de base, enfin le premier truc que j'aurais à vérifier, c'est le corps. Bah oui. De base. Ouais. Ça va être pas évident. Bon, en tout cas, moi, genre chez l'autre pot là, qui sert à rien et qui m'a l'air bien suspect, genre j'ai chopé ça et je sors une des plantes que j'ai prises et la potion. Ok. Ah bah, si c'est elle, je casse ta gueule. Parfait. Si c'est pas, bah c'est parfait. Moi, je suis tout content et puis je dis, bah, écoute, je vais faire des comparaisons. Je vais regarder s'il y a pas, si c'est pas ça qui aurait pu. Ok, tu veux donc prendre le temps de retourner à l'auberge faire des comparaisons ou vous préférez aller inspecter le bois Il commence à faire nuit. Enfin, je parle du début de fin d'après-midi, c'est-à-dire d'ici 2 heures, il fait nuit. Ce que je peux proposer, c'est que moi, j'aille faire ça, d'aller vérifier, vérifier en fait les trucs, et que eux, s'ils veulent, d'aller faire une inspection. C'est parfaitement possible. C'est ça, les copains Ouais, pourquoi pas. Après, j'imagine qu'on n'aura pas le temps de faire quelque chose d'approfondi. Il nous reste pas longtemps avant la tombée de la nuit. Mais... Très bien. C'est déjà ça pris. Mais du coup, je prends la fiole et puis la plante, et puis moi je pars vers la. D'accord, l'auberge. Tu te retournes au niveau de l'auberge, ouais. te bloquer à l'intérieur pour aller faire tes. Et fais gaffe que la vieille peau vient pas chercher ce qui lui appartient. Oh, t'inquiète, à l'auberge, on est chez la Corneille, si j'ai bien compris. Elle est pas très. Enfin, elle est pas vraiment le bienvenu par ici, donc elle va pas se tenter de venir là-bas. Et de votre côté. Donc, Mokosh et Abby, on va jouer à un jeu. Globalement, moi, je sais, c'est actuellement écrit sur mon scénario, si Josh se trouve, oui ou non, dans la forêt. Oui, ça semble logique. Et donc, plutôt que de faire un simple test débile, voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer de faire des actions, soit d'instinct orientation, soit instinct survie. Parce que clairement, les deux... sont tous les deux autant appropriés l'un à l'autre pour retrouver quelqu'un. Puisque survie, ça fait du pistage et orientation, localisation d'un individu. Mm-hmm. Et donc, comme ça, vous allez chacun jeter les dés et me dire combien vous faites de réussite. Si jamais Josh se trouve actuellement dans la forêt, que ce soit vivant ou mort, je viens d'un... Enfin, il y a un seuil à atteindre de succès pour pouvoir le trouver. Imaginons que ce soit par exemple 20. Et là, vous me dites, bon, bah, on a fait 5 succès réussite. Et je vous dirai, vous ne trouvez rien. Vous aurez donc le droit de relancer les dés. Et en fait, à chaque fois que vous relancerez les dés, ça sera considéré comme étant une heure de recherche supplémentaire. S'il y a un seuil et qu'au bout d'un moment, vous l'atteignez, dans ce cas-là, je vous décrirai la rencontre. Et s'il n'est pas là, bah, vous aurez cherché pour rien. Parce que vous ne pourrez jamais atteindre le seuil... Est-ce que vous suivez l'idée ou pas? Ouais, plus ou moins. Sachant que le seuil est plus ou moins haut en fonction de la difficulté à trouver la personne. Ouais. Très bien. Du coup, faites-moi chacun un jet, soit d'instinct orientation, soit instinct survie. Et dites-moi combien vous avez fait de réussite, sachant que les déclencheurs comptent comme deux. Donc on te dit pas combien de déclencheurs, on dit juste nombre de réussites. Bah si, et les déclencheurs, enfin si tu me dis 4 réussites et 2 déclencheurs, je considérais que c'est un 6 en fait. 4 réussites. 4 réussites et 2 déclencheurs. D'accord. Vous fouillez depuis une heure, vous n'avez rien trouvé. Ok, donc là il faut relancer, c'est ça? Vous avez soit le choix de retourner, dans ce cas-là vous aurez perdu une heure, soit dans ce cas-là de fouiller encore pendant une heure. Bon, il nous reste une heure avant de repartir, donc bon, autant l'utiliser, quoi. Relance les dés. Ça fait 3 réussites et 1 redéclencheur. Ouais, une réussite. Doucement, ça. Oh ! Alors, vous fouillez. Vous trouvez rien. Dans un quart d'heure, à peu près, là, vous êtes quand même bien enfoncé. Vous avez prévu une petite marge pour retourner. Vous comptez retourner et genre vraiment, alors là on parle de même pas 10 minutes avant que vous souhaitiez repartir. Abby, en soi dans ta tête, t'avais presque abandonné. Vous êtes quand même là déjà bien éloigné du sentier. Comme on vous l'avait dit, il n'y a aucune trace de bête quelconque. C'est même plutôt vide en soi. Hein, et on, voilà quoi, il n'y a pas un oiseau, il n'y a rien. De temps en temps, vous avez croisé un piège ou deux qui avait été abandonné par des chasseurs. C'est tout. Et là, donc, tu t'assois sur une espèce de pierre et puis tu regardes Mokosh qui est en train de chercher. Et puis, tu sais pas pourquoi, tu commences à regarder par terre comme ça, comme à la recherche de traces, de pas. Et tu vois juste une petite colonie de fourmis. Alors, tu les suis du regard, tu trouves ça mignon, c'est... voilà. Et puis tu remarques que la colonie commence à s'enfoncer encore un peu plus profondément dans la forêt, et de loin, t'aperçois la forme assez impressionnante de la fourmilière. Déjà, les fourmis, elles sont pas mal, elles font une bonne taille, mais surtout la fourmilière, tu vois vraiment une espèce d'énorme tas, tu dis, waouh, c'est... Putain, c'est ouf, en fait, c'est des putains de fourmis qu'il y a ici. Et c'est là que tu réalises que à l'intérieur même de la fourmilière, tu vois une espèce de bras qui a l'air de dépasser. Mokosh, par là. Ah, ouais. Je vois ça moi aussi du coup, ou alors Ouais, tu te je retournes et capte pas trop. également, si tu vois, je sais pas quoi, il te montre une espèce de tas de paille, de feuilles, une fourmilière, quoi. Et en effet, en inspectant un peu plus, ce qui te le pointe du doigt, tu vous remarques également qu'il y a quelque chose qui a l'air de dépasser. Oh. T'as Vous pas vous quelque chose, hein, approchez? pour éloigner les fourmis? Là, pour l'instant, vous êtes encore à quelques mètres, hein, de la fourmilière. Hein. Vous n'êtes pas encore à distance, Ouais, mais bon, on va de pas la être toucher. au corps à corps au moment de Bien voir sûr. s'il a réussi à Après, quand passer. je dis des grosses fourmis, c'est pas des fourmis de 1 mètre. Hein. Elles font pas vous attaquer. Ouais, quand même mieux, genre, de déblayer un peu le Bien chemin, sûr, bien sûr. non? S'il a rien, tant pis, on fait ça, mais si elle aurait pas quelque chose. Sais pas, j'ai mon espadon. En effet, elle a un espadon. Il donne des coups dans la fourmilière. Ouais, mais alors, si effectivement il y a un cadavre en dessous, c'est pas ouf. Surtout, j'imagine bien quoi, l'espadon énorme qui sert à tuer des fourmis. Quoi. Bon, mais j'imagine que ça peut servir à faire levier pour sortir le Oui, corps ou bien un truc sûr, bien comme ça, sûr. quoi. Ah, Ça ça, c'est pas pourrait. con, ça. Même si je suis pas contre donner des coups dedans, mais bon, il faut garder le corps, alors bon. Allez, fais-nous un levier avec ta. Ok, vous commencez à vous approcher. Et là, vous voyez en effet ce bras tendu, presque comme s'il appelait à l'aide pour que vous puissiez le récupérer, qui est plongé dans la fourmilière. À côté, vous voyez le bout d'un arc qui dépasse. Et le long de ce bras, complètement blanc, toute une nuée de fourmis qui se déplace, qui remonte au niveau des ongles. Et elle commence à s'infiltrer entre les ongles pour récupérer des petits bouts de peau. Qu'elles ont l'air d'acheminer jusqu'au gros tas. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je vais planter mon espadon là où je pense qu'il n'y a peut-être pas de corps. Ok, Ça tu se trouve, plantes je viens de lui ton. perforer le crâne, quoi, mais bon, je sais Non, pas. en effet, tu vas doucement et tu sens pas que ça. Voilà. Ouais, et Ça. une fois que j'ai plus ou moins l'idée que je suis en dessous et que je suis prêt à faire levier, j'appuie pour faire sortir le machin. Très bien, fais-moi un jet de force. J'ai ramené toute la fourmilière avec. Attends, force, ok. Aucune réussite. T'y arrives pas. Malheureusement, ça perd de se déplacer. C'est quand même un énorme tas de paille machin, ça marche pas. Je peux l'aider? Genre, je C'est peux l'aider ouais, avec force. assis-toi sur l'épée, Abby. Ouais, de ouf. Je peux Tu fais essayer. ça? Bah Très ouais, bien. non. Essayer de mettre mon poids sur l'épée pour essayer de l'aider, quoi. Très bien. Rappelle-moi combien tu pèses. Alors, je pèse exactement. J'ai mis 60 kilos. Très bien. Je vous annonce officiellement que c'est la première fois de toute l'histoire de l'humanité que le poids d'un joueur aura une incidence Décisive. dans le jeu. Mais Jette-moi 6 dés. c'est trop bien. Ok. On a rendu un truc utile, putain. Alors. Ouh! Alors, attends, faut que je compte. 1, 2, 3, 4. 5 réussites, dont un déclencheur. Ok, Elle avait tu t'assois. mangé McDo juste avant. D'un coup, à vous deux, avec vos deux forces, vous arrivez en effet à soulever légèrement la fourmilière et notamment l'espèce de corps qui commence à rouler le long de la lame. Alors pas rouler non plus énormément, mais voilà, ça commence à descendre. Le bras est désormais quasiment facilement attrapable. Ouais, enfin, après je retire l'épée et je commence à la secouer parce que je veux pas que les fourmis remontent jusqu'à mon bras. Ouais, ok, bien sûr. Tu vois les fourmis qui commencent à remonter, mais facilement t'arrives à les dégager. Hein, c'est C'est des du coup fourmis. bah, de choper le truc et le tirer au maximum Ok. vers. Tu tires le bras. Il y a 2-3 fourmis qui en profitent pour te monter le long de. Pour Salope! t'escalader, mais bon, voilà. Il faut. Et en effet, tu jettes là un corps qui d'un coup, voilà, tu le déposes par terre. Tu remarques ensuite quand même que Mokosh a l'air relativement ravi de ton aide, mais tu sais pas si tu dois le prendre plutôt bien ou. Oui. Ok, d'accord. Bon, Bah, étant donné que ton poids visiblement a l'air largement suffisant pour soulever un cadavre, enfin. alors. Ouais, je fais pas 300 kilos. Tu retournes le corps, j'imagine, pour essayer de voir s'il s'agit de Josh. bien sûr. Ok. Ah oui, c'est vrai que c'est son pote. Tu retournes le corps, complètement, quasiment fait bouffer à droite à gauche. Alors, c'est juste des fourmis, non, c'est pas non plus Voilà, mais plein de petites blessures, des petites plaies ouvertes à droite à gauche. Et ce visage, tu le connais bien puisqu'il s'agit de Régis, Josh. Ok. Bah du coup je regarde mon gauche. Effectivement, c'est lui. Et bon, tu m'aides à le porter? Ah bah ouais. Bien sûr. Allez. Ok. Vous commencez à traîner le corps. Avant, je sors. Enfin, je retire. Ah non, merde, j'ai plus de veste. Je l'avais déjà brûlé. on peut partir du principe que vous êtes quand même racheté des vêtements depuis la dernière fois. Hein. Ouais, je pense que cette partie se passe au moins une voire deux semaines après la dernière. D'accord. Bon, bah, je sors ma nouvelle veste et en fait, j'essaie de faire du vent sur le corps avec ma veste pour virer les fourmis. Ok. Parce que je veux pas en avoir pendant que je vais le tirer. Oh, allez, Mokoche. Je t'ai connu plus courageuse. Malheureusement, il y a toujours des fourmis qui persistent. Hein. Vous voyez qu'il y en a qui sont notamment entrées au niveau du nez ou des yeux. Il y en a certainement dans la bouche aussi, même si vous n'êtes pas allé vérifier. Mais bon, bah, vous essayez de tirer. Au moins, l'un des avantages de l'homme, c'est qu'il était chauve. Donc, il n'a pas des fourmis plein les cheveux. Ah bah, ça me rassure. Non, seulement pas les couilles. Et vous le traînez ainsi le long du sentier pendant le temps de rentrer, quoi. D'ailleurs, il y a des moments pendant le voyage où je change de main et je secoue ma main quand je l'agite. Ok. Et vous vous retrouvez comme ça, toutes les deux, à traîner un corps le long d'un sentier. Ouais, une activité saine. Exactement. Bah oui, mais ça renforce les liens entre nous. Je vois le bon côté des choses. Bon, je vais vous passer le trajet du retour. Ouais. Au bout, on va dire, de 20 petites minutes, la nuit a déjà commencé à tomber. Alors, elle met du temps à tomber, mais il commence à faire nuit. Vous arrivez en ville, avec votre cadavre. Vous priez pour ne croiser personne le long du chemin, et c'est d'ailleurs le cas. Il n'y a personne pour l'instant. Bah, du coup, on va aller, à l'arrière, on peut aller à l'arrière, de l'auberge. Oui, il y a une porte à l'arrière. Ouais, ouais. Du coup, on fait ça, parce qu'on va éviter de passer en plein milieu des gens. Hein. Salut! Gossed, tu es actuellement, toi, tu viens de finir depuis quasiment une heure. Là, tu étais en train de grignoter en repensant à ton cadavre que tu as pu laver, tout ça, tout ça. Et t'entends toquer. Exactement, t'entends toquer à la porte. À la porte, donc, arrière de l'auberge. D'accord, écoute, je vais aller ouvrir. Ok, tu ouvres et tu découvres Abby, Mokoche et Josh. Ah, du coup, effectivement, je vois un cadavre. En effet, tu les vois en train de traîner un cadavre complètement blanc, plusieurs plaies ouvertes et le corps grouillant de fourmis. Il y en a au moins une dizaine là, vu d'œil déjà, qui se trimballe. On t'amène un nouveau jouet. Du coup, enfin, moi, je suis pas censé savoir que c'est Josh puisque je le connais pas, mais je dis mais c'est effet. Qui C'est qui C'est Josh. Ouais. Je suis parti chercher. Ah, vous l'avez trouvé? Ouais. Wow. Pas dans un bon état, mais ouais. Oui, effectivement, je vois ça. Écoutez, ramenez-le, posez-le. Du coup, sur la table qui doit être toujours au même endroit. Hein, c'est ça. Tu fais un peu de place pour pouvoir poser le nouveau cadavre. Là, Tu mets bien un peu de place pour pas que les fourmis aillent sur celui qui était à côté. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je sais que les fourmis n'aiment pas tout ce qui est un peu alcool et tout. Donc, s'il y en a, je vais verser de l'alcool sur le corps histoire de les faire dégager. D'ailleurs, pendant leur absence, tu as fait des tests sur les herbes et la lotion. Oui, effectivement. Et la conclusion que tu en as tirée est la suivante, ça n'a absolument rien de nocif. Tu supposes même que la lotion qui était faite à la base de plantes, c'est une plante qui a soi-disant des vertus pour la peau, pour préserver la jeunesse. Ouais, donc médicinal, quoi, des trucs, des onguents. C'est ça. Ou des... Mais absolument pas un poison puissant, ni rien de la sorte. D'accord. Ok. Donc, c'est le dernier produit de chez L'Oréal pour la peau. Mais en tout cas, t'as jamais entendu parler d'une quelconque manière d'utiliser ça pour en faire un poison. Oui. Enfin, du moins, de ce que je connais de ça, c'est plus quelque chose pour. Ouais, c'est toujours possible qu'il y ait un mélange ambigu que personne ne connaisse, c'est la recette Oui. de vieux Bah clanistes après, de toute qui. façon, oui, tout est toujours Mais. possible. Mais bon, de ce que, de par mes compétences, C'est ça. je n'ai pas de, je C'est soupçonne ça. pas de poison, quoi. Du coup, bah, je leur en fais part. Je dis, bah, écoutez, moi, de ce que tu m'as ramené, Abby, bah, c'est pas du poison, quoi. Non, c'est sûr, ça t'est D'ailleurs, arrivé. tu peux l'utiliser pour la peau. A priori, ça a l'air d'être un bon. On n'en a pas besoin, ma peau, monsieur. Tu as vu ton avenir un peu plus loin? À ce moment-là, vous avez la porte qui s'ouvre et la corneille qui rentre avec. Enfin, qui entrouvre la porte et apporte un plateau et fait. Oh! Oh merde. Quoi, En c'est ça? effet, il remarque Josh allongé sur la table. Ah oui, il est mort. Oui, effectivement, on l'a trouvé dans un mauvais état. Mokosh n'a pas Bah, le du sens coup, quoi. des. Bon, après, elle a raison, hein. Il est mort. Bah, Bon, j'imagine. en même temps qu'on parle, je commence déjà à m'atteler au truc, hein, pour essayer. Donc, en même temps, il doit être dans un état de décomposition un petit peu avancé parce que Vous ça fait une voyez semaine qu'il est également assis. passer juste au niveau des jambes de la corneille la petite fille Laura qui rentre dans la pièce pour voir ce qui se passe. Oh là là, il faut la dégager la bite là. Oh. Elle s'arrête et puis vous la voyez qui écarquille les yeux en voyant les deux cadavres posés sur la table. Allez, allez, va manger dans l'auberge. Ah ouais, dégage, dégage. Va tuer les cafards. Oh putain. Bon, on sait au moins qu'elle parlera pas. Vrai que c'était mauvais goût. Mais c'était rigolo. Vous voyez la corneille qui se considère presque comme un père pour Laura, qui vous regarde se moquer de son handicap. C'est lui qui a fait. Écoutez, hein, essayons de Bon, allez, trouver ça un petit passe. peu d'humour dans une telle situation. Ouais, j'imagine qu'on en a besoin. Et Bon, surtout de du coup, je travail. vous ai apporté de la manger, si jamais. Bah, Je ça tombe bien, prends. j'ai très faim. Oh, putain, et vous avez rien trouvé d'autre, vous avez pas de piste. Putain, Oui. mais Bah, du qu'est-ce coup, qui se je lui passe? fais part de ce que j'ai vu par rapport à la lotion là, Après. qui m'a ramené de chez La la vieille. pie, la vieille pie, et Ah que c'est pas ouais. du poison, a priori c'est pas. Non mais le jour où elle Bon, saura c'était faire une petite un blague. poison de toute façon. Mais j'y Du coup, crois bah, pas. je vais faire la même chose avec lui, hein, bah, du moins ce qu'il en reste. Physiquement, il reste. Enfin, il est comment, là, dans quel état? Alors, on va pas faire comme tout à l'heure, on va détailler bout par bout, sinon ça va être un peu long. Fais-moi juste un Ok. jet de médecine et puis je vais te décrire tout. Qui est décidément beaucoup plus utilisé que ce que je pensais, le jet de médecine. Alors, Intellect j'ai médecine. trois succès, dont deux déclencheurs. Très bien. Alors, globalement, vu de l'extérieur, le corps est pas en si piteux état. En effet, il a commencé un très léger stade de décomposition et il y a énormément de plaies ouvertes tout le long du corps, sauf au niveau du bras. Donc tu en doutes que les fourmis ont visiblement commencé à le grignoter en fait. Ce qui est Oui, voilà, assez c'est étonnant, des a priori plaies. c'est pas vraiment alors. Oui, les plaies sont certainement dues aux fourmis. Tu ne D'accord. vois aucune trace de blessure apparente, que ce soit autre que les plaies. Et tu as du mal à évaluer en fait la manière dont il est mort. Peut-être qu'il va falloir effectuer comme pour l'autre un examen interne. Du coup, juste voilà, je vais vérifier son mollet. Enfin, les mollets, s'il n'y a Ok. pas le même procédé, s'il n'y a pas une piqûre suspecte, juste Tu avant de commencer observes à. les mollets et tu ne vois rien. Je vois rien. D'accord. Les bras, pareil, tout, je vois rien. Non, non, là Ok. par contre, il ne semble pas y avoir de piqûres. Les veines n'ont pas l'air d'être spécialement apparentes comme si elles étaient sur l'autre. Les yeux ne sont pas blancs. alors que l'autre avait les yeux blancs. Ouais, d'accord. Donc ça, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de Non, non, cardiaque. s'il s'agissait d'un poison, en tout cas, lui n'aurait pas subi Le le même, sien. c'est pas le même. Tu constates quand même que la bouche est plutôt remplie de fourmis. Oui. On dirait à la limite, D'accord. ça pourrait être normal qu'il y ait plein de fourmis, mais Bien sûr. Enfin, oui, autant qu'un c'est cadavre un rempli de fourmis. orifice, oui. C'est ça. Mais est-ce que ce serait, enfin, ça me paraît anormal, quelque chose les aurait attirés plus ici qu'autre part ou... Tu sais pas trop, c'est la première fois que t'as affaire à un cas comme ça. Mais Bah, du coup, je vais l'ouvrir de toute façon, là, clairement. Ok. Enfin, donc pareil, Tu j'ouvre commences à te le. saisir de ton couteau avec lequel tu venais de couper ta viande précédemment. Et J'ai peur d'ouvrir et d'avoir plein de fourmis dedans là. Je suis quand même un petit peu en train de me dire, ça se trouve D'accord. il est gonflé de fourmis, bordel, je vais l'ouvrir. Donc je demande aux autres de se préparer peut-être à en avoir un paquet là, à l'intérieur quand je vais ouvrir en fait. En Je effet, m'assis sur une table pour ne plus toucher le sol. tu commences à. Alors, tu vois Mokosh qui est en train de jouer à Floor is Lava pendant que tu commences à découper soigneusement le cadavre dans le but de l'ouvrir. Et alors que tu viens d'ouvrir et d'écarter comme ce que tu avais fait avant, tu peux avoir une bien apparente. Alors, le corps ne grouille pas de fourmis, t'as pas des fourmis qui commencent à te monter sur les doigts. Mais à travers tous comment dire, les tubes digestifs, trachées, etc., tu remarques qu'à l'intérieur, par contre, ça a l'air de grouiller complètement. Comme si ça bougeait. Mais genre, tu Oui, vois les ben. fourmis à travers qui commencent à. Oui, bah clairement, de toute façon, elles font leur boulot, quoi. Tu en déduis même qu'a priori, il serait mort. De ça? Noyé dans des fourmis. Ok, donc en gros, c'est presque les fourmis qui l'ont tué ou D'une attaqué certaine ou. manière, ouais. Parce qu'elles Ah. se sont complètement. Ouais, elles ont complètement rempli son corps. Encore, ouais. D'où, enfin, moi après, bien sûr, je sais pas. Justement, je leur pose la question. Dis, dans quel état vous l'avez trouvé en fait? Parce que là, vous m'amenez le truc, mais il était où? Dans quelle posture? Ouais, sous un tas de fourmis. Ouais, il servait de mur porteur à une fourmilière. Ah ouais, donc il était emprisonné carrément dans une. Ouais. Ah. Ouais, donc en gros, il sait. Est-ce que du coup, j'ai la corneille à côté. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué? Ça arrive Non. souvent, ces choses-là. Mais c'est dégueulasse, putain. Oh, on les voit qui. Oh, putain. Il n'y a pas un engrais, un truc comme ça qui attire les fourmis? Pardon? Il n'y a pas un engrais, un truc comme ça qui peut attirer les fourmis? J'en ai jamais entendu parler spécialement, mais. Et monsieur l'hospitalier, là, qui m'a l'air plutôt bien calé. Des engrais pour les fourmis. Je suis En pas anglais, jardinier, moi, je suis médecin, mais. oui. Jardinier. Pareil. Bah, pareil, pas Genre trop. une plante qui les attire ou un truc du genre. Est-ce que la lotion pour la peau elle fait pas ça? Bah attends, Bah, du j'essaye. coup, est-ce que. Tu vas Ouais, faire des j'essaye de tests sans voir. par terre. Tu vois, les fourmis ont pas du tout l'air de réagir. C'est pas Oui, ça. parce que à la limite, tu peux prendre le produit, le foutre à côté. Est-ce qu'ils y vont? Ils y vont pas? Ils vont pas, Bah c'est. après, je veux dire, il n'y a pas que ça. Hein. Enfin, quand je suis rentré chez elle, au cas où ça serait elle, mais quand je suis rentré chez elle, il y avait énormément de Les autres plantes avaient l'air de vertes. contenir le même produit, mais après, il y a des mélanges qui ne se Oui, voient pas. mais tu m'as dit qu'il y avait aussi plus de plantes. Enfin, il y avait beaucoup de plantes, c'était une ville. Oui, c'est ça, il y avait deux, trois plantes posées à côté. Donc du coup, enfin genre, on n'a pas l'intégralité de ce qu'elle a chez elle, tu vois. Donc Est-ce ça que porte. j'ai moyen de voir si la peau de Josh serait imbibée d'un quelconque produit? Est-ce qu'il aurait été, est-ce qu'il aurait pu se mettre une crème ou quelque chose Je sur la trouve peau ou rien. pas? Je trouve rien. D'accord. Après, son corps date un peu, donc Bah oui, donc c'est quand même plus voilà. compliqué. En plus, j'imagine que son estomac, il n'y Mais a plus a rien dedans parce que. priori, pour l'instant, la thèse la plus sûre que tu pourrais avoir, on va dire la plus simple, simplement qu'on on l'a plongé la tête la première dans la fourmilière, qu'on l'a forcé à ouvrir la bouche et puis qu'on a appuyé jusqu'à ce qu'il... Bah voilà, est-ce qu'il y a des traces de... Est-ce qu'il y a... sur lui on voit des traces de lutte? Non. Des trouve blessures. Pas de marque, par contre, pas spécialement. Ouais. Donc soit il était vraiment bien maîtrisé, soit ça a pu disparaître. Parce que si il est maîtrisé, je pense qu'il y a forcément plusieurs personnes, parce qu'une personne tout seul ne peut pas maîtriser un mec. Enfin. Sans qu'il y ait des... Enfin, ou alors après, ça dépend. S'il est alcoolisé, par exemple, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Mais non, en effet, ça pourrait être plusieurs personnes, oui. Oui, enfin, après, moi, voilà, dans mon premier... Le premier truc, ce serait qu'il est mort des fourmis, en fait. Les fourmis l'ont tué. Après, est-ce que quelqu'un l'aurait aidé à mourir en les plongeant dans les fourmis? C'est à la limite ce qu'il faudrait savoir, essayer de trouver. Mais ce qui a tué cet homme, c'est juste, enfin, ce sont les fourmis en fait. Oh putain. Josh, il a passé sa vie à buter des mecs et des animaux. Et il est fini tué par des fourmis. À buter des mecs? Bah, quand il était apocalyptique à l'époque... C'est pour ça qu'on a quitté Justicienne. Mmh. Il aimait pas cette vie-là. Mais ouais, clairement, c'était son boulot. Bah après, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que pour quelqu'un qui est le chasseur, j'imagine qu'il doit très bien connaître le secteur. Donc, s'il y avait une fourmilière, il devait très bien savoir où elle était. Parce que c'est pas le genre de... Enfin, une fourmilière, d'après ce que vous m'avez décrit, ça a l'air d'être quand même... ça devait être un sacré truc. Une belle fourmilière, quoi, de bonne taille. C'est vrai qu'on en a déjà eu quelques-unes ces derniers temps. Et... Bon, on n'y touche pas, quoi. Mais c'est vrai qu'elles sont plutôt volumineuses. Et bon, bah, on les laisse tranquilles. Hein. Enfin, c'est... Ouais, donc clairement, s'il connaît le secteur, je pense pas qu'il se ferait avoir par ce genre de choses. Donc, c'est quand même bizarre. Il s'était un peu ramolli avec les années, mais c'est vrai que c'était plutôt un battant à la base. Donc c'est vrai que c'est assez suspect. Voilà, après de toute façon, de mon autopsie là, je n'en résulte pas plus. J'ai rien de plus. Dites-moi, vous croyez à la thèse de la malédiction? Je sais que ça peut paraître débile, mais franchement, j'y comprends rien. Je veux dire, écoutez... la vieille pie, enfin. Ok, elle l'avait un peu amère après ce qu'on lui a fait, mais c'est bon, elle n'est pas capable de tout ça. C'est, je veux dire, c'est moins que rien, elle voit rien. Oui, mais tout expliqué par la malédiction, c'est... Ah, c'est trop facile. Il y a des gars qui commencent à... Non, vous avez raison, vous avez raison. Il nous manque simplement quelques éléments qui pourraient nous mettre sur la vraie piste. Maintenant, clairement, Harry est mort empoisonné. Maintenant, savoir comment... Enfin, il a été piqué, mais par quoi, voilà, que ce soit une aiguille ou un insecte. Après, vous avez Josh donc, qui est mort dans une fourmilière. Mais je doute qu'une fourmilière puisse tuer un homme comme ça. Surtout un homme aguerri à la chasse. Donc une malédiction, honnêtement, ce qui était cool quand on était à Justicienne, c'est quand il y avait un souci, il y avait n'importe qui et tout le monde à accuser. Mais là, je suis désolé les gars, je sais pas. Il y aurait pas quelqu'un qui serait propriétaire d'un truc qui pourrait servir à injecter, genre une aiguille, un truc comme ça, dans le coin? Non. Non, on n'a pas de médecin, c'est... Ah, après, je sais pas, je vais demander au pivert, peut-être qu'il saura. Okay. Et puis je vais me coucher, je suis désolé, j'ai besoin de dormir. Écoutez, quoi. Là, on n'a pas encore mangé. Les gens n'ont pas mangé, là. Là, on a pas encore mangé, là. Là, c'est hors jeu. Toi, t'as mangé, mais... Mais les gens, ils sont venus ou pas voilà. Oui, les gens, là, ils sont en train de manger en ce moment même, en fait. Du coup, j'aimerais... ausculter, pardon. Donc je sors la liste des gens là qui sont qui sont là, là. Et j'aimerais justement faire les ausculter pour voir s'il n'y aurait pas des choses qui me paraissent bizarres. Tu vois la corneille qui soupire un peu. Il a l'air d'être dans un sale état. Et puis il sort en direction donc de la salle principale de l'auberge. Du coup, je vais juste leur dire que dans un élan de générosité, étant médecin, je vais juste les ausculter pour voir s'ils sont pas malades, pour histoire de pas dire que je vais voir s'il y aurait pas quelque chose de suspect, tu vois, genre juste voilà. J'imagine que vous faites ça dans votre chambre à l'étage, et pas avec les cadavres à côté. Oui. Parce que la corneille t'explique quand même que. Il tient à ce que ça reste un minimum secret, même si la petite l'a vu, mais au moins elle parle pas, donc c'est déjà ça. Il risque d'en parler au pivert du fait qu'il s'est trouvé le corps de Josh, mais il préférait que vous gardiez ça pour vous pour l'instant. Les mecs paniquent déjà assez. Nous, c'est pas l'intérêt donc, que les gens flippent. Vous organisez toute votre petite séance médicale, nous allons jouer au docteur à l'étage. Et donc, au fur et à mesure, t'as tous les mecs de la liste, donc, dont il fait partie d'ailleurs, qui viennent, et que tu commences à ausculter. Alors tu vois, il y en a un, donc, notamment Rob, qui est le premier arrivé, qui il est pas trop à l'aise à l'idée de se faire tripoter par un docteur, même hospitalier. Mais bon, finalement, il accepte. Tu sens qu'il y a une espèce de pression de la part de la corneille et du pivert. Parce que j'imagine que vous faites ça tous les trois en même temps, non ? Et après l'auscultation, à part une hygiène plutôt déplorable de la part du pivert et de Rob, la corneille encore ça va, tu remarques rien du tout. Pas de traces de tiques, pas de traces de piqûres à part quelques piqûres de moustiques. Pas de lésions, pas de marques, enfin il y en a un ou deux qui doivent avoir quelques bleus, tu vois, mais... Ouais, donc disons que extérieurement ils ont des cicatrices, c'est ça. Tu leur demandes comment est-ce qu'ils se sentent ces derniers temps. Il y en a aucun qui a récemment fait de malaise ou bon, tout a l'air normal en soi. Bah, au moins on saura que si jamais qu'il leur arrivait quelque chose par la suite, ça s'est passé entre l'instant où j'ai fait la consultation et le moment où il leur arrive quelque chose. Exactement. D'ailleurs, pendant ce temps-là, Abby et Mokosh, vous êtes allés manger en bas et vous avez écouté les théories sur les malédictions, tout ça. Enfin, voilà quoi. Magnifique. Du coup, j'en fais part une fois que tout est fini, que les gens sont partis, tout ça. Voilà, j'en ferai part aux autres de mon. Très bien. J'imagine que vous souhaitez aller vous coucher parce que là, il commence à se faire tard. Hein. Les gens ont déjà quitté l'auberge une fois que vous avez fini. Ouais. Vous souhaitez faire autre chose avant? Ouais, je pense qu'on va se faire une nuit tranquille quand même. Ouais. Bah, en fait, faut peut-être dormir à un moment donné, je pense. Clairement. Ok. Voilà. Surtout que les journées sont courtes. Enfin, vous retournez vous coucher. Après, j'ai ausculté tout le monde, donc personne n'est susceptible de mourir ce soir, normalement, bien sûr. Ami, pendant ton sommeil, tu rêves de justicienne, de toute l'agitation qui se passe autour de l'épave. Tu t'imagines plongé dans des intrigues, à devoir menacer, faire preuve de mauvais augure sur des gars pour les faire paniquer, les faire payer. Tu commences vraiment à en avoir marre de cette putain de ville de merde. De ton côté, toi, Torik, tu rêves blanc, pur, parfait. Alors, c'est des termes assez vagues, t'es sans doute le seul à les comprendre, mais... C'est un peu le rêve cliché d'un hospitalier, quoi. Tu rêves de la perfection, de la purification. Et toi, Mokosh, tout simplement, tu rêves de toi, actuellement, dans cette ville, en train de dormir. Tu t'imagines des fourmis qui commenceraient à grouiller un peu partout. Ça commence à virer en cauchemar. Tu t'imagines une bestiole qui rentrerait... passant sous la porte de votre chambre pour aller passer sous tes draps et qui remonterait petit à petit le long jusqu'à ta poitrine. Et c'est alors que tu commences à te réveiller et que tu réalises que c'est pas un rêve. Et qu'il y a bel et bien quelque chose qui est en train de grimper le long du corps. Oh putain. Sous ton drap. Ah, d'accord. Ah ben je fais un grand cri en essayant de me jeter hors du lit, je sais pas trop, genre. Ok. Torik et Abby, vous êtes réveillés d'un coup par un cri de Mokosh. Vous la voyez qui se jette de son lit. Ouais, et genre c'est le truc de je me jette mais pas pour finir debout, genre je me jette par terre, genre. Ouais, ouais, et qui commence à rouler par terre. C'est ça. Se roule, ouais, du coup. Bah non, moi je me lève, hein. Je me lève et je lui. Tu te lèves d'un coup. Tu chopes ton dilacérateur. Ouais, bah oui, on sait jamais, je sais pas. Hein. Ok. Moi je chope mon réflexe coche. En fait. Ok, tu chopes mon coche, tu l'attires d'un coup. Là, vous êtes là, tous les trois, debout dans cette pièce. Tu vois, Mokosh, tu regardes ton corps, tu vois rien. Et tu vois juste ton drap posé par terre. Il y a quelque chose dans le lit. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc dans le lit qui me rampait dessus. Du coup, on regarde le lit. Sur le lit, il n'y a rien. Alors, le lit, il n'y a plus rien dessus. Le drap est parti avec Mokosh lorsqu'elle s'est jetée... Ah bah je prends le drap, tu sais, je le secoue, enfin, okay. Vas-y. Tu commences à secouer le drap. Et là, d'un coup, tu vois, qui tombe par terre, une araignée, la taille d'une main, bleue. Vous en avez jamais vu des similaires. C'est une espèce de bleu foncé, avec tous ses petits yeux comme ça, ses grosses pattes velues. Et elle commence à courir, elle essaye de passer sous le lit. J'ai mon dilacérateur, donc je vais prendre la pointe. Très bien, on va faire un calcul d'initiative. Non, je rigole. Vas-y, fais-moi juste un jet de corps à corps. Donc c'est body et mêlée, c'est ça ? C'est ça. Okay. Alors, j'ai 4 succès et 1 déclencheur. Ok. Tu vois, mine de rien, alors tu sais que les filles elles aiment bien te charrier un peu, mais là, mine de rien, tu tiens à elles et tu te sens vraiment touché par ce qui vient d'arriver à Mokosh. D'un coup, tu donnes un énorme coup de dilacérateur à l'intérieur même du matelas. Ça traverse le matelas, ça passe à travers les lattes. Et tu sens le bruit du truc qui tape contre le sol. Ensuite, tu baisses timidement la tête pour voir, et tu vois qu'à travers le matelas, t'as réussi à parfaitement calculer et transpercer l'araignée. Ouais. Tu te dis que, mine de rien, tes entraînements ont porté leurs fruits. Ça m'a servi à quelque chose. Finalement. Même si toi, c'est plus le côté intellect qui t'intéresse. Du coup, je vais pouvoir la disséquer. Moi, j'aimerais bien aller voir si Mokosh n'a pas été mordu, du coup. D'accord. Mokosh, dis-moi, tu dors habillé en petite tenue ou en sous-vêtements ? Quand je dis petite tenue, c'est genre juste un t-shirt pour faire pyjama. Ouais, bah j'imagine que j'ai juste genre le t-shirt et tout ça, quoi. Ok. Dans ce cas-là, est-ce que tu l'enlèves pour vérifier si il est mordu ? Ouais, vas-y. Très bien. Vous faites ça comme ça, en plein milieu de la pièce ? Bah, oui, c'est... Ouais. Enfin, okay. Si elle est pas gênée, oui. Enfin, moi, je m'en fous, je connais son corps. Moi, je vous laisse faire ou tu veux que je le fasse ? Parce que après, je suis médecin. Je dirais après, pour moi, un corps, c'est un corps, même que ça met une corps de femme ou d'homme. Une morsure de l'agneau, ça se voit. Ouais. De ton côté, Mokosh, malgré l'adrénaline, tu sais, tu te sens un peu bizarre, mais tu sens rien a priori. Tu sens pas de douleur spéciale. Et après une petite auscultation, donc soit de Torik, soit de Abby, la conclusion est que non, tu n'as pas été mordu. Ouf. Non, mais c'est parfait, tu vas bien. Je fais un petit bisou sur le front. Et que par contre, contrairement à ton rêve, il n'y a pas de fourmis qui grouillent dans toute la pièce. Hein. Parfait. Bah, du coup, tu peux quand même remercier les fourmis qui t'ont alerté indirectement de quelque chose. Ah ouais, je les remercierai la prochaine fois que j'en verrai. Du coup, moi je vais récupérer l'araignée et du coup, j'aimerais je vais tout simplement voir si elle n'était pas venimeuse, si elle n'avait pas du poison particulier. Tu récupères l'araignée, donc dans ce cas-là, tu descends dans l'arrière-salle en bas ou tu fais ça là Bah non, bah je vais descendre là où j'ai tous mes trucs, parce que Ok. là, je peux... Tu déposes ton dilacérateur à côté de ton lit et t'en extrais l'araignée, bon, t'as des gants, hein, et tu descends avec. Une fois arrivé en bas, tu rechopes encore un grand verre, une pinte, et tu la mets dedans. Et puis tu commences à disséquer. Donc Bon, là, je vais pas te je vais demander de enlever jet de médecine cette fois-ci, mais. les crochets à venin, tout ça, pour choper Voilà. la poche à venin. Ouais. Et c'est la première fois que tu vois une araignée comme ça. Vraiment, tu savais même pas que c'était. Enfin, c'est pas qu'elle paraît impossible ou improbable, c'est juste que. Bon, ben, en soi, voilà quoi, t'en as jamais vu de la sorte. Oui, Et c'est en une effet, espèce bizarre, quoi. t'en conclus assez rapidement qu'elle est fortement vénéneuse. Tu Est-ce que pourrais j'ai moyen même de faire en quoi? conclure qu'il s'agit là de la cause de la mort De Harry? de Harry. Il y a des chances. Du coup, je vais, parce que moi, du coup, je la connais pas, cette espèce, je vais aller chercher la corneille, vu que je vais aller le réveiller, Ok. on s'en bat, voilà, je m'en fous, là, on vient de trouver quelque chose quand même d'assez important, et je vais lui demander de venir voir cette espèce, est-ce qu'il la connaît, est-ce qu'il a déjà eu affaire à ce genre d'araignée avant ou pas? Tu vois la corneille. Tu vas toquer à sa porte. Il vient t'ouvrir. Tu vois, il est à moitié endormi, mal coiffé, il a les cheveux détachés qui lui tombent au niveau des yeux. Il fait, ouais, quoi? Bah, je lui explique, voilà, j'ai écouté, il vient de se passer quelque chose, mon ami Mokosh s'est fait attaquer par une araignée et nous avons Quoi? réussi à la tuer. Et a priori, ce serait la cause, enfin après que j'ai analysé l'araignée, ce serait la cause de la mort d'Harry. D'accord. Donc Mais j'aimerais que vous veniez regarder cette tu vois, araignée, il a l'air savoir si complètement vous... étonné, enfin, et comme si tu lui racontais, enfin, il te croit, tu vois, mais tu lui dis ça et il a l'air de réagir comme si tu lui racontais n'importe quoi, tu vois. Oui, Pour c'est lui, ça a pas l'air de surréaliste. tenir debout, hein, bien sûr. Ouais. Mais écoutez, Et venez avec moi, venez avec moi, je vais vous la il descend les montrer. escaliers et tu veux lui montrer Et ça. Et lorsque tu lui montres comme ça l'araignée dans le verre, il se penche et il regarde et fait. J'ai jamais rien. Mais j'en ai jamais vu des comme ça par ici, c'est. ok. Mais c'est. Ouais, enfin, j'ai dû en croiser une ou deux dans le genre, une fois j'étais en voyage en Franca, mais c'était il y a des années. C'était il y a super longtemps. Et je sais qu'elles étaient dangereuses, il fallait les éviter. A Priori, priori, ouais. juste pour pas vous alarmer, hein, elle était dans l'auberge. Mais c'est pas. Vous pensez que c'est ça qui Donc, aurait. Mais je comment viens ça se fait d'analyser que. le venin. A priori, Ouais, mais c'est. c'est la même composition que ce qui a tué votre ami Harry. Mais d'où une araignée s'amuse. Surtout que, de ce que je me rappelle, en Franca, fallait faire gaffe, mais normalement, c'était surtout lorsqu'on allait visiter des ruines abandonnées ou des trucs comme ça. Normalement, c'est une espèce, elle a plus peur de l'homme qu'autre chose. Ouais, bah ça ressemble un peu à une ruine abandonnée dans le coin. Mais c'est simple. Soit c'est des araignées qui ont migré dans cette région, soit quelqu'un l'a déposé. Quelqu'un l'a amené jusqu'ici. Vois la corneille qui d'un coup commence à avoir quelques gouttes de sueur qui coulent le long de son visage. Il parle plus, tu vois, il est plongé dans ses pensées. Et il commence à réfléchir. Et il fait. Et ouais, ou alors il y aurait une autre possibilité. Non, non, non, non, non, je suis con. C'est-à-dire, Non, bah dites-nous, non, excusez-moi, je suis faut. complètement débile, je suis parano. Mais dites-nous, on a besoin d'avoir toutes les. Même aussi stupide que ça puisse vous paraître, c'est peut-être que c'est Oui, non, mais utile. c'est vraiment débile, ça peut pas Mais on arriver s'en ici. fiche, Parle. dites-nous. Dites-moi, hospitalier, Oui. vous avez vérifié votre mollusque récemment? J'avoue que non. Parce que de souvenir, c'est ce qu'on dit sur eux. que les nuées d'insectes répondre. Mais non, bah, mais écoutez, ça peut pas être ça. Bah, après, moi, je veux bien que ce soit cela, mais votre ami, y en a qui sont morts avant que j'arrive. Oui. Notamment enfin. Josh, si on parle de Josh par rapport à là, il est décédé depuis une semaine. Je n'étais pas là il y a une semaine. Non, mais... Non, je parle pas du mollusque. Par rapport à l'araignée, vous pensez que ce serait mon mollusque qui aurait attiré l'araignée? Non, vous n'êtes pas du tout, mais normalement, le mollusque, ça sert à détecter les porteurs de la sepsie. Et lors d'un stade relativement élevé, on parle alors d'homo degenesis, mais c'est complètement débile. J'ai entendu des histoires par rapport à ça. On dit qu'il suffit qu'il convoite une terre pour qu'elle commence à devenir stérile, que plus rien n'y pousse. Mais il n'y a rien de tout ça par ici. Enfin, on l'aurait su quand même. Bah après, j'ai pas noté de... Enfin, je parle au MJ, mais j'ai pas noté de variation bizarre de mon... Enfin, mon... T'as pas vraiment fait gaffe. Alors après, tu l'as pas checké, mais tu t'imagines que si jamais il s'était mis à se secouer... J'aurais senti quand même, enfin, je sais pas, quelque chose qui... Enfin, s'il se met à vibrer, ne serait-ce que même mon le dilacérateur, j'aurais eu un tremblement, quelque chose, je sais pas. Alors, normalement, si c'est vraiment... En fait, ça dépend de la portée et de la puissance de la créature. Si c'est juste un drogué qui commence à être un peu porteur, il va vibrer légèrement. Si jamais on parle d'un vrai homo degenesis, normalement, il se secoue vraiment dans tous les sens. Après, là, tu vois la chronique qui fait « Mais non, mais excusez-moi, je suis complètement débile. » Normalement, les homo degenesis, de ce qu'on raconte, ils s'attaquent à tout et n'importe quoi. Et là, ça a l'air d'être très... comment dire... presque prémédité, non ? Pas venir faire un petit test chez l'hospitalier, ça lui prendra pas énormément de temps non plus. Et comment vous compteriez faire ça, exactement ? Ça, c'est lui qui gère. Hein. Ouais, voilà, comment tu veux que je mette ? Je sais pas, secouer ton mollusque. Bah ouais. Il faut que je passe mon dilacérateur sur des zones particulières, voir s'il réagit à quelque chose. Mais... Ton dilacérateur a une portée de 30 mètres. Oh, d'accord. Et est plus ou moins réactif en fonction justement du niveau d'infection. Mais il faut savoir que normalement, pour qu'un homo degenesis puisse se mettre à contrôler des nuées d'insectes, éventuellement des araignées, il faudrait en effet vraiment un stade extrêmement évolué. Bah, voilà, après, des gens et après dans la forêt. Bah, après, moi, je me dis que, par exemple, dans la pièce où on a mangé, j'ai mon dilacérateur avec moi puisque quand on est arrivé on a mangé, donc j'avais pas encore posé mon dilacérateur quelque part. De toute façon, je ne vais nulle part sans mon dilacérateur, donc tous les gens qui étaient là étaient à portée de lui, donc il a pas réagi. Non, mais de toute façon ça se remarque, hein. Physiquement ils subissent des transformations horribles. On raconte qu'ils ont des énormes pustules. Genre des boss qui peuvent faire un mètre. Enfin, moi, ça je le sais. Enfin, pour l'avoir étudié, je suis... Oui, je pense même que vous y connaissez mieux que moi. Mais après, effectivement. Si jamais vraiment c'était ça, du coup, on parlerait d'un féromancien, parce que... Oui. Mais... Bah, écoutez, j'ai pas eu jusqu'à présent l'occasion de partir en forêt puisque ce sont mes amis qui sont partis. Je suis toujours resté jusqu'à présent au niveau de l'auberge. Après, je peux demain, parce que là au matin, nous pourrons peut-être aller faire un tour en forêt et auquel cas je verrai très bien à ce moment-là si ça vous dérange réaction. Pas. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas eu l'occasion de partir avec mes amis. Mais oui, au matin, je pense qu'il serait peut-être intéressant de... Ok, parfait. Vous retournez donc vous coucher. Mokosh, toi t'as un peu du mal à t'endormir. Non, moi je dors pas seul. Ouais. Ouais, mais moi je dors avec elle, je la réconforte. Très bien. Et le lendemain matin, première heure, vous vous levez. Toi, tu empoches ton précieux dilacérateur. Tu sais d'ailleurs que si jamais vous auriez affaire à un vrai féromancien, même si ça paraît assez étrange, a priori, il ne faudrait pas l'affronter. Hein. C'est quelque chose de relativement puissant. Oui, il faut... de toute façon, c'est si jamais il y en a un que vraiment vous pouvez l'avérer, c'est-à-dire qu'on parle vraiment d'une créature qui est capable de rendre stérile une terre parce qu'elle la convoite, de contrôler. Bah après, c'est les légendes, c'est pas ce qui est vrai ou pas. On dit qu'aussi, il y en a des types différents en fonction des endroits. Mais. Bon, voilà, enfin, après, l'idée c'est. En référé. Ouais. Moi, si. Enfin, s'il y en a, il faut appeler l'Inquisition, quoi. Clairement, ce qui se passe, en fait. Mes collègues, quoi. Alors, c'est même pire que ça. Hein. Clairement, si jamais il y en avait un, vous iriez voir les. Donc les hospitaliers, et je sais pas si tu te rappelles, mais lorsque tu progressais dans les rangs d'hospitaliers, tu avais deux choix d'orientation. Oui, là, ben, je vais aller voir mes hospitaliers. C'est ça, et donc dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'en effet, il y a toute la branche médecine, et aussi les préservistes. Les préservistes, eux, ils sont, clairement, si jamais tu leur disais il y avait un féromancien dans le coin, ils sont équipés. Ils vont venir, ils vont tout brûler, hein, et ils vont cramer toute la forêt. Si jamais il y a des gens qui sont positifs au test, ils vont les cramer aussi. Enfin, c'est... Ouais, quand Sato disait l'Inquisition, c'était quasiment ça. Hein. C'est extrêmement violent. En gros, eux, ils sont là pour stériliser la zone, en fait. C'est ça. Ils vont tout stériliser, y compris... Il se trouve donc que vous êtes en train de marcher en direction de la forêt. Et en effet, en apercevant ton mollusque, tu remarques que ce dernier tremblote légèrement. Déjà dès l'auberge, quasiment. Non. Mais en vous approchant dans la forêt, ça n'a pas l'air de s'augmenter, en fait. C'est... En soi, bon, tu sais que Abby n'a pas consommé de bourgeons et ne doit pas extrêmement être positif en termes de sporulation, mais c'est à peine plus que si jamais tu détectais un drogué. Hein, donc d'un côté, t'es rassuré. Mais il a pas affaire à... Soit il est extrêmement loin, mais non, a priori, on parle pas d'un véritable féromancien. C'était peut-être certainement juste autre chose. Et donc ça c'est en restant à côté de l'auberge et en partant légèrement vers la forêt. Bah, allô ? Ça a pas changé, en fait. Oui ? Pardon ? C'est ouais, non, ça n'a pas l'air d'avoir changé. T'as planté, enfin, t'as une espèce de petite coupure. Oui, j'ai eu un bon coupure. Mais non, en effet. Même en avançant dans la forêt, c'est toujours le même niveau, en fait. C'est ça. Okay. Faudrait que tu tentes de sonder le village. Mais d'ouf, tu passes tout le monde au peigne fin. Je me dis que déjà les gens qui étaient avec nous à table dès le début ou ceux que j'ai auscultés, déjà eux ils ont pas, enfin ça n'a pas, oui. Mon mollusque n'a pas rien. Mais si ce serait un féromancien à table, en soi tu le verrais. Hein, quand... Bah oui, mais il y a pas que ça comme théorie. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, ouais non ok. Et moi je parle surtout de son des villages, le village, pas obligatoirement ouais. Les personnes du village. Totalement. J'ai la même idée en tête, genre c'est le truc qui est pourri. Tu te balades en secouant ton truc. Oui, après, en soi, de toute façon, c'est ce que je veux faire. Je vais okay. Un peu sonder la zone, aller dans le village s'il faut, un peu on en mode. Ouais, c'est ça. Le jour commence à se lever et vous êtes donc là en train de faire le tour du village. Tu voulais dire un truc, Abby ? Ah non, moi je confirmais juste. D'accord, ok, parce que moi j'ai cru que je t'avais coupé. Donc vous vous déplacez, vous êtes en train de sonder au niveau des maisons, voir si ça agit plus ou moins. Vous remarquez quand même que ce soir, enfin ce matin du coup, il fait lourd, il commence à faire chaud. Alors que normalement vous êtes dans un endroit quasiment froid, enfin c'est... Oh, c'est bien. C'est comme s'il y avait un orage qui se préparait et qu'il ne pouvait pas venir. Ça. Non, je parle d'un orage, je parle juste d'eau. Hein. Ah. Papa d'une éruption volcanique ou je sais pas quelle connerie. Hein, c'est... Et vous êtes là en train de sonder. Et en effet, vous avez toujours ce léger mouvement. Et c'est vraiment bizarre parce que t'as jamais vraiment vu quelque chose de la sorte. Normalement, ce qu'on dit, c'est soit ça bouge pas, si t'approches d'un drogué, d'un truc comme ça, ça va commencer à bouger. Un lépros, qui est vraiment le stade au-dessus, qui là, ça va commencer vraiment à s'agiter. Et si jamais il s'agissait en réalité vraiment d'un Obo Dead Genesis, donc ça peut être un phéromancien, toute la clique, là, ça serait... Oui, vraiment, il sera en mode convulsion. Là, alors là, complètement, oui, là, il pètera un câble. Ouais. Et ouais, donc c'est là, quand même plutôt voilà. Bizarre, quoi. Et puis c'est, il reste comme ça sur toute la zone, c'est pas genre à un moment il va s'arrêter. C'est ou... ça. Après, en effet, vous êtes en train de réfléchir, tu réfléchis à la théorie d'Abby, mais t'as jamais entendu parler d'un village qui pourrait lui-même être contaminé, tu vois. Et alors, en approchant d'une maison, tu remarques que le mollusque s'agite légèrement plus. Mais encore une fois, c'est pas grand-chose, tu vois. C'est léger, vraiment, quoi. Si tu fais c'est pas gaffe, léger. Tu le remarques même pas. Mais là, il a l'air de... Ouais. Mais écoutez, je leur dis, enfin, j'imagine que ce sont eux... C'est une maison où vous n'êtes jamais allé pour l'instant. Déjà, j'imagine que eux, ils sont aussi en train de scruter mon mollusque parce que c'est un peu ce qu'on fait, mais du coup, je leur dis quand même, je dis, écoutez, cette maison-là, depuis on vient d'y passer, j'ai l'impression que mon mollusque bouge un peu plus. Je pense que ce serait peut-être bien d'aller y faire un tour. Ouais. On sait à qui elle est, celle-là ? Non. D'ailleurs, ça fait tu pas partie dis de ce qu'on nous a indiqué. Si jamais il devait y avoir un lépros ou quelque chose comme ça dans la ville, ça ne serait pas l'une des personnes que tu avais, on va dire, consultées préalablement, car généralement ils ont des marques qui commencent à les couvrir au niveau du corps, des espèces de pustules. D'accord. Ouais. Ça, c'est le premier stade, c'est vraiment après que les personnes y a peuvent quand même évoluer. Il y a quand même des changements physiques, quoi. Écoutez, bah, on va commencer à. On se dirige vers la maison, de toute façon. Hein. Et puis, je mets bien mon mollusque en évidence pour voir si ça change de plus en plus. Okay. Au cas où. Et par contre, je les préviens. Je préviens les gars, je dis quand même attention. Alors, je pense pas qu'on soit on va pas croiser quelque chose de trop puissant, mais restons sur nos gardes quand même. On sait jamais. Et d'ailleurs. Tu commences, pareil au fond de toi, ça commence à devenir compliqué. T'as l'impression que la situation t'échappe. C'est-à-dire que normalement, tu jettes toujours presque par réflexe des petits coups d'œil comme ça à ton mollusque. Tu vois, c'est quasiment ancré à l'intérieur de toi. Mm-hmm. Vous avez quasiment croisé tous les membres du village, ça n'a jamais vraiment réagi. Alors, peut-être que ça pourrait être un stade d'évolution plutôt récent. Dans tous les cas. Tu comptes en faire part au hospital parce qu'il y a des choses visiblement que tu n'es pas capable d'identifier clairement. Ouais, je pense. Je pense qu'il faut qu'il vienne faire un tour ici. Vous toquez à la porte. Oui. Vous entendez du bruit comme quelqu'un qui commencerait à marcher en direction de la porte. La poignée commence à tourner doucement et la porte s'entrouvre. De l'autre côté, vous apercevez une silhouette que vous avez déjà rencontrée, puisqu'il s'agit de celle de l'aïeul. Oh, oui. C'est normal. Ouais, ça va. Et est-ce que mon mollusque change ? Est-ce qu'il est bizarre ou pas ? Bah, il est toujours sur sa période légèrement plus accentuée. Ça va ? D'accord. C'est bizarre. Bonjour! Il y a trop de mecs qui ont regardé parler. Tu la vois, elle referme la porte derrière elle, du coup là elle vous fait face, elle est dehors, elle fait. Abby? Mais après, j'aimerais qu'on la joue fine, quoi, pas commencer à la faire flipper, mais genre. Dire on fait un peu le tour des maisons justement on essaye de trouver des infos qui pourraient nous aider par rapport à Josh parce qu'on l'a toujours pas trouvé donc pas de soucis si on pouvait en discuter un peu avec vous parce qu'on a fait un peu toutes les maisons pour discuter directement avec les gens allez-y y a pas de soucis. On peut rentrer pour tout ça. Je préfère pas, non. Oui, on va rentrer. Non, il y a la petite qui dort. Faudrait pas la réveiller. Bah, est-ce que Torik peut juste faire un petit tour rapidement? Il en a besoin pour l'enquête. Tu peux me faire ça? Bah ouais, mais faites juste attention à pas faire trop de bruit. Tu non, la vois, elle commence à t'entrouvrir vers la porte. Tu coup, commences à rentrer dans le bâtiment. La maison a tout ce qu'il y a de plus normal. Tu commences à te diriger à l'intérieur. En effet, à l'autre bout, tu vois un lit avec ce qui semble être la petite sous les draps en train de dormir. Tu vois ses cheveux blonds qui se déposent au niveau de l'oreiller. Bah du coup, je vais avancer vers elle assez doucement, justement, parce que comme elle me dit qu'elle dort, je veux pas la réveiller. Et du coup, je vais quand même essayer de voir si mon mollusque réagit pas à sa présence ou pas, parce que bon, j'imagine. Tu t'approches de la petite. Et plus tu t'approches, plus le mollusque réagit. Ouais, t'es sûr. Est-ce que je vais, en arrivant à son niveau, est-ce que le niveau de réaction du mollusque m'indique son niveau de contamination en gros? Est-ce que je me rends compte trop, à quel niveau c'est... des... En fait, ça a l'air d'être différent de ce qui se passe d'habitude. En effet, il réagit un peu plus, mais de souvenir, vous étiez déjà réunis dans la même pièce et t'avais pas fait gaffe que... Oui, en fait, même si j'avais été à côté d'elle, il n'y avait pas eu de réaction particulière. Bah, t'avais pas... Tu te souviens plus si t'as vraiment fait attention gaffe, ou pas, mais... Ou j'ai pas fait attention. Ouais, quelque chose attention. Après, là, le mollusque, il est pas en train de se débattre complètement, mais en effet, là... Non, il mais, est actuellement mais en train il, de clairement, il réagit avec elle, quoi, parce qu'il n'y a que elle dans la pièce, donc c'est elle qui est... Donc, du coup, ce que j'aimerais faire, essayer de trouver un prétexte pour examiner la fille en disant que de par mon... Ah, pour l'instant, t'es tout seul dans la pièce. Donc, est-ce que tu ressors? Je veux pas faire ça en mode caché parce que si jamais elle me grille ou que la petite elle se réveille et que ça... Ouais, mais bon, tu vois, si je veux l'examiner, je vais forcément réveiller la petite. Du coup, j'aurais aimé... Je sais pas trop, en fait. Je sais pas si je veux le faire en mode... sans que personne ne sache. Ou prétexter que je la trouve un peu palote et l'examiner, en fait, devant la mère. Quoi. C'est à toi de voir. Pour l'instant, t'es seul dans cette pièce. Avec cette après, fille. Après, je me dis que si la mère était au courant que sa fille était malade, en sachant qu'elle fait rentrer un hospitalier, si vraiment elle avait des marques sur le corps et que, enfin, tu vois, elle m'aurait pas. Enfin, clairement, elle m'aurait. En sachant que je suis un hospitalier, elle m'aurait pas laissé rentrer comme ça, quoi. C'est possible. Donc, non, je vais la jouer honnête. Je vais la jouer honnête. Je veux pas. Voilà. Je vais revenir. Je dis, j'ai fait un peu, enfin j'ai un peu le tour. Par contre, voilà, je trouve que en étant passé, je trouve que votre fille est un petit peu palote. Comme j'ai déjà fait avec d'autres, si ça vous dérange pas, je peux jeter un, enfin essayer de regarder si elle a pas quelque chose. Ça me paraît bizarre quand même. De votre côté, Abby et Mokosh, j'imagine que vous comprenez plus ou moins ce que ça veut dire. Ouais, plus ou moins. Enfin. Donc, vous voyez là, il y a l'aïeul, elle est là, elle te regarde, elle fait. En théorie, je vois pas de soucis. Après, c'est l'instinct protecteur d'une mère. Si ça vous dérange pas, j'aimerais que moi, une des deux filles, voire les deux, soit présente. Je suis pas en train de vous accuser de quoi que ce soit, mais c'est oui, juste. Ah non, mais non. Même tout le monde peut être. Enfin, après, moi, ça me pose pas de problème que les gens soient à côté de moi. Non, mais vous inquiétez pas, on se surveille, docteur Parvert. Tu la vois, elle te regarde. Abby, bon. Et bon, bah, moi, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Je vous ramène quelque chose si vous voulez. Allez-y. Je le vois, alors avant elle re-rentre, elle va voir la petite et puis Elle commence à la secouer l'épaule et elle fait Laura? Oui, Laura. Le monsieur, il est là pour te sculpter. Il te trouve un peu pâle, c'est pour voir si t'es malade. D'accord? Bah écoute, il y aura ma copine Abby avec lui. Donc t'as pas à t'inquiéter, tu fais tout ce qu'il te demande. Allez, moi je reviens, je vais te chercher à manger. Et tu vois, elle commence à se lever et à s'en aller. Bon bah du coup je voilà je viens dans la chambre avec Abby justement qui est avec moi. Je Bah, et garde quand même Mokosh aussi, mon j'imagine. oui mon coche oui enfin après je sais pas qui est avec... enfin, on y va tous dans la chambre hein. J'essaie d'y aller voilà, en mode rassurant juste voilà bah, du coup je répète comment je m'appelle je dis que je suis hospitalier donc je suis un médecin je soigne les gens c'est mon métier Tu vois, elle du secoue la coup tête lorsque tu lui parles pour te faire comprendre qu'elle comprend ce que tu lui dis. Ah, ok, c'est bon, d'accord. Du coup, ben voilà, je vais juste t'ausculter pour voir si tout va bien. Et voilà. Donc, du coup, je mets mon dilacérateur, mais à portée. Tu vois, je ne veux pas qu'il soit trop loin si jamais, pour X raison, j'en avais besoin. Et en même temps, comme ça, je peux zioter un peu le mollusque, vite fait. Le mollusque a toujours plus ou moins les mêmes réactions que tout à l'heure. Du coup, ben, je lui demande d'enlever, pour que je l'ausculte au niveau du corps, hein, pour voir si elle n'aurait pas Ok, ouais. des marques quelconques. Bah, du coup, bah, elle commence à enlever ce qui lui sert de pyjama au niveau du torse, quoi. Et en effet, tu remarques des marques sur son corps qui pourraient être. Ouais, ça pourrait. Ouais, c'est plus ou moins ce qu'on t'a Ouais. décrit. Mais cette fois-ci, sur un enfant. Alors, t'es pas un expert t'étais seulement nouveau en tant qu'hospitalier, Oui, mais je suis à nouveau. Ouais. a priori, elle serait née comme ça. Enfin, tu supposes pas que cette fille soit Oui, une droguée. c'est pas, elle est pas, Non, mais la elle, oui, pile doit être d'accord. contaminée. Soit la pile, soit le père doivent être contaminés. Vous savez pas forcément comment ça marche. Oui, mais ce que je veux dire, c'est genre. Ouais, peut-être Oui, c'est qu'elle était comme dans ça, les mais genre. gènes, enfin, elle aurait comme si Ouais, c'est peut-être. l'enfant Tu sais était pas. un embryon C'est et quand même une aurait hypothèse été. qu'on peut considérer. C'est une Genre. hypothèse à considérer, mais en tout cas, vous n'en êtes pas sûr. C'est Oui, pas le oui. genre de choses dont on parle énormément en ville, J'ai aucune hein. connaissance scientifique, hein, donc. Non, mais c'est une théorie, hein. Je vous empêche pas de fonder de Moi, théorie. ce que je balance en Oui. mode peut-être que, hein, je n'ai aucune connaissance, je sais pas comment ça marche Est-ce leur qu'on est corps. vraiment en train de balancer des théories sur comment elle s'est fait infecter alors qu'il y a la mère à côté? Non, elle est La mère partie. est allée acheter à manger. Ah, Elle est à l'auberge. c'est pour ça que je dis que c'est Oh. sûrement la Bah. mère. Après, là, je me dis clairement, enfin, de nous trois, je suis le seul en gros à savoir un peu ce que je suis en train de regarder là. Ouais. Les gens, eux, ils voient. Pour Enfin, l'instant, t'as rien dit aux autres. Enfin, j'imagine que devant la petite, eux, tu vas ils pas voient non plus. des. Parce que c'est quel genre de traces? C'est quoi? C'est des petits pustules, des petits quelque chose? Ouais, ça Enfin, c'est des. ressemble à une espèce de petit bouton, un mi-pustule, mi-bouton. Oui, voilà, donc après, c'est eux, pour elles, pour les filles, elles sont pas censées s'imaginer que ça peut être ça ou pas. Après, c'est juste l'histoire du mollusque qui bouge, mais. Bah, les filles ont sans doute compris que tu t'étais pas d'un coup dit, tiens, je vais aller ausculter la petite fille qui a l'air malade. Oui. Mais pour l'instant, tu n'as pas pris le temps de leur en parler. Et si tu veux le faire là tout de suite, à haute voix, il y a la petite quand même qui est devant toi. Ben, c'est ça qui me gêne, c'est que je veux pas dire devant la petite qu'elle est infectée, enfin qu'elle a le qu'elle est dans la merde. Parce que de notre côté, en tant qu'hospitalier, enfin, si je réagis basiquement, il faut que je la stérilise, quoi. C'est au revoir, madame. Ah non, mais de toute A façon, priori, c'est le seul moyen. va falloir le faire. Voilà, donc en gros, je suis un peu, enfin, moi de mon côté, je suis un petit peu embêté parce que, voilà, c'est On un parle de enfant, enfin, tuer c'est une un enfant, enfant. quoi. Voilà, c'est une enfant, donc. Tu vois la petite à son Du coup, regard qui commence à devenir inquiet. Alors je lui demande, je lui dis, écoute, dis-moi, c'est... Alors je sais que tu peux pas forcément parler, mais je vais juste te poser des questions, tu me répondras par oui ou par non. Je vois que tu as des petits boutons sur le corps, est-ce que tu as ça depuis toujours ou c'est venu il y a très peu de temps? Enfin, c'est depuis toujours ou pas? Je vous s'il y a des oui ou non. Elle répond pas. Tu vois, elle te regarde, elle... Vous commencez à lire un semblant de panique et voire de peur dans ses yeux. Elle est inquiète. Je dis non, mais t'inquiète pas. J'ai besoin de savoir parce que si je dois trouver un traitement, il faut que je sache si tu as ça depuis longtemps ou pas. Donc, est-ce que ça peut être une petite infection de la peau, ça peut être, je sais pas, peut-être que tu auras attrapé ça d'insectes, puisque a priori ça. Elle se met à tourner la tête vers toi, Abby, et toi, Mokosh, dans l'espoir d'obtenir une espèce d'approbation en mode écoute ce qu'il dit. Oui, totalement. Ouais. D'accord. Moi, genre, en essayant un peu d'être rassurant, genre, l'ennemi, je m'approche d'elle. Enfin, j'essaie D'accord. de me coller non plus, mais voilà, tu Tu vois, ça la rassure. Elle a confiance en toi, et donc, dans ce cas-là, elle commence à répondre à ta question. Tu vois, en effet, lorsque donc la question qui était est-ce que c'est là depuis toujours ou apparu récemment, elle répond non. Ce qui induit donc que c'est en effet apparu récemment. vois. Ok. Après, vu qu'elle peut pas parler, c'est un peu délicat de lui demander depuis combien de temps? Genre, ça fait, enfin, enfin, faudrait que je trouve une question bête. Ça fait quelques jours? Elle fait non. Quelques mois? Elle rejette un coup d'œil en direction de Abby et Mokosh et puis elle fait non. Alors, quelques années? Elle fait non. C'est arrivé aujourd'hui? Elle fait non. J'y manque quoi là? La semaine? Elle fait oui de la tête. Oh putain! Donc ça fait quoi? Une semaine? Elle fait non. Deux semaines? Avec sa main, elle fait une espèce de vague en mode plus ou moins. Ok, ça fait 2 semaines. Du coup, moi, instinctivement, je me mets en mode, ça fait un peu plus d'une semaine que que Josh a disparu. Donc, en gros, est-ce que les appa enfin les trucs bizarres sont là depuis que, en gros, elle est malade. Donc, elle est pas née, enfin, en soi, elle est, enfin, elle est pas née avec. Du coup, si c'est arrivé il y a quelques semaines. Je sais pas, c'est vrai Ou que vous, alors. les hospitaliers, vous étudiez, pour l'instant, t'as surtout appris à gérer les épidémies, à éviter. Mais tout ce qui concerne les enfants, vous en parlez pas trop. A priori, c'est loin d'être répandu. Mais c'est vrai qu'on vous a jamais vraiment dit que c'était pas possible de naître avec. C'est même plus ou moins, l'inverse, c'est même plus ou moins indiqué. Mais au niveau de la population, ça fait pas bien de dire que Oui, qu'il pourrait y avoir des naissances qui soient déjà contaminées par ça, quoi. Oui, non, surtout en termes d'image, avouer publiquement, éviter de propager des infections, ça passe, mais tuer des enfants, Oui. j'imagine que ça reste plus ou moins secret. Ah, j'avoue que là, je regarde un peu les autres en essayant quand même cacher mon regard à la petite, mais genre, malheureusement, là, j'ai pas trop quoi faire. J'imagine quand même qu'on a compris de quoi il était question en nous, maintenant, complètement. Bah, a priori, encore une fois, vu que vous étiez parti à la chasse au Ferromancien, oui. Ouais. Mais il vous a rien dit pour l'instant, donc vous savez pas exactement de quoi il en retourne. Oui, mais on comprend qu'il y a un problème avec elle, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, j'essaie d'avoir un regard. Voilà, genre, Vous je sais pouvez pas aussi où est-ce partir et qu'on en par discuter rapport à ensemble, moi. hein. Oui, du coup, je Ouais, dis, bah bah, écoute, si tu tu vas permets rester une avec question. eux. Vas-y. Tu peux me permettre une question? Est-ce que t'aimais bien Josh? et Harry et tout ça. Tu la vois, elle fait une espèce de haussement d'épaule, l'air de dire ni oui ni non. Ouais, s'en fout quoi. Elle a pas l'air convaincue. Ouais, d'accord. Ça penche presque même plus vers le non. Tu sais pas trop. Et Ed stuff aussi, pareil. Elle fait oui. Oui, c'est-à-dire, genre elle aimait bien. Oui, comme les autres quoi, la même chose que les autres. Elle fait oui à Gossed, à Toric. Ah d'accord. Et moi. Elle te regarde et elle fait oui. Oh, c'est cool. Merci moi aussi, je t'aime bien. Du coup, je dis tiens, si tu veux, je vais juste sortir un petit peu avec Abby. Est-ce que ça te dérange pas de rester avec Mokosh? Vous pouvez discuter tranquillement, y a pas de souci. C'est en théorie, Mokosh peut venir avec vous. Hein, ça évitera de mettre un joueur à l'écart. Oui, mais tu veux, non, mais juste parce que tu veux laisser la petite toute seule, alors qu'elle est quand même. Enfin, j'ai senti qu'elle est un petit peu. Un peu sur la défensive, je me dis, c'est bizarre, les trois personnes qui vont sortir pour discuter, re-rentrer dans la pièce. Ouais, j'avoue, ça fait vachement bon. Okay. Non, d'accord. Dans ce cas-là, Mokosh. Non, c'est pas pour l'isoler, Mokosh, c'est vraiment pour qu'elle se sente pas genre. Attends, on va discuter, on revient juste après. Parce d'accord. Que j'ai l'impression dans quand ce même cas-là, Mokosh, je vais te demander de retirer ton casque. D'accord, bye bye. Okay. Je te renverrai un message lorsque ce sera bon. Check la conversation de temps en temps. Du coup, ben, je sors avec Abby. Très bien. En sachant que j'ai choisi Abby, c'est pas pour rien, c'est parce que. Vous ouvrez la porte et vous sortez. Voilà, et donc elle connaît bien. Putain, je me rappelle. L'Aïeul, pardon. Donc du coup, c'est pour ça que je choisis que ce soit Abby. Et puis je dis, voilà, la petite, tu te doutes que j'ai quelques appréhensions par rapport à elle. Et effectivement, elle est contaminée. Et du coup, si je dois m'en référer à notre procédure, elle doit mourir. Mmh. Maintenant, on est dans une situation où c'est une enfant. Si ça avait été un adulte, j'avoue que j'aurais pas réfléchi trop longtemps. Pour les enfants, c'est quand même plus délicat. On est dans un village, toutes les personnes sont attachées à cette petite. Elle est mignonne, hein. Donc ça, c'est pas simple. La situation est compliquée. En effet. Cette petite, c'est un petit peu tout ce qui symbolise l'innocence du village, enfin, aux premiers abords. Un peu l'espoir, quoi, l'avenir, quoi, le futur, quoi. Donc, C'est ça, et puis elle est mignonne, elle a l'air gentille. Et donc là, vous vous retrouvez réunis devant sa maison à décider de si oui ou non elle doit vivre. Clairement, elle est contaminée, donc je sais pas du tout comment ça marche ton truc, là, parce que... Bah, disons que en soi, chose, d'après si ce... En effet, c'est un sujet qui reste relativement obscur. Oui, oui, c'est pas le genre de choses dont vous êtes extrêmement au courant. Donc, je disais, oui, enfin, genre, si jamais, je sais pas, genre, si elle peut contaminer les autres ou pas, bah, tu l'as, quoi. Alors, elle ne peut pas contaminer. Je te préviens, Gossed, hein, toi, enfin, Toric, par rapport à tes connaissances. Oui. Ça ne peut pas se propager comme ça. Mais en effet, en grandissant, elle risque de devenir de plus en plus dangereuse. C'est ça le problème. Après, clairement, pour l'instant, c'est pas forcément extrêmement le cas. Même si, suppose qu'elle est certainement liée à la vague de mort qui a survenu ces derniers voilà, temps. En tout cas, mais, c'est lié forcément, oui. Et ça touche certaines personnes, et bizarrement, les personnes qui mais sont il s'agit certainement pas d'un monstre qui est capable de rendre une terre infertile rien qu'en la convoitant, de déplacer des nuées d'insectes. Bon, voilà. Oui, ou alors après, elle fait c'est Pas pour l'instant, en tout qu'elle cas. peut faire inconsciemment si elle l'oriente plus. Voilà. Après, ce qui est bizarre, c'est que il y a une araignée qui tombe sur Mokosh, Mais déjà, en plus, on alors sait que pas s'il y a un lien avec ça, de toute façon. Oui, mais bon, Oui, c'est quand même assez bizarre totalement. Mais que vous on retrouvez sait pas s'il y a un clairement lien face à une ou pas. situation que vous ne maîtrisez pas. Oui, là, honnêtement, c'est compliqué. C'est Et compliqué. malgré que, selon toi, théorique, ce soit, il s'agisse donc d'une contamination, on parle quand même de tuer un enfant. Donc, c'est vrai que. Ben c'est ça, c'est pour ça que pour moi, c'est quand même difficile. Parce que même malgré que je sois un hospitalier, déjà, je suis un jeune hospitalier, donc je n'ai pas une expérience très grande de tout ça. Et clairement, être confronté à un enfant qui est atteint par la maladie, c'est pas souvent. Et en plus, ça tombe sur moi. C'est la première fois en effet que tu es confronté face à ce cas. T'avais jamais rencontré d'ophiromancien avant. Tu en avais entendu parler. On t'a entraîné à réagir face à ce genre de situation et tout simplement c'est éliminer la menace. Si elle est dangereuse, tu vas prévenir les préservistes. Les préservistes Voilà. viennent et brûlent tout. Bah, à la limite, on va les Voilà. prévenir et tant pis. Hein. Enfin, je vois, genre, ça me paraît compliqué comme situation. Moi, j'ai aucune idée des conséquences que peut avoir à chacune des décisions. Moi, j'ai pas un spectre Mais de vision aussi large là, que en toi. gros, je te dis Aucun que d'entre vous, si là, on a. clairement, n'a été des conséquences exactes de ce que vous pourriez choisir. En gros, la seule chose que je peux dire à Abby, c'est que si on fait appel aux préservistes. Cette zone-là que tu vois, le village que tu vois là n'existe plus. Il Ouais, n'y aura plus les rien habitants derrière, c'est certainement aussi. terminé. Tout ce qui aurait été en contact avec cette fille, toutes ces personnes-là vont mourir. Ouais. Parce que on ne prendra aucun risque que enfin quoi que ce soit en contaminé ou quoi que ce soit. Donc on va juste purifier cette zone, et quand on parle de purifier, c'est raser, c'est stériliser, c'est brûler, c'est tout ce que tu veux. Donc tu peux Selon toi, oublier cet Toric, endroit. que je me permets, hein, désolé, Oui, je suis assez vas-y, présent, mais dis-le. étant donné que vous n'avez pas une connaissance encore, je ne vous ai pas expliqué chaque détail de l'univers, je prends maintenant le temps de détailler certains éléments que ton personnage connaît. Et c'est vrai qu'a priori, selon la procédure qu'on pourrait éventuellement donner, ici, y a soit tu l'ignores et vous tentez a priori de partir en prévenant ou non les gens. Et donc en laissant la fille, soit vous partez, vous ne dites rien à personne et vous prévenez les préservistes qui se chargeront certainement de brûler le village et ses habitants. Soit tu tues la fille, enfin vous tuez la fille vous-même et vous ne prévenez personne. Et a priori la menace serait écartée, elle n'a pas l'air si dangereuse là actuellement, ça épargnerait le village. Mais ce sera à vous de le faire. Parce que les préservistes, tu peux absolument pas être sûr une seule seconde de savoir est-ce que oui ou non ils vont épargner le reste du village. C'est ça en fait. Tout ça Alors dépendra après, du du choix que coup, fera Clanzer, qui est leur chef. Et que tu n'as jamais rencontré. je donne ça, à, je donne les options qu'on a à Abby. Je dis, écoute, moi Très voilà, bien, c'est, tu il y lui a en ça fais comme part. option. Voilà, après, a priori, on pourra aussi peut-être aussi en parler à Mokosh, qui, ben voilà, elle a son mot à dire parce que je pense que c'est une décision qu'on peut prendre tous les trois. Après, moi, je pourrais me dire que de par mon statut, je pourrais ne décider tout seul, mais j'estime que vous avez aussi votre mot à dire là-dedans. Au loin de l'autre côté, tu vois la mère qui rentre avec la nourriture. Elle n'est pas encore à votre niveau, mais elle vient de sortir de l'auberge. Ouais, bah après, pour moi, dans un premier temps, là tout de suite, on n'est pas, enfin, ils sont pas obligés de la tuer là dans l'instant. Si on dit rien, que voilà, ils vont pas fuir quoi. Donc Voilà, après dans l'idée, on sait qu'elle est là, on peut réfléchir à ça de manière un peu plus tranquille dans notre coin. Et voilà. Bien Bah, sûr. je sais pas, habite en vite fait là comme ça là, sur le pouce. Oh, là, Qu'est-ce que t'en faut, de toute penses? façon. Je sais pas. En vrai, Tu te mets en mode j'ai pas de cœur, je m'en ai rien à secouer, on la bute et on se barre. Bah, c'est-à-dire que concrètement, pour une raison qui m'échappe, j'ai pas d'attachement par rapport à ici. Et bah, j'ai pas très envie non plus de tuer tout le monde, mais enfin, je sais pas. Enfin, ça a l'air quand même compliqué comme situation. C'est-à-dire que Après voilà. j'ai pas l'habitude de prendre ce genre de décision. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, j'ai toujours pris des décisions qui allaient au plus court. Alors là, aucune semble aller en fait, genre au plus court pour nous. Donc, dans tous les cas, il y aura des répercussions. Et je suis pas quelqu'un d'habitué à réfléchir aux répercussions que peut avoir un choix. Donc là, je suis un peu perdu, tu vois. Ah ben là pour le coup, de toute façon, quoi qu'il arrive, no, notre no, notre choix aura une conséquence qui sera plus ou moins importante. Voilà. Mais ça serait peut-être demander à Mokosh. Moi, encore une fois, tu vois, toute ma vie, j'ai juste fait au La plus gueule est court. maintenant à quelques mètres. Écoute, on fait comme ça, on laisse couler pour tout de suite parce que là on peut pas agir, on peut pas tuer son enfant devant elle, de toute façon c'est pas possible. On part. Je vais lui dire que elle a une petite infection au niveau de la peau. Il faudrait ne pas toucher surtout. Je vais essayer de concocter quelque chose pour la soigner et on va en discuter plus ce soir, enfin ou dans la journée ensemble tranquillement. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Et juste Ah ben en devant vous avec fait. de la nourriture. Ouais, bah écoutez, là j'ai regardé, effectivement, elle a une petite infection, enfin au niveau cutané, j'ai vu qu'elle avait Ah oui, la des varicelle. boutons, oui, des boutons sur le corps, genre surtout, n'y touchez pas, hein, n'y touchez pas, je vais essayer D'accord. de vous concocter Oui, quelque je lui ai dit de chose, toute façon qu'il fallait pas gratter. oui, voilà, donc je vais essayer de vous concocter quelque chose pour ça. On reviendra un peu plus tard. Mais sinon, tout Ça va bien. Tout va bien. soigne la varicelle? Je croyais qu'il fallait juste attendre. Oui, mais vous savez, vous avez toujours des petites crèmes qui permettent justement de ne pas avoir de séquelles au niveau de la peau par la suite. Parce que justement, des fois, vous pouvez avoir des petites cicatrices par la suite. Oh, Donc là, super. c'est Bah juste écoutez, merci beaucoup. pour éviter que. Bah, de rien, c'est pour moi. Bah, si vous voulez, je demanderai à la corneille de vous laisser un petit quelque chose en remerciement. Bon, écoutez, je fais ça par pure. Voilà, c'est mon côté médecin qui parle. J'ai pas besoin de rémunération particulière. Très bien, ok. Bah merci beaucoup. Bah, Et de rien. à ce moment-là, elle ouvre la porte et elle rentre. Ok. Bah du coup, donc nous on rentre puisque on a fini de discuter. Sato, enfin Ouais. Mokosh, tu es actuellement dans le bâtiment avec la petite depuis maintenant 10 voire 15 minutes. Et la porte s'ouvre et tu vois sa mère qui re-rentre. Oh, salut. Avec de la nourriture. Oh cool, Salut. j'avais faim. Non, c'est pour la petite, désolé. Bah si vous voulez, il y a vos D'accord. amis dehors, ils m'ont dit qu'ils avaient fini et que c'était bon. Ah bon, ils vous ont dit ça? Ouais, et on va s'en occuper bientôt. D'accord, ok. Bah du coup, je vais me lever et je vais y aller. Et si je peux, je prends un truc dans la Et nourriture qui est dans le lit. n'hésitez pas à remercier encore une fois l'hospitalier pour moi. Faire ça gratuitement, c'est quand même. J'avais une mauvaise image d'eux, mais finalement, c'est quand même des gens bien. Enfin, lui en tout cas. D'ailleurs, j'aurais pu devenir hospitalière. Et là, tu vois, elle commence à raconter sa vie, donc. Ouais, j'imagine. Allez, au revoir. Ouais, Et tu refermes la porte. Et tu te retrouves avec tes deux camarades juste devant. Tu vois que Toric a l'air un peu indécis. Et Abby, elle, presque perdue. Quoi de neuf ? Alors, bah, du coup, je prends la truc. Et du coup, bah, écoute, comme tu peux te douter, cette fille est atteinte de la maladie. Et donc, ce que je disais à Abby, c'est que normalement, si on fait les choses bien, cette petite doit mourir. Alors là tout de suite, j'ai pas voulu faire ça de suite parce que j'avais besoin d'en discuter avec vous deux. Donc c'est pour ça que je préférais attendre et d'avoir ton ressenti sur le truc et savoir ce que tu voudrais faire. Et du coup, je lui donne les options qu'on a. Donc c'est soit on dit rien à personne, on rentre au hospice, enfin à la justicienne et on va prévenir les préservistes qui viendront, juste raser ce village, le purifier totalement et tous les gens qui ont été en contact avec elle mourront, ainsi que cette petite. On prend la petite, on la tue nous-mêmes, soit on s'en va et on dit rien et on les laisse telles quelles. Monsieur le MJ, je me souviens pas si c'était donné dans les infos que j'ai eues, mais les anabaptistes et tout ça, ils ont une vision particulière de la maladie et tout ça, je me souviens plus. Genre c'est compris alors, dans le grand mal et tout ça ou... Il y a des chances. Après, ce qui est un petit peu la complication dans ce cas-là, c'est que ce soit pour l'hospitalier ou l'apocalyptique ou toi l'anabaptiste, on parle très peu des enfants atteints, ce qui doit être quelque chose de relativement rare. A priori, on parle toujours de la sepsie qui propage l'amorce, mais par la sporulation, donc c'est-à-dire la consommation de bourgeons de spores. Donc c'est ce qui est la drogue en fait dans l'univers de Dead Genesis. Ouais, mais en général. Et dans ce cas-là, oui, on parle plus ou moins de du mal à éradiquer en fait. Je vois. Mais là, on est en face d'un enfant, donc c'est plutôt. C'est ça. On est bien d'accord que l'enfant, lui... Normalement, on parle d'humains qui ont tellement muté qu'ils se retrouvent quasiment... Ils voilà. Ont l'apparence presque de monstres, alors, en fait. Alors qu'elle, elle a en elle depuis toujours, quoi. Enfin, elle a pas consommé quelque drogue que ce soit. Elle l'a, quoi. C'est tout. Donc c'est une personne innocente, quelque part. Donc c'est ça qui est quand même compliqué. En effet, il y a une différence majeure, c'est le fait qu'elle n'ait pas choisi de prendre un quelconque risque. Dans ce cas-là, Mokosh, je pense que je te laisse soin à ton personnage de décider. Est-ce qu'il considère que le fait qu'elle n'ait pas choisi la rend innocente, ou est-ce qu'au contraire, il considère que, étant donné qu'elle est quand même dangereuse, ou susceptible de devenir encore plus dangereuse, ça la range plutôt du côté du démiurge, le mal à abattre. Même si ton avis sera sans doute nuancé. C'est chaud. Dans tous les cas, en soi, j'ai envie de vous dire, je vous laisse débattre de votre choix et je pense que ça clôturera certainement la partie. Bah dans tous les cas, je suis Mokosh. je veux pas se mouiller. Non mais Abby elle veut pas se mouiller en fait déjà. Mais dans ce cas là si Abby suit Mokosh, ça veut dire que tu es seul à décider puisque la vie de Toric ne comptera pas. Elle peut discuter avant. Ah bon, il compte pas la vie de Toric? Bah, si jamais Abby te suit, non. Bah, vous êtes deux contre un, presque. En fond, juste avec ton avis, ça veut dire que voilà, si moi je décide quelque chose, tu décides différemment. Abby a parfaitement le droit de dire qu'elle va suivre quelqu'un. Mais en effet, dans ce cas-là, Mokosh, ça veut dire que tu sais plus ou moins que quoi que tu dises, ce sera la conclusion donnée. Vous êtes clair. C'était quoi ton avis, du coup, Tori, à toi? Bah, moi, en soi, mon côté hospitalier, dans le sens qu'il faut que les choses soient pures, propres et que machin, j'aurais instinctivement dit qu'il faut qu'elle meure. Après, comme c'est une enfant et que et de l'autre vous côté n'êtes pas aussi, des stéréotypes. Je suis un jeune hospitalier, donc ça fait très peu de temps que j'officie en tant qu'hospitalier, donc j'ai un peu la naïveté, tu sais, de celui qui... voilà. Toric, est-ce que le fait de dénoncer à tes collègues par hasard, ça te donnerait de la renommée, quelque chose du genre? Enfin, genre, il y aurait une reconnaissance? Il y a des chances. Non, ah bon? Si, quand même, il y a... Ça veut pas dire que ça va te propulser comme hospitalier de l'année ou je sais pas quoi, mais en effet, il y a. L'hospitalier, c'est quand même. C'est mon photo. C'est quand même un acte. Voilà. Disons que si moi je veux pas mouiller, si je veux être. Qui je veux dire, voilà, le mieux c'est non, on va voir l'hôpital, on va voir les préservistes, on leur dit qu'il y a un cas là-bas, ils iront, et après nous on est. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, ça te donne la renommée, on est d'accord. Ça va certainement lui attirer des faveurs. Je veux que ce soit lui qui me dise oui. Oui, non, mais moi je précise parce que Tori, enfin, Gossed n'est pas forcément au courant de tout ce que Torik sait, étant donné que je ne vous ai pas bombardé d'infos. C'est lui qui me le dit. Oui, voilà. Après, moi je me pose plus des questions. De côté non, humain ça, du ça, truc quoi. Je suis pas faite pour faire ce genre de choix. La seule chose que je vois maintenant du coup, c'est que si on fait comme ça, il y a tout de suite un retour pour toi. Du coup, bah je prends cette option là. Oui, après ça c'est son côté à toi qui ressort. Et après, je suis obligé. Moi oui non mais tu tout à fait. Dire après tu me fais le truc oui. Alors, je ne vais pas remettre de l'huile sur le feu ni enfoncer le couteau dans la plaie, mais je rappelle quand même que... En effet, c'est une très bonne manière de penser, mais c'est également le choix qui fait le plus de victimes. Oui, c'est ça. S'il faut peser le mais pour et le contre. Mais ce n'est pas à vous de le faire. C'est ça. Voilà. Quitte à choisir, moi, je pense que j'aurais du mal à tuer un enfant. Moi, personnellement, je ne pourrais pas le faire. Donc quitte à choisir, si je devais choisir qu'elle doit mourir, j'irai voir les préservistes. Parce que je pourrais pas la tuer moi personnellement. Après si l'un de vous peut le faire, qu'il le fasse. Mais moi je pourrais pas tuer l'enfant, ça c'est sûr. Voilà. Après toi t'en penses quoi Mokosh? Parce que toi aussi t'es là. Je sais pas. Bah clairement, du coup, on est en deux. En tout cas, on a deux voix, on est trois. Je veux la laisser en vie. Oui, mais ça, c'est pas nous. Tu veux qu'elle vive ? Oui. Bah toi, clairement, tu as dit que tu suivais Mokosh, donc... Oui, mais concrètement, je... Là, elle change d'avis. Elle a non, changé d'avis. C'est ce que j'ai fait en posant la question. Il faut suivre un peu la discussion. Oui, elle reste en vie. C'est ma réponse, c'est tout. Bah, elle reste en vie quand on partira du village. Par contre, sur le long terme. Non, c'est juste qu'il y avait, trois solutions. Il y avait une solution considérée qu'on allait. Il me semble. En tout cas, c'est ma solution à moi. Moi, je suis pour le retour de. Bah, après, en sachant qu'il faut peser le truc que depuis qu'elle est malade, puisque on sait qu'elle est malade depuis deux semaines. Depuis que deux semaines qu'elle est malade, les gens meurent les uns après les autres. Donc en fait, elle va vivre, mais les gens, on sait qu'il y a des gens qui vont mourir autour d'elle. Mais il y a trop de trucs là, enfin genre, je peux pas, genre vous partez beaucoup trop loin, genre on fait au plus court, le plus court c'est tu dénonces, Et du coup, ils sont contents de toi et ça t'aidera peut-être pour plus tard. Moi, j'avoue que ouais, je serais plus parti pour ça parce que en même temps, je pourrais pas vivre en me disant j'ai laissé. Enfin, ouais, je sentirais mal en fait en me disant voilà. Tant je sais qu'il y a des gens qui vont mourir quand on va partir, si on les fait mourir. Ouais, donc pour éviter qu'il y ait des gens qui meurent, tu veux tous les faire tuer. Ah mais Mokosh, genre ça ne sert à Oui, rien, mais on est ce que je me deux, dis, t'es seul. c'est qu'elle va grandir, cette petite, Elle qu'elle va va tuer. peut-être, Mais elle va arrêtez de tuer parler d'autres du gens futur, j'aime encore. pas ça. Vous pouvez pas juste vous concentrer sur demain au maximum, genre vous Et dire plus demain elle va quand elle grandir, et retourne. plus elle va être un danger de plus en plus grand, en fait. Et clairement, j'aurais participé à ça, en fait. Quelque part. Alors que je suis hospitalier. Qui combat ça? Je pense que si t'étais un vrai spitalier, tu l'aurais flingué. Non, Mais c'est ce qu'on va faire. j'aurais prévenu les gens qui sont censés le faire. Dans tous les cas, Non, ce mais qui va se moi, passer. je vais pré pour moi, je préviens les préservistes. Ah bon? T'es pas Ouais, censé les. être le gars gentil qui sauve des gens avec ton serment de je sais plus. Je sais que dans la finalité, sur le long terme, j'ai sauvé plus de gens que ceux qui vont mourir là. Parce que si elle est amenée à se développer et à grandir et à devenir après, plus tard, probablement ce qu'on veut pas qu'elle devienne, elle risque de tuer beaucoup de monde. Mais beaucoup. Non, de toute façon, Donc, on est deux contre un, donc voilà. on fait la Mais je solution veux de la pas me majorité. salir les mains en même temps. Je veux pas être celui qui l'aura tué, Oui, bah personnellement. c'est pour ça qu'on a la solution. On part d'ici. Moi, je récupère l'objet à la corneille et puis on se casse. Bon, bah écoute, voilà, ça fait deux contre un alors. Très Au bien. final, elle m'a suivi, Abby. Mais dans un intérêt, voilà, parce qu'elle pense à autre chose encore. Elle est au-delà de la vie de l'enfant. Elle voit plus loin, quoi. Mais la vie de l'enfance, de toute Bon, mais façon, voilà, c'est. monsieur MJ, on va faire ça, là. C'est votre dernier mot? Oui, Oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est mon meilleur. Très bien. Oui, Vous repartez. et comme je suis très honnête, mon dernier mot, je le dis très fort, du genre, bon, eh bien, il faut la tuer alors. Je fais une claque. Je fais un poing dans la gueule. Tu fais un coup de poing dans la gueule? Ah oui, totalement. D'accord, vas-y. Fais-moi un test. Ouais, vas-y, fais-moi juste un test de physique, lutte contre un test d'agilité mobilité. C'est De quoi ton la lutte? côté, physique lutte contre C'est la lutte? agilité mobilité. Non, attends, c'est quoi la lutte? Pardon? C'est brawl. Ah, c'est brawl. Ah oui, brawl, c'est Ouais, mais dommage. après, en même temps, elle a l'effet de surprise, parce que j'imagine que Mokosh T'en s'attend fais pas à pas. ce que. Oui, puis de toute manière, on va pas me faire mal. C'est plus sur la surprise que sur. Bah, j'ai pas. J'ai aucune envie de la tuer, hein. Oui, non, bien sûr, on parle d'un coup de poing, c'est parti tout seul. Ouais, Il c'est ça, c'est. y a pas de problème. C'est pas genre, Sinon. j'ai défoncé la gueule. Du coup, je le prends ou il faut quand même que je dise mes dés là. Donne-moi ton résultat. Trois résultats, dont un machin là. Donc trois Trois réussites et réussites un et un déclencheur. déclencheur. C'est ça, j'oublie toujours le mot. Et de ton côté, Bah deux réussites, puisque j'ai que deux jets et un déclencheur. D'accord. Dans ce cas-là, Mokosh, tu te prends quand même un coup de poing. Mais si tu veux, tu peux, on va dire, d'une certaine manière, riposter. Faire perdre Non, l'équilibre à Abby. non, je vais pas riposter, je suis pas dans l'idée de lui casser la gueule. J'encaisse et je recule juste. Ok. Je lui Tu donne le pas prends le le coup. coup, tu. En essayant de rester neutre. Tu te laisses frapper et ouais, tu Genre, tombes. je regarde un peu Ouais. honteusement le sol. À ce moment-là, t'as la porte de la maison qui commence à s'entrouvrir et la tête de l'aïeul qui dépasse de l'ouverture qui fait. Quoi? De non, on parlait entre nous. Ouais, on parlait entre nous, courait. Quoi? Veux. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Rien du tout, en fait, on était en train de parler d'un problème vous qu'on a dans la forêt et... Elle te regarde, Mokosh. Elle dit encore des, elle a encore, elle nous dit encore des bêtises à chaque fois et Abby en a eu ras-le-bol, elle a mis une mandale. C'est des choses qui arrivent. Oh, ça fait souvent, on en arrive là, vous savez. D'accord. Quand vous vivez avec des gens, il y a des fois où ça dérape, hein. On peut pas toujours. Ouais, c'est toujours, la vie en couple. En couple, en trio. C'est un ménage à trois. Hein. Ne détaille pas tout, voyons, Tori. C'est comme ça, il y a des moments où on est déçu par les gens, c'est tout. Ouais, c'est la vie. Et sinon, du coup, vous repartez quand, vous savez? Je dis ça comme ça. Hein. Dans pas longtemps. Ouais. D'accord. Vous avez trouvé ce qui s'était passé? Non, on va rester encore un peu histoire de chercher. On va peut-être faire quelques expéditions, je pense. D'accord. Bon, bah écoutez. A priori, il y aurait des petits insectes. On a trouvé des. Là, vous voyez qu'il lâche un petit sourire un peu gêné. Bonne chance. Ouais, et puis, ouais, il referme la porte. Tiens, ça t'a entendu, mais je vais te. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, clairement, on est dans une situation où les mots qu'ont lâché Mokosh, on ne sait pas trop si elle a entendu. Si elle a entendu, ça va être problématique parce qu'elle risque de se barrer avec la petite. Elle laisse tomber, elle est trop débile pour avoir compris. On est loin de la justicienne, comme ça, là, au niveau du trajet. 3 jours de marche. 3 jours de marche. Est-ce que au pire il y en aurait un qui puisse se barrer après tester, en théorie etc. En 2 jours voire 1 jour et demi sans dormir tu pourrais atteindre une ville où tu sais qu'il y a une station de radio car ça existe, il y a des moyens de communication à distance dans des Genesis mais ça coûte extrêmement cher et c'est extrêmement rare. Mais tu connais un contact qui pourrait éventuellement te permettre. Donc vu que je pars du principe que normalement vous dormez. En soi tu pourrais y aller du coup en 1 journée et demie si tu prends le soin de ne pas dormir. Parce que je me dis, si jamais tu me dis que c'est extrêmement cher et extrêmement rare, mais dans un cas comme ça, est-ce que... Oui, et c'est ça, tu pourrais parfaitement venir... Non mais je parle pas d'acheter la radio. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement rare et cher peine, que c'est pas commun. Mais dans ce genre de cas, tu peux réquisitionner. C'est en fait, elle se trouve auprès d'un groupe de chroniqueurs. Tu pourrais réquisitionner leur radio okay. Juste pour passer un coup de fil. Je peux proposer aux autres, si pour être sûr que envoyer un message, je peux pas que je parte à la station la plus proche et que je signale ça aux préservistes, mais qu'elles doivent rester ici. Et surtout pas Mokosh, hein, si quelqu'un doit rester, c'est Abby, pour surveiller qu'elle ne se barre pas, la petite. Quoi. Mais forcément, ça va éveiller des soupçons, parce que si moi, je disparais, voilà quoi. Ils vont dire, tiens, vous restez, lui se barre, comment ça se fait? Allô? Oui, oui. Ah oui, mais... Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais pas demander à Mokosh, parce que t'as clairement décidé que... mais c'est pour ça que je réponds pas. Je me considère déjà hors de la discussion. Abby, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque de se dire que elle a pas entendu et on s'en va et on y va normalement? Où on fait ça? Je sais pas. C'est... Vous avez décidé de me poser les pires questions que vous auriez pu me poser ces derniers temps. Mais en même temps, je peux le poser qu'à toi, parce que si, je vais pas dire à Mokosh, on sait qu'elle a pris cette décision, donc ça ne peut être qu'à toi que je pose cette question. Est-ce que toi, tu te sens de rester là, seul avec Mokosh, pour en attendant que j'y aille? Ouais, on va faire ça. Quitte à ce qu'à un moment donné, tu prennes la décision, si elle bouge, de tuer la petite. Que ça peut arriver, hein. Faut en être conscient. Je reste sur le moment, mais ouais, on va faire ça. Ok, on va faire ça. D'accord. Le trajet jusqu'à la prochaine station, c'est quand même safe ou ça peut être dangereux? Il y a très peu de chances que tu te fasses agresser sur la route. Tu risques, enfin, c'est toujours des coins un peu dangereux en termes de géographie, tu vois. C'est des chemins qui sont défoncés. C'est fatigant de marcher comme ça en permanence. T'imagines marcher pendant quasiment un jour et demi sans arrêter, quoi. Donc, toi, physiquement, tu risques d'en prendre un coup. Et il te faudra certainement plusieurs semaines à l'hôpital pour reprendre de ta superbe, mais après non, il y a peu de chance. C'est pas un coin extrêmement dangereux, tu vois. Vu qu'il y a très peu de passages, il n'y a pas de risque de tomber sur des bandits. Et vous êtes à l'opposé des clans. Et les clans, normalement, c'est vraiment le danger principal, le plus grand. D'accord. Donc en gros, la seule chose qui peut m'arriver, c'est soit je me blesse le chemin en lui-même, soit je vais juste être épuisé, il va me falloir plusieurs jours. La pire chose qui pourrait t'arriver, c'est de te tordre la cheville dans un fossé et te casser la gueule et te péter un truc. Mais enfin, ça, le MJ est super sympa et ça ne m'arrivera jamais. Alors, ça pourrait arriver. Mais après, ça t'est jamais arrivé pour l'instant. Pas au début, hein. Ah ça risque de se jouer au dé. Avec un taux certes très très faible. Oh non. Mais ça risque de se jouer quand même. Écoute, je me dis qu'il en va de la vie de plein de gens dans le futur. Hein, j'entends bien, parce que là, oui, j'ai clairement fait une croix sur tous les gens qui vivent ici. Donc, mais je me dis, dans le futur, je vais sauver des gens. Hein, parce que très bien. Petite, elle va pas rester comme ça, toute mimi, toute sa vie. Dans ce cas-là, on part du principe que tu vas à l'auberge, tu prends quelques ressources pour éventuellement vite fait bouffer avant de partir et tu te casses direct. Oui, et en sachant que c'est moi qui porte la tente de base, donc je vais quand même prendre la tente. On sait jamais si pour X raison je devais m'arrêter, juste par précaution. Mais oui. Tu vas prendre ta quoi après... La tente. D'accord, ok. Mais la tente, je la porte tout le temps, la tente, de toute manière. C'est moi qui est censé la porter. Ouais, mais ça va te ralentir. Pareil, c'est ce que j'allais dire. Si tu veux prendre ton fusil à fungicide, ça va te ralentir également. Oui, mais de toute façon, j'ai pas de munitions pour mon fusil, donc ça sert à rien. Enfin, pour l'instant, t'es pas là en acheter, non. Et étant donné que cette mission n'avait rien d'une mission de combat, je t'ai pas proposé d'aller faire avant de partir. Oui, mais donc, peux très bien leur laisser, ils peuvent te le ramener. Hein. Oui, je vais faire ça, de toute façon. Je vais faire ça, je vais pas le prendre. De toute façon, j'ai rien à mettre dedans, donc ça va. Comment ça? Comment ça, c'est... Non, je parle pas de toi. Ah, d'accord. oui, non, je laisse le fusil. En fait, je vais essayer. Il faut que j'amène le strict minimum de survie. Puisque forcément, d'accord. Je vais me mettre en. Donc voilà. Tu pourrais, éventuellement, si tu veux vraiment avoir les mains. Non, je pense que tu vas prendre ton dilacérateur quand même. Ah oui, non, mais ça, c'est hors de question que je... Parce que très bien. On sait mais jamais ce qui peut m'arriver. Mais... Tu déposes ton fusil à fungicide? Oui, pour gagner, d'accord. Pour gagner du poids, pour pas être... Tu te rends en direction de l'auberge. Tu vas au niveau des chambres, tu déposes, tu fais le transfert d'affaires. Et donc, tu récupères la tente? Sachant qu'a priori, une jour et demi, je l'avais dit, c'est si jamais tu ne dors pas. Bon, je vais la laisser. D'accord. Tu descends, j'imagine, tu récupères quand même, tu achètes 2-3 ressources, finalement, la corneille te les donne. Oui, enfin, le pivert te les donne, autant pour moi. Ouais, le pivert, ouais. toute façon, oui, après, moi, je prétexte voilà, que je dois aller là-bas, je dois aller faire quelque chose pour en fonction par rapport à Ok. l'enquête. Voilà. Tu vois que le mec, c'est pas son rôle de te contrôler, il t'accorde ça. Il te fait même pas payer, parce que pour l'instant, vous C'est êtes gentil. des hôtes. Et puis, il voit bien que t'as laissé ton fusil, machin, tes affaires, donc Oui, je vais il revenir, te laisse quoi. partir. Bon, bah, je pars. En partant donc du principe que tu t'en vas. Ouais. Maintenant, ma question va être simple. Théorique, tu peux désormais écarter de la discussion. Enfin, tu restes là, hein, mais voilà. Mokosh et Abby, que faites-vous pendant ce temps-là? Vous surveillez juste la maison? Il faudrait, mais il faudrait aussi Elle que tu surveille la maison. Mais c'est ça le problème, c'est que du coup, il faut quand même qu'avant que les autres arrivent là, parce que du coup, il va passer l'appel, tout ça, il faudrait que j'ai le temps de demander du coup à l'objet, à la corneille. Après, dans l'idée, un jour et demi, plus le temps que les préservistes arrivent, on part sur Mais. quasiment 4 jours, on part quand même du principe que elles vont se déplacer, elles vont se Oui, déplacer dans la la seule ville pour. personne qui est avec moi, c'est Mokosh. Je ne peux pas lui faire confiance sur ce coup-là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont se Oui, rendre dans oui. l'auberge le soir pour aller manger, donc là, tu pourrais voir la corneille. Oui, mais il faut pas quand même que je reste vigilante parce que j'ai pas confiance en Mokosh. Bien sûr. Elle va aller voir partir, elle va faire non. J'ai rien J'ai vu. rien vu. Non, Très fais-moi bien. confiance. Oui, bien sûr. Passez donc la journée devant la maison? Pas genre devant, juste devant, parce que bon, les mecs vont Ouais. cramer, quoi. Vous faites ça de manière discrète. Non, mais d'accord. Mais Vous ouais, essayez de genre. faire ça de manière discrète. Même genre changer de position de temps en Toutes temps, les tu deux vois. passent la majorité finalement de la journée à l'intérieur même du bâtiment. Donc, l'auberge, j'entends. Donc, vous les rejoignez là-bas. Tout de suite, c'est vachement moins suspect, même si les gens se demandent un peu ce que vous êtes en train de faire. Et certainement pas d'inquiéter. La corneille vient vous voir d'ailleurs le soir même. Il fait excusez-moi, il est où l'autre? Ah, il a dû partir, il avait une urgence à régler en dehors de notre groupe. Vous savez, on n'est pas toujours tous ensemble. Fais-moi un jet de psyché. Ça va aller. Attends, ça va être soit ruse, soit. Je te demande Ruse. juste 2 secondes parce que je suis un petit peu fatigué, là, un peu tard. D'aller relire vite fait Ruse, si c'est ruse, ruse ou tromperie. ruse, ruse, ruse, ruse. Enfin, si je me trompe pas. Attends. C'est quoi déjà la traduction? Oui, c'est ça, russe, russe, russe. Putain, ils sont où ces putains de compétences? J'ai fait une blague. Alors, ruse, ça pourrait être ça, et tromperie. Non, ça va être. Ah, en même temps, mensonge. Mais non, ça va être Ouais, je russe. te laisse au choix, soit ruse, soit tromperie. Bah, russe, j'ai 6 dés, attends. Vas-y, vas-y. Je vais me faire plaisir. Alors, 1, 4. J'ai 4 réussites, dont un. Déclencheur. Merci, que ça commence à faire tard. Pas de soucis. Ouais, je sais, ça devait pas durer aussi tard, Non, on va mais essayer de faire t'inquiète, il n'y vite. a eu aucun souci par contre. Tu vois, tu commences à les parler et puis il commence à flairer un truc un peu louche. Mais en fait, c'est juste du vieil cornet, il vaut plus rien ce mec. Tu sais exactement comment, quels sont ses points d'attaque, on va dire, en termes de dialogue, et t'arrives à l'embobiner complètement. Yes. Mais vraiment complètement, c'est. Voilà. Après, il est toujours un peu sceptique quant au fait que vous soyez pas en train de fouiner, quoi. Mais donnez-nous 2 secondes. Bah, excusez-moi, non, c'est juste que ça fait une journée qu'on vous voit là. Mais. Oui, mais en même temps, vous comprenez que la personne la plus compétente d'entre nous a été rappelée par ses supérieurs. Non, bien sûr, bien sûr. Et malheureusement, Mokosh et moi avons moins de connaissances là-dedans. Je comprends, je comprends. Ouais, on peut moins choisir qui tuer. Après, bon, ça, on peut vous héberger quelque temps, il n'y a pas de souci, mais déjà qu'on risque de pas avoir de quoi nous nourrir nous-mêmes, si ça devient vraiment trop long, Y a il pas faudra de qu'on vous problème. fasse payer, hein. Je suis désolé, mais. D'ailleurs, Ça tombe bien, une cigogne vous a prêté quelque chose. Elle m'avait demandé d'ailleurs en passant par ici si vous pouvez récupérer son bien. Elle m'a rien prêté, mais non, je vois ce dont vous parlez. C'est l'herne, c'est ça? Oui. Ok, tu vois qu'il s'envoie dans l'arrière-salle. Et il revient avec une espèce de papier sur lequel il y a un sceau en forme d'oiseau pour sceller la feuille. Tenez, vous lui apporterez ça. Ok. Dites le temps. Je le mets dans ma poche. Il vous paiera vos lettres de change une fois que vous l'auriez rendu. Enfin, en tout cas, voilà. Il m'a dit que c'était à lui de payer le messager. Ok. Bon bah écoutez, excusez-moi, j'ai du travail. Et vous voyez qu'il s'en va. Bientôt va tomber la nuit. Est-ce que vous voulez aller dormir à l'étage? Ou est-ce que vous allez rester devant la maison? Moi je vais dormir. Tu vas dormir à l'étage? Oui, moi personnellement je vais dormir. C'est la surveillance, je la fais limite juste parce que je veux pas être solo. Ok. De ton côté, qu'est-ce que tu fais, Abby? Sachant que si on part du principe que l'appel de Torix sera passé dans un jour et demi, ensuite que... comment dire? Le temps que les préservistes arrivent, ça pourrait prendre jusqu'à 3 jours maximum, tu penses? Tu sais pas exactement. De toute façon, il faut bien que je dorme à un moment ou à un autre, mais... C'est ça. Donc, est-ce que tu prends le temps de dormir cette nuit? Je me dis que plus on va rester longtemps seul, plus ça va monter sa suspicion, je pense, donc mieux vaut que je prenne le temps maintenant de dormir et rester plus aux aguets plus tard. Du coup, ce que je vais faire, c'est tu sais, me faire une petite balade avant d'aller me coucher. Je passe devant chez elle en regardant vite fait si tout va bien. Et je vais compter sur la chance, pourquoi pas. D'accord. De toute façon, je pourrais pas tenir 4 jours sans dormir. Donc, A priori, non. Torik, fais-moi un jet de instinct orientation et envoie-moi le résultat par MP. Okay. Il s'est perdu, il va se retrouver en Afrique. Mokosh, est-ce que tu tentes quoi que ce soit? Tu veux tenter quelque chose ou pas du tout? Non. Genre pendant que Abby dort, tenter de te réveiller pour les prévenir Non, je suis pas non plus traître à ce point. Ok. Ah. T'as vraiment eu du bol, toi, hein? C'est ça, hein, t'as vu ça un peu? Bon. Vous ne le savez pas en théorie, mais on va pas gâcher le suspense plus longtemps. Torik arrivera finalement à retrouver cet endroit où il s'était rendu une seule fois dans sa vie, mais qu'il avait imprimé dans sa mémoire. Et il va pouvoir contacter les préservistes. T'es quand même passé à 1-1 de faire un échec critique. Ben c'est ça. Mais en même temps, je savais parce que j'ai que 3 dés. Ah, c'est pas un souci de dés. Y avait pas de succès à obtenir. Si tu faisais 2 succès ou 8, ça changeait rien. Fallait juste pas faire d'échec critique. Mmh. Mais bon, quand j'ai vu le 1 se mettre là, ouais. J'ai dit oh punaise. Ouais, on passe sur une égalité. Mais donc, du coup, c'est pas un échec critique, ça, donc ça va. Ça c'est annulé. C'est ça. Mais bon, ouf. Ça aurait quand même été une fin de merde. Retrouver Torik, tu sais, à moitié bourré dans un fossé. Une là, semaine là, plus tard. On prend le principe que ouais. Je suis arrivé dans quel état là-bas? Alors par contre, clairement, l'état dans lequel t'es arrivé, il est pas bon. Hein. T'es fatigué. Ouais, puis j'ai fait ouais. T'as quasiment bouffé en courant. Surtout que ta combinaison, elle est bien, mais au bout d'un moment, t'as super mal aux pieds, t'es crevé. T'en peux plus, ça fait quasiment un jour et demi que t'as pas dormi. Déjà que vous étiez réveillé tôt avant. Et surtout, t'as couru quasiment tout le temps. Alors évidemment, la plupart du temps, t'as surtout marché pour voilà. Mm-hmm. Maintenant, voilà, t'as couru et tu t'es déplacé en fait quasiment sans pause pendant presque plus de 24 heures. La question résiste. Donc ton personnage, quand il arrive clairement dans l'alcôve des chroniqueurs, ils sont tous là en train de taper des trucs au niveau de leur moniteur, de trifouiller des artefacts, d'échanger des informations ouais. avec des ferrailleurs. Et il y a la porte qui s'ouvre. Ta silhouette qui commence à rentrer dans la pièce, qui a du mal à marcher, qui est à la limite de boiter. T'arrives presque pas à parler. T'as certainement pas assez bu pour l'effort que tu viens de faire. Et t'arrives quand même à envoyer ton message. Puis tu t'écroules. Tu te réveilleras sans doute plusieurs heures plus tard. Évidemment pas remis, hein, et on parle d'un repos de plusieurs jours qui sera nécessaire. Oui. Mais bon, t'es quand même capable de te réveiller. À ton réveil, d'ailleurs, quelle sera ta première action? Tu comptes retrouver les otages justiciennes ou te rendre de nouveau à la ville en attendant les préservistes? Bah, honnêtement, je me dis que le temps que moi j'aille là-bas dans des conditions normales, de dire que si je dors pas, si machin, il me faut combien de jours du coup? Là, on va parler de 2 jours. Avant les préservistes, je serai avant les préservistes. Après les préservistes, dans ton message, t'as pu leur demander de te retrouver ici. Ah, et que qu'ils m'emmènent là-bas directement aussi. Oui, c'est aussi. Oui, bah, très à la limite, bien. Ouais. Si je vais leur demander ça, je vais essayer de me reposer un maximum pour être quand même. Voilà. Alors, eux, j'imagine qu'ils ont des moyens de locomotion. Ils viennent pas à pied. Le jour où, en effet, les préservistes arrivent, tout de suite, lorsque t'entends leurs chevaux dans la cour, ça jette un froid au niveau de l'alcôve. Les ferrailleurs se taisent. Ils ont quand même cet aspect extrêmement inquiétant. Lorsqu'ils commencent à rentrer dans le bâtiment pour venir te chercher, tu sens que. Voilà, ça. Un silence de mort, quoi. C'est quasiment ça. C'est voir des préservistes synonyme de. C'est pas bon. Mauvais présage. Oui. Tu te rends avec eux et tu pourras effectuer la fin du voyage à cheval. Tu remarques en effet que les préservistes ont une manière de penser beaucoup plus extrême de la tienne. Tu vas leur expliquer en détail. Tout ce que tu sais. Et heureusement pour toi, tes informations ont l'air de, on va dire, leur plaire, de les satisfaire en tout cas. Pas forcément dans le sens où ça les rend heureux, mais dans le sens où c'est, t'as pas déplacé pour rien. Tu vois. Ouais. Parce que t'imagines très bien que si jamais ce que tu leur avais donné, ça les aurait pas, comment dire, convaincu, et t'aurais certainement fini dans un fossé et passé à tabac, et puis voilà quoi. Ouais. Gros, oui, c'est quand même vérifié mes infos, j'ai pas balancé c'est ça. N'importe comment. Non, et puis mine de rien, t'es pas un mauvais médecin, ils ont confiance en toi. D'ailleurs, étant donné que t'es pas encore spécialisé, ils essayent plus ou moins de. Enfin, tu comprends que de tu faire pourrais. Venir du côté obscur. C'est un peu ça l'idée finalement, ils sentent que t'as quand même des dispositions. On te félicite même d'avoir accepté sans aucune limite morale de dénoncer un enfant. Après, de votre côté, je vais forcément leur dire que voilà, que j'ai eu du mal. Hein. Bah bien sûr que non. D'un autre côté, Mokosh et Abby, j'imagine que vous avez continué votre surveillance. Ouais, même si comment dire, je me dis que genre si je passe 4 jours à juste la suivre, elle va le voir. Du coup, le mieux, c'est genre lui laisser des trous, tu vois, genre de pas être là à 24. Ouais. Très bien. Comme ça, genre, si par exemple, je sais pas, 14h, elle se retourne, elle me voit pas, elle se dit pas, ah tiens, oui, tiens, puis, tu pars du principe que si la fille s'enfuit, la mère avec. Ouais. Donc, tu te permets aussi de les surveiller chacune à tour de rôle, ce qui paraît tout de suite moins. Voilà. Suspect, ouais. Par exemple, lorsque tu sais que la mère est avec un client, tu sais qu'elle risque pas de s'enfuir. Oui. Et tu prends juste ton temps d'aller faire autre chose. Vous faites également semblant de mener des inspections, même si vous sentez quand même un espèce de froid entre vous. Mais justement, dans le dans les moments trous, en fait, genre je laisse une heure ou deux tranquille. Puis comme ça, c'est je rends Mokoche un peu heureuse, comme ça je leur laisse une fenêtre d'ouverture. Mais tu vois, genre quand je laisse au moins une heure ou deux tranquille, on fait genre on va partir dans la forêt faire des inspections, ce genre de choses, quoi. Ouais. Comme ça on revient et eux ils nous voient pas juste rester là à planter, c'est vrai ça serait trop suspect sur plusieurs jours. Ouais. Bien sûr. Étant donné l'heure et la durée de la partie qui était absolument pas prévue durer autant longtemps, je vais pas détailler cette partie. J'aurais pu tenter. Non, mais bon. Y a pas de soucis, t'inquiète pas. Enfin, de mon côté, il y en a pas. Simplement, à la matinée du quatrième jour, tu vois Torik qui vous attend en bas de l'auberge le matin alors que vous allez prendre votre petit déjeuner. À son regard, tu comprends que il est temps de partir. Vous allez récupérer vos affaires. Est-ce que, du coup, on peut essayer de choper les lettres de change ? Tu veux tenter de vider la caisse ? Bah, d'un côté, ils ont demandé de retrouver Josh. On l'a retrouvé. On pourrait avoir notre paiement. Ou alors la moitié, parce qu'on n'a pas réussi à résoudre l'affaire, mais... Ah, donc tu vas demander à la corneille... Je sais pas. Ouais, mais c'est... Non ? Très bien. Ouf. La corneille t'accordera la moitié de la somme, étant donné qu'en effet, vous n'avez pas résolu... Ça fait 100 chacun. C'est ça. Ce qui fait 300 lettres de change en tout. Ouais, donc 100 chacun, ça change à 603. Et je donne tout à Mokoche, parce que je l'aime quand même. Mokoche, tu vois Abby qui essaie d'acheter... Non, mais même, tu vois, genre dans les 4 jours, tu vois, j'ai tenté petit à petit, genre un peu... Ouais, j'imagine. Comment est-ce que tu réagissais, Mokoche ? Est-ce que t'étais encore en froid pour l'instant ou... Je vais décrire ça par la simple réaction de quand elle me donne l'argent et ça devrait me patrouiller. Je prends l'argent, mais je fais genre que je lui parle pas. Je prends juste l'argent. D'accord, ok. Ouais. Ensuite, vous rejoignez Torik. Vous lui rendez son arme, vous... commencer à repartir. Oui. Tu lui as donné tous les sous ou tu me, da- non, tu me sans, donnes 100 à moi je donne les sous. Alors, tu lui as donné ta part en fait. Tu lui as donné ta part. Non, de toute façon, Torik, qu'à ce moment-là, tu n'étais pas là. Mais c'est pour ça, c'est pour ça que je demande. Pas, on détaillera tout ça à la fin. Non, mais en gros, j'ai donné 100 à Mokoche. Et donc, vous êtes là en train de repartir, vous traversez le village. Ce village complètement bouseux, perdu, oublié. Personne connaissait son existence il y a 8 ans et tout le monde l'oubliera désormais. Lorsque vous empruntez le chemin en direction de la sortie, Mokoche et Abby, vous apercevez tous les préservistes qui sont là. Ils attendent. Les gens dorment. Ils ne connaissent pas encore leur présence. On vous escortera à l'aide de chevaux jusqu'à Justicienne. Vous n'assisterez pas à ce qui se passera à la ville de, enfin, au village de Moonlufer, mais évidemment vous vous doutez de des conséquences de ce village. Exactement. Les crieurs n'en parleront pas non plus. Par contre, vous aurez le droit à quelques récompenses. Déjà, la lettre que tu vas rapporter de ton côté à vie. Je sais pas si tu te rappelles le document que tu as ramené. Tout à fait. Ouais, il te sera facturé également 300 lettres de change. Oh ! Et de ton côté, Torik, les préservistes te feront un cadeau de 100 lettres de change. Mais seulement à toi dans ce cas-là, pour l'instant. Pour tout ce qui est renom, etc. On en parlera plus tard, pour l'instant je vais pas... Tu peux parler de mes 300 ? Pardon ? Tu peux parler de mes 300 ? Si tu veux. Du coup ce que je vais faire, mm-hmm. je suis quand même gentil, c'est que je vais du coup départager. Mm-hmm. Je vais genre, je prends 50 parce que j'ai pas mal de lettres de change, donc ça a un accumulé à plus que possible. Je donne du coup... Parce qu'il y a 300. Tu pourrais donner 100 à Hospitalier vu qu'il a déjà eu sa prime et 150. Je donne 100 à Torik et 150 à Mokoche. Ok, Très bien.